Bonsoir YouTube, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Il n'y a pas eu de fail. Il n'y a pas eu de fail durant cette soirée, c'est absolument faux. Ceci n'existe pas. Il ne se passe rien du tout. Il ne se passe rien du tout. Tout va bien. Vous n'entendez que le son de ma voix et nous allons accueillir nos joueurs. Donc bonjour les joueurs, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bonjour. Bonsoir, c'est On voit bien du naturel. coup. Alors, donc bonsoir Sig. Bonsoir. Bonsoir David. Non. Bonsoir Dédra. Et bonsoir Bonsoir. Rissam. Bonsoir. Donc... Que s'est-il passé la semaine dernière? Donc oui, voilà, hein, comme... C'est incroyable! Voilà! Que s'est-il passé? Que s'est-il passé la Elle est semaine dernière? médium! Alors, il y a ces Ivre! clampins qui ont été voir Christopher, ils se sont fait gauler, et moi j'ai pris le taxi. Pas ça l'histoire! Bah, on a sonné à la porte, donc on s'est pas fait gauler. Je me suis fait gauler la première Tout fois, seul! en y allant tout seul comme un grand. Parce que la porte a grincé, c'est pas ma faute. Boulet! Mais boulet! Alors attends, je voudrais pas dire, du coup la semaine dernière tu as fait deux boulettes, te faire repérer par Christopher et t'écraser derrière la fenêtre, lamentablement, hein, Alors, en je me te suis prenant pas six grunes. techniquement, je me suis pas écrasé derrière la fenêtre. Je me suis éventré la cuisse contre un bout de verre et je me suis éclaté la gueule après. Voilà, C'est mieux. super. Voilà, voilà, voilà. Expliquons les choses dans l'ordre, s'il te En plaît. sachant que six grunes a atterri sur toi, tel, voilà, comme si tu étais un vulgaire paillasson. Voilà. Allez écouter ou regarder les VOD si vous voulez savoir, parce que c'était quand même vachement marrant. Et puis Vachement, après, vachement. bah, on a été voir Yaroslav et Teresa pour avoir des informations sur Michael parce que le mec il est bizarre. Et du coup, bah, après, on a eu une adresse pour aller chez Michael justement et il y a eu la bagarre parce qu'il y avait des SDF. Fort sympathique. Bon, en sachant que du coup, Risa m'a pris une balle dans le bide. Mais Et ça va que mieux parce qu'elle est guérie avec du Sigrun fil a dentaire fondu maintenant. avec du fil dentaire. Voilà. Ça, on aime. C'est très hygiénique, c'est très Ah pro. oui, non mais... De toute manière, le fil dentaire, s'il n'a pas été utilisé, il est clean, non? Du coup, j'ai mon ventre qui sont dentifrices. Oui, bon. Ah, tu peux te brosser les dents avec, quoi. Ouais, c'est ça. Quand les points de suture vont sauter, tu pourras t'en servir pour c'était un bout de salade entre les dents. Voilà, c'est tout. Il y avait des Donc filles qui voilà, donc arrivaient. là on en est au point où donc on est dans la maison de Ah et oui, il y a aussi on entend et on on a tué voit. des gens sans faire exprès ou en faisant exprès dans votre cas, mais sans faire exprès Il y dans a le aussi mien. un autre détail, c'est que ces trois personnes qu'on a tuées ont été envoyées par un grand mec brun. Ouais, Voilà. du qu'on va quartier des devoir les clodos. scotcher les clodos. Il y Voilà. a des drogues qui s'est caché dans les buissons aussi. Et Bah donc oui, Il y la a des drogues qui s'est répétition caché dans les buissons aussi. s'arrête au moment Vampire ou où pas, mais... on entend et on voit la police et les sirènes et tout ça dans la maison. Le Donc, son des comment dire, sirènes. on est dans la barbe à merde. Voilà. Les sirènes du Une barbe à pharmacien. merde. Voilà. Du port, Maxime. Du port, oui, c'est ça, le Gadget tout port. le pied dans la merde. Chante encore la même mélodie. Voilà, c'est tout. Donc on attend Code C'est français. tout, c'est bon, c'est fini, pour de vrai? On peut commencer? Peut-être, on sait pas, on Ah, mais c'est toi croit. qui nous as demandé, hein. Est-ce qu'on nous Donc, entend? les amis, Mais, regardez. oui, on... Live, Alors, écoutez, hein, encore une fois, il n'y a pas d'histoire de live ou pas live. Il ne s'est rien passé avant cette intro. Rien du tout. Du tout. Bah, Voilà. c'est pas pour Ce qui moi, n'était c'est pour absolument Sigrun. pas gênant, ce qui n'était absolument pas gênant, étant donné que du coup, il n'y a pas eu de long moment de silence. Il n'y a pas moi qui demande alors qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, suivi d'un énorme moment de silence parce que votre son n'était pas activé sur le logiciel de streaming. Je veux dire, Ce voilà. n'était pas plus mal parce que je me suis étouffée avec une fève qui était dans ma salade et je Oui, et n'arrivais que plus je à m'étais reprendre la plongée, donc là respiration. c'est ma faute. Voilà. N'empêche ça, j'aimerais bien le voir sur la VOD, le passage de long moment de silence. Bien Les awkward. bloopers. Alors, comme je l'ai dit, alors j'ai expliqué rapidement sur Oui. Discord ce qu'était un retcon. Donc cette partie du live a été C'était mon complètement con. retcon. Moi, je suis juste conne au C'est mon pire, hein, donc. dommage. Voilà, donc ce sera trouvable facilement sur Twitch, mais c'est tout. Oh, ça va être coupé, comment ça? Bouh, Pas pour bouh. entendre. Oh, zut alors. Si, tu nous as demandé Oh aussi comment non. s'était passé nos semaines, enfin notre semaine, Et on a tous répondu que c'était très bien passé. Et nous avons gagné l'Oscar du meilleur hypocrite. Du coup, oui. Voilà. Moi, j'attends ma petite statuette dorée que je vais mettre sur mon buffet. Alors, ce serait une statuette en caca. Hein. Faut pas non plus. À côté de mes pops, ce sera pas. Un caca en or comme dans Zelda. Ah non, non, non, non, un vrai caca. Ok. Juste un caca. Ah, du coup, je te lance dans la gueule. Ça peut pas être mal. Voilà. Alors, du coup, vu que vous êtes en train de tous et toutes jouer les malins. Non, c'est pas vrai. Mais dois-je vous rappeler que donc. Alors, je vais aller jeter un petit œil très rapidement à ma superbe thumbnail. Alors, je dois l'avoir sur mon téléphone. Jette un œil, pas trop loin, mais ça fait mal. Ouais. Je retrouve ça très rapidement. Parce que j'ai un petit doute quant à un détail. Sig, étant une dessinatrice de talent, voilà, j'ai toutes les infos qu'il me faut. C'est gentil. Donc Sig, David. Oui. Vous êtes à la fenêtre en train de tout simplement regarder. Oui. De tout simplement regarder. Si. Et donc il y a des sirènes. Vous voyez, vous entendez les sirènes. De très très loin, hein. On les entend de très très loin, vous voyez un peu la lumière, des draps récents, vous n'avez encore rien vu. C'est pas vrai. Si, je l'ai vu moi. Si, on les a vus et entendus, enfin, on a vu les trucs hein, prendre pour des billes. J'avais réussi à manger. Ouais, non, moi aussi. Alors, si, qu'il faudra qu'on discute après. Pas de soucis, on en discutera. Du coup, voilà, donc celles et ceux qui les ont vus, vous les avez vus, entendus, et celles et ceux qui les ont pas vus, vous les avez pas vus, entendus. Logique. Donc, qu'est-ce que vous faites ? On reprend là, la police est en train d'arriver dans la maison. À vous de jouer. Okay. Bah, moi je dis chacun pour soi, et occultation, je me planque. Au revoir. Ok, je prends la main, donc du coup, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu. Je regarde tout le monde et j'annonce, messieurs, dames, la police arrive. Moi, je peux faire un truc ? Bah oui, c'est le but du jeu de rôle. Voilà. Les corps, là, si je peux juste arracher les marques de dents qu'on a fait. Parce qu'on a sûrement fait des marques de dents, vu qu'on a. Bien entendu, il y a des marques de dents, oui. Bah du coup j'arrache les bouts de peau à cet endroit-là comme ça au moins. S'il est beau arraché, c'est juste la barbarie. S'il y a des crocs dedans, hein, c'est bizarre, et la mascara. Il y a des morts. Ah donc tu veux dire que t'arraches la moitié du cou du mec. Parce que ouais, les dents ça se plante profond quand même. Enfin, pas profond à 20 cm non plus les potes. Hein. Alors pas profond à 20 cm non plus, mais c'est-à-dire que tu vas dans la jugulaire. Tu vas littéralement. Oh là là. Pour réussir à arracher toute la jugulaire, parce que la jugulaire a les marques aussi. Oui, mais alors je suis désolée, mais en plus on a laissé tous les cadavres dans le jardin. Hein. Mais les cadavres, ça va. La baramine, je crois qu'elle est restée là-bas, si je dis pas de bêtises. On est couvert de sang. Ah non, mais on n'a pas le temps d'enlever les traces. Hein. Ah non, bah non, mais là on est dans la giga merde. Hein, donc, Non, mais autant, alors pas enlever les traces. Là par contre, vous les entendez, vous entendez les voitures arriver et. Dépêchez-vous, je me barre en mode occultation perso, hein. Je me planque. Moi, je me tire avec. Ah non mais clairement là il faut se tirer. Moi je propose un truc, c'est on passe par le jardin. Si la clôture est pas trop haute, on peut essayer de voilà d'en sortir mais par. Mais haute ou pas, on se taille, hein. On n'est pas fou. Hein. Franchement, on va pas passer par la grande porte dire hey salut. Non là on n'a pas le temps, faut être discret. Hein. Et du coup on n'a pas le temps donc on bouge, voilà. Voilà, on bouge. Moi, je propose qu'on aille dans le jardin. Oui, on va dans le jardin, on saute la fenêtre, et la truc, et voilà. On se fait un petit foot dans le jardin. D'accord. Je conseille de passer par la fenêtre, hein. C'est un coup à s'ouvrir encore la jambe. Alors, on va passer par la porte, éventuellement. La petite porte de derrière, voilà. Donc, qui va dans le jardin ? Moi, nous trois. Ok, donc Dédra, Rissam, Sigrun. Toi, tu te... Ok. Personne me voit, je me casse, mais... Permettre, je vais essayer de rester vigilante, hein, au bruit, au truc. Ouais, d'accord. Ce qui peut se passer, j'ai mon truc de vigilance là dans les talents. Donc voilà, j'essaye de rester aux aguets. Moi aussi. Je un peu partout. Voilà, j'écoute un peu de tout. Et moi, j'ai vigilance et furtivité. Bah effectivement, alors là ça va pas forcément être vigilance et furtivité parce que les flics sont en train d'arriver. Donc David, tu es planqué dans la maison. Très bien. Donc je rappelle, hein, vous m'avez dit... Je pars dans le jardin mais en occultation, tu sais, j'utilise mon don pour être invisible. Ouais d'accord, donc par contre tu vas me faire un jet du coup de dextérité et furtivité s'il te plaît. Dextérité, furtivité. Difficulté. Difficulté, alors non, attendez, laissez-moi réfléchir parce que c'est la nuit. Donc ça aide, il y a beaucoup d'ombre, mais alors bon, pour le moment, la police n'est pas encore arrivée à la maison. Ils seront là dans entre 30 secondes et une minute. Donc concrètement, hein, vous avez largement le temps de passer la clôture et de vous barrer le plus vite possible. Il n'y a pas un carton au pire pour se cacher en dessous. Non, tu n'es pas dans Metal Gear, sachant que je vous rappelle qu'il y a deux cadavres dont il me semble, alors si je me souviens bien hein, de ce que... oui, alors il y en a un qui n'a plus de tête. Il y en a un qui est caché dans les buissons. Si je... Voilà, c'est ça, il y en a un qui a été caché dans les buissons. Il y en a un qui a des traces dedans. Hein, mais ça, c'est... Et il y en a un autre qui est... Et il y en a un autre qui est allongé dans un canapé dans la maison avec deux grosses traces de... Enfin, deux gros points. Alors qu'on aurait foutu un cri de griffe, un coup de griffe dedans et ça aurait mieux, hein, mais bon... Voilà. Mais c'est-à-dire que vous étiez en train de parler, il n'y a personne qui a pris la... peine de le faire, donc du coup, vous ne l'avez pas fait. Pardon, mais je peux pas le faire tout seul. Bah, à ce moment-là, vous me dites je vais faire ça et pas... Mais est-ce je l'ai que... dit. Non, tu m'as demandé est-ce que je peux faire ça. Parce que sinon, après, je me... Oh, bah, tu sais quoi, Nick, voilà. Je suis désolé, c'est comme ça. Moi, si on me demande est-ce que je peux faire ça, oui, tu peux le faire. Si, si on me dit pas est-ce... je le fais. Non, vous, m'avez... Voilà. Vous m'avez tenu la jambe, pense. Je l'enlève la moitié. Je vais fermer la tête, excusez-moi, c'est ça. Donc, David, tu pars en occultation, c'est ça? Ah ouais. Alors, ça va pas être. C'est... Ouais, ça va être astuce et furtivité à la limite. Avec une difficulté de 5, parce que c'est pas trop difficile dans la nuit. Les autres, vous allez juste me faire un jet de dextérité. Et... 6 succès. Oh, 6 succès, bah, tu disparais. Super. Dextérité et... Dextérité, et je cherche peut-être athlétisme. Sauf que personne n'a pris athlétisme. Aucun de vous, hein. Non. Aucun de vous. Non, voilà. Pas, attends, je regarde. Mais... Oui, alors à moins que vous vouliez défoncer la clôture pour passer non, à travers... Non, on a déjà fait assez de dégâts, je pense que moi je m'arrête là. Mais sinon, ouais, ça va être athlétisme pour passer par-dessus. Difficulté. Ouais. Difficulté, bah vous êtes des vampires, hein. C'est pas une clôture, c'est une clôture en bois. Vous savez, les petits murets en bois avec vous voyez, le truc typiquement américain. Donc difficulté de 4. Clairement, c'est pas le truc. Voilà, allez. J'ai un 10. Ah voilà, alors juste la prochaine fois, essayez de les faire un peu plus différemment, parce qu'il faut que je les montre en stream. Donc voilà, Rissam fait 4 succès, Sig 2 et Dedra 0. Je me prends les filles dans la clôture, je meurs, fin de l'histoire, bisous. Donc effectivement, bah pareil, Etas, tu vas m'en... David, tu vas m'en faire un aussi, s'il te plaît. Dextérité. Du coup, dextérité, athlétisme. Dextérité, athlétisme, c'est ça, difficulté 4. Ouais, à moins que avec les ombres tu décides plus d'escalader le truc, parce que là c'est vraiment pour sauter au-dessus, tu vois, de manière flamboyante. Ah non, je peux escalader, je suis déjà discret, donc. Et voilà. Donc on a David qui a disparu. Vous savez pas où il est. C'est-à-dire que vous êtes parti de la maison et puis bah David il est plus là. Rissam, toi, bah, tu as sauté, mais alors vraiment le truc, t'es parti en vrille la petite, t'as sauté, vrille autour, par-dessus la, comment la barricade, et puis t'as atterri sur tes pieds, genre, tout simplement dans l'herbe de l'autre côté. Chris, pareil, t'as sauté, t'as pris ton appui, t'es passé, tu sais, les mains devant, oui, pardon. C'est pas facile, parce que moi j'ai 15 milliards de longs, c'est très difficile. Donc oui, Sig, t'as sauté, t'es passé les mains en avant, tu vois, vraiment genre plongeon dans une piscine tout simplement. T'as atterri sur tes mains, fait un backflip, hop, ratterri sur tes pieds, pareil, t'as continué à courir. Des draps, toi t'as voulu sauter par-dessus, ça a fait PONK. Et tu t'es quand même raccroché avec tes mains en haut. Donc du coup, bah t'as fini de l'escalader, t'as passé une jambe, tu t'es assise en haut, t'as regardé à côté de toi, t'as vu les voitures de flics arriver et tu t'es laissé tomber de l'autre côté, t'es atterri sur tes pieds. Et pendant ça là, bah. Ça se moque de moi quand je passe une vitre. Hein. Moi, je suis pas blessée. Voilà, au moins elle s'est pas blessée et il y a personne. Tu t'es pris une bosse, une connerie du genre quand même. Hein. Non, parce que c'est juste un échec et pas un échec critique. Boum. Voilà. Donc ça joue au malin, hein. Mais voilà, qui joue au malin tombe dans le ravin. Et justement, alors en parlant de ravin, donc il y a un énorme ravin de l'autre côté où toi tu tombes dans. Non, pardon. Non, donc pareil, vous avez perdu David. Mm-hmm. Vous avez perdu David. Mais non, mais si on le voit pas, c'est qu'il doit être caché. On continue, on va se barrer quelque part dans mon domaine quelque part, et puis il le rejoindra, on a son numéro. Ah bah après vous pouvez très bien vous barrer, vous avez son numéro. Vous avez aussi des GPS, hein, parce qu'on est en 2018. Donc voilà, vous pouvez très bien retrouver votre chemin. Rappelez-moi juste comment vous étiez rendu à la maison, à la base. À pied. À pied ? Non. Je crois, ouais. De mémoire. Il me semble, hein. Ouais, à pied. Mais... Si c'est pas à pied, c'était en bus, donc... Donc vous n'avez pas laissé de... Vous n'avez pas laissé de... Comment de... De voiture. J'ai perdu mon Navigo, donc non, pas de voiture. Vous n'avez pas laissé de voiture ou de preuve de votre. Ouais, bah, par toutes nos empreintes, partout, les traces dedans. Les empreintes, les traces et de dents. Les cadavres, du sang, tout va bien. On n'a pas de voiture, donc ça va. Ouais. Après, alors, faut quand même se dire, hein, pour vous rassurer un petit peu, pour des empreintes, faut que le corps soit chaud. C'est pas votre cas. Pourquoi faudrait qu'il soit chaud ? J'ai des gants, je m'en fous. Et en plus, Rissam a des gants, donc elle s'en fout. Non, mais même, voilà, qu'on soit dedans, la base de données, j'imagine qu'on n'y va pas. Si je peux me permettre, en plus, j'ai les mains couvertes de sang pour avoir recousu justement Rissam, donc... Ah, donc c'est possible que t'aies laissé vraiment une trace de main en essayant de pousser la porte, c'était tu sais pas qu'à pousser la porte. Après ça... Surtout que mais faudrait qu'on soit déjà listé, donc c'est ok. Pour l'instant, enfin, juste pas qu'on soit surpris, quoi. Voilà, mais c'est parfait parce que vous me donnez des munitions pour la suite, c'est génial, vous mettez vous-même dans la merde. Vous êtes des joueurs absolument géniaux. C'est-à-dire que j'ai parce connu. Si on dit rien entre nous et qu'on fasse rien, y a pas de problème. J'ai connu les joueurs qui essayaient de se sortir de situation en négociant, genre, non, mais en fait, c'est-à-dire que pour sortir de la maison, j'ai mis mon coude, j'ai poussé la porte avec mon coude. Je te jure, j'ai fait ça, je me suis fait un peu mal au coude. Et là, on a... Ah non, mais alors, j'ai laissé une grosse trace de main sur la porte. Non, mais comment ça, les flics, ils vont me chercher? Bah oui, mais alors, c'est-à-dire que moi, j'ai mis ma main. Vous êtes des joueurs géniaux. Vraiment, je vous aime. Comme je viens de te dire, si on n'est pas listé chez les flics, il n'y a pas de joueurs honnêtes. Donc, vous partez... Vous allez. Pour information, moi je pars en direction de chez Tapani là. C'est-à-dire. Voilà, vous avez quand même échappé. Vous avez couru un petit moment pour échapper aux flics. Mm. On est d'accord, vous avez pas sauté la barricade et fait. Bon, bah on se retrouve la semaine prochaine, hein, salut! Moi je sais pas si j'ai besoin de réellement courir, on me voit plus. Toi on te voit plus. On te voit plus tant que tu fais pas de bruit. D'ailleurs, généralement courir en fait c'est une très mauvaise idée pour toi. Ah oui, c'est ça, je suis parti tranquillement, les mains dans les poches. Le mec, il est en pyjama depuis le début de la partie. On l'entend plus, on le voit plus. C'est ça. Alors non, j'étais pas en pyjama depuis le début de la partie, parce que j'étais en pyjama après la réunion, le lendemain. Parce que lors de la réunion, j'étais habillé un minimum. Ouais, c'était un pyjama et une cravate, c'est vrai. Oui, c'est ça, il y avait la... Il y avait une chemise et une cravate. Mais le bas, c'était peut-être pas un pantalon classique. J'imagine que le pantalon d'Obélix, là, en fait. Bah, le pantalon pyjama rayé, tu sais, il a la chemise par-dessus. Moi, je vois pas. Bon. Excusez-moi. Non, j'étais en train de boire un coup. Donc vous êtes parti. Donc, de ce que j'ai compris, David, tu rentres chez toi. Oh oui, direct. Rissam, tu pars chez Tapani, ton sire. C'est ça. Des draps, Sig. Moi, j'habite avec Berivoy, non ? Enfin, j'habite pas loin de Berivoy, quoi, donc je vais aller chez lui. D'accord. Sig ? Pareil, sauf que je vais quand même envoyer un texto à Amber. Je l'avais envoyé juste avant d'aller chez Michael. Je lui envoie un message. Oui. Pas forcément rassurant. Mmh. Donc, je lui envoie un message pour lui dire que tout va bien, mais que je suis potentiellement recherchée et savoir si je peux aller chez elle pour me réfugier éventuellement. Bah, effectivement, elle te répond, elle te dit tu as juste une réponse, tu vois, tu y tapes un long message pour essayer de lui expliquer la situation très rapidement. Et elle te répond juste oui, viens, point. Ok, bon, bah, j'arrive. Voilà. Bisous. Très bien. Oui. Berivoy, il habite dans mon domaine. On peut estimer que oui, il a peut-être emménagé là depuis le temps. Oui, parce que sinon ce serait chiant de prendre le bus et tout à chaque fois. Comme ça au moins je sais que si au moins on est protégé, quoi, je vais pas lui foutre la merde. Ok, alors du coup je vais vous prendre un à un. Ouais. Vous séparez ensemble. On va faire dans l'ordre alphabétique, donc ce sera toi, Dédra, en premier. C'est quand même vachement sale de nous prendre un par un. Voilà. Alors, du coup, ma chère Dédra, donc tu es partie chez Berivoy. C'est ça, Berivoy. Oui. Berivoy. Qu'est-ce que tu lui dis ? C'est-à-dire que t'arrives chez lui et tu vois, il ouvre la porte. Ah, c'est toi. Baby's back et on est dans la merde. Là, pour le coup, mon pote, désolé de t'appeler mon pote, mais je suis un petit peu en état de choc, on vient de buter des gens. Sauf qu'il y avait la police derrière. Attends, rentre. S'écarte un peu du cadre de la porte pour te laisser rentrer. Et puis une fois que t'es rentré, il referme derrière toi, il fait « C'est quoi cette histoire-là de tuer des gens ?» Alors, mes petits compagnons du Scooby Gang, ils ont décidé de... Attends, le Scooby Gang ? Ben oui ! C'est les trois autres vampires qui avaient à peu près le même âge que moi, qui étaient là à la réunion, tout ça. On enquête sur ce qui s'est passé avec le président. Ah, vous voulez dire avec l'autre nerd, là, ouais ? Oui, oui. Bref, du coup, moi, je me suis cachée, hein, parce que bon, les flingues, tu le sais... Pas vraiment ma tasse de thé, je veux dire, même si, bon, je pourrais leur péter le cul, sous que c'est humain, je me suis rendu compte qu'après, hein. Tu me connais. Bref, pas fou. Les autres, ils ont tué, il y en a une qui s'est pris une balle dans le ventre, du coup, on a galéré, et puis après, on a laissé des traces partout, évidemment, et puis, les flics sont arrivés, mais on a réussi à partir. Je courais sûrement dans la merde. Voilà. Il y a un long moment de silence. Mais vraiment, genre, long, tu l'as jamais vu comme ça. Tu es personne, je te jure. Et il te regarde, il fait « Vous avez laissé des traces partout. » Bah, moi non. Moi, j'ai peut-être laissé des traces de bottes, mais je fais rien, j'ai rien touché. Et il n'y en a pas un seul de vous qui a pensé à détruire les traces. On n'avait vraiment pas le temps. En foutant le feu, par exemple. Et avec quoi ? Avec. J'allais faire popper des allumettes ? Toujours avoir du feu sur soi, c'est super pratique, surtout contre les vampires. Ça, on en parlera la prochaine fois. Mais attends, mais du feu, mais tu comprends que j'embrase une maison entière avec genre une petite allumette et une petite flaque d'essence. Ah bah on sait jamais, hein. C'est possible. Je veux dire, tu défonces les portes, tu fais un petit feu de joie. En plus, la chair humaine, ça brûle bien. C'est moi qui te le dis, hein. Ça, je testerai. Mais en 30 secondes, je pense pas qu'on aurait eu le temps, parce que les flics, bon, ils ont mis quoi, 2-3 minutes à arriver, et quand on les a vus, quoi, je pense pas qu'en 2-3 minutes, on aurait eu le temps. Puis bon, je me suis un peu ramassée sur la clôture, quoi, donc... Va falloir qu'on travaille ça, tu t'en rends compte. Ouais, non, mais ça va, c'est chiant le sport et tout, je peux déconfler des culs, mais monter des palissades comme ça, et c'est dur. Ouais, alors, à partir de la semaine prochaine, toutes les nuits, on va se faire un petit running. dans la ville. Hein, on va se faire un running dans le parc de Seattle. C'est juste maxi. Maxi. Ça va, il fait juste 24 km le parcours que je fais. Putain, en plus on peut même pas courir vite, on est en plein milieu de la ville, on peut pas courir au milieu de l'appartement là, c'est rare. Ah bah c'est dans un parc ou rien. Je pars un stade pas loin, ouais d'accord c'est bon, allez, c'est bon. J'ai vendu mais 30 minutes, 1 heure pas plus, hein, j'ai autre chose à foutre quoi. Bon, bah du coup tu vas rester ici un petit moment je suppose. Je sais pas trop quoi faire là maintenant. Bah pour le coup, je pense qu'on devrait rester un petit peu à couvert quelques jours, mais on se tiendra. On peut utiliser nos téléphones, non, ça craint pas. Bah à moins qu'ils aient votre identité et qu'ils sachent qu'ils aient directement tapé sur vos lignes, ça m'étonnerait. Je pense pas qu'on ait laissé nos cartes d'identité comme ça. Non, pas fait. En plus, moi j'ai rien touché, je sais très bien de bottes, hein, juste de brûler mes bottes, c'est fini. Hein. Je connais juste nos pointures. Hein. Ouais, bah j'espère pour toi qu'ils te retrouveront pas. Y a pas de risque, mais on sait jamais. Non, mais t'inquiète, et puis de toute manière, bon, je t'avouerai que c'est moi. Faut pas déconner, hein, je veux pas. C'est juste le Scooby Gang que je les ai rencontrés il y a deux jours, faut pas trop déconner non plus. Ouais. On sait jamais. T'inquiète, mon chouchou, ça ira. On sait jamais, bon, bah y a 2-3 poches de sang dans le frigo si t'as besoin. Hein. Non, ça va, tranquille. Et franchement, puis, tranquille, là ça va. Je vais bouffer un petit peu, mais j'ai pas trop faim, ça m'a un peu coupé la. Putain, il y en a une qui a fait éclater une tête. Pfff, je te raconte même pas. Éclater une tête. Ouais, avec une AK-47. Ça piu piu piu. Bout portant. Je te raconte même pas, explosion partout. Quoi. Ouais, ouais, les coups de feu, ça alerte les voisins. Ouais. Voilà. Mais on a une piste. Hey. Vous avez une piste 2. Ah, pour trouver. Parce que c'est une longue histoire, je t'avouerai, hein, je te raconterai plus tard si tu veux. Mais en gros, on a une piste sur celui qui a manigancé des trucs avec Michael, le mec des Tremères là. Et en gros, faut qu'on aille le retrouver, une espèce de planque de clodo. D'accord. Une planque de clodo. Tu veux dire sous le Golden Bridge, probablement. Oui, je suis sous un pont, mais on peut pas les détails, je t'avouerai. Ouais, bah ça doit être là. C'est là où toute la. La lie de la ville se retrouve. Je te montrerai. On ira faire un petit tour. Ouais, on va laisser quelques jours juste le temps. Ah bah c'est dommage, je vais pas pouvoir sortir pour un footing. Ouais, bah tu vois la porte là. Juste là en face de toi. Vas-y. Non, ça va, je reste avec toi s'il te plaît. Non, il te monte une porte dans l'appartement. Il te monte une porte dans l'appartement. Ça va, ça. Et vas-y, tu peux l'ouvrir. J'ouvre la porte. C'est une immense salle. Salle de muscu. Putain, c'est pour ça que t'es aussi baraque, espèce de placard à glace. Bah écoute, il faut bien garder la forme. Mais tu sais bien que tu as toujours eu la forme, mon petit. Oh, bah oui. On a dit pas ça entre nous. Hein. Je te rappelle, ça fait 20 ans. Je te taquine. Ouais. Bon, bah du coup, tu peux aller t'entraîner si tu veux. Ouais, je vais manger un petit peu d'abord. Sinon, t'as le canap. Et puis moi, je dormirai sur le sol. Parce que, bah, pourquoi avoir une chambre alors qu'on peut avoir une salle de muscu? Oui, je t'aime trop, mais si tu veux, je dors par terre. Ouais, à mon avis, je suis tellement claqué que je vais dormir direct. Hein. Ouais, bah justement, ouais. Mange un bout, allonge-toi, ça ira. Merci. Si gentil. Alors. Voilà, je vais appeler David, donc préviens-le, hein, je te laisse le prévenir. Okay. Hop, on leur laisse quelques petites secondes pour se prévenir. Et on va ramener notre cher David. Voilà, bonsoir David. Au revoir. Ok, au revoir. Très bien. Non, donc David, donc toi tu es rentré chez toi? Oui. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Non. D'accord. Non, il va bientôt faire jour, moi je me couche. Tu te couches? Ok. Eh ben écoute, je vais passer à Rissam. Tu lui dis que je l'appelle dans les secondes à venir. Ok. Eh bien, merci. Voilà, on va. Encore une fois, j'ai laissé quelques secondes. C'était très. Vous savez, c'est ce genre de moment où clairement, on se dit qu'il va y avoir des choses importantes qui vont se passer. Et on a un joueur qui nous dit: ah bah non, je fais rien. Voilà, c'est mon genre de moment préféré. Mon genre de moment préféré dans le jeu de rôle, sachez-le. On va donc ramener Rissam. Voilà, Rissam, bonsoir. Bonsoir. Donc toi, tu es parti chez Tapani. Kira. C'est ça. Eh bien, vas-y. Je suis donc je sais pas ce que je suis arrivé, donc je sonne à sa porte. Bah, il t'ouvre, il est en chemise de nuit. Mais alors, un truc, tu l'as jamais vu comme ça, c'est de la soie. C'est beau. C'est beau. Tu bloquerais presque dessus, en fait. Mais c'est-à-dire que c'est ta panie, donc t'es là, genre. Non. Okay. Bah, je rentre, voilà. Regarde, il fait, bah, vas-y, invite-toi chez moi. C'est ce que je Regarde, il fait, ça va? Qu'est-ce qui Ça t'est va, moi. arrivé? Donc, du coup, comme je te l'ai dit, on a été chez Michael. Michael. Le mec là, qui était pas là, ben, tu sais. Le mec dont je t'avais demandé l'adresse là, mais que tu m'as Ah renvoyé chez moi. oui, le oui, Michael, oui. Oui. Bah et alors, donc vous êtes allé chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il était pas là. Mais il y avait D'accord. trois individus humains qui étaient là, par contre. Et on a dû se défendre. Donc D'accord. ces trois humains sont un peu beaucoup morts. Il y en a un qui n'a plus de tête. Et du coup, il y a des flics qui sont arrivés. Tu t'es pas fait choper au moins. Non, non, on a réussi à tous. J'espère. Ouais, bah j'espère aussi pour vous, parce que sinon vous êtes un petit peu dans la merde, hein. Donc voilà, du coup, on n'a pas trouvé de traces de Michael, mais ces trois hommes qui ont été envoyés par un grand mec brun, apparemment. Il y en a plein des grands mecs bruns. Je suis un grand Oui, mec brun, donc. c'est ça le problème. Mais bon, pour faire comme ça, je pense pas que tu en sois capable. Il y a un moment de flottement. Il y a un D'ailleurs, moment de flottement où il a l'air de réfléchir en fait. je me posais une question. J'ai donc été voir Yaroslav quand tu m'avais dit. Ouais. Et quand je lui ai dit que tu étais mon sire, il s'est mis à rire, il m'a foutu à la porte. Pourquoi ça? Ah, parce que c'est un connard. C'est un connard, et puis tu sais comment c'est, hein, le chef du chef du chef du chef, hein, ouais, c'est bon, hein. Il m'a jamais aimé parce que il se pourrait, hein, je ne peux ni affirmer ni confirmer ses dires, que j'ai possiblement essayé de lui vendre un tableau contrefait. Alors, je peux pas dire que c'est arrivé, je peux pas dire que ce n'est pas arrivé, mais depuis, il me déteste. Depuis une possible histoire, il me déteste. Voilà, je comprends pas pourquoi, c'était un très beau tableau. Bon, ça m'a payé mes factures d'électricité pendant 10 ans, hein, mais c'était pas mal. Il y a un petit moment en fait où genre il regarde dans le vide avec un petit sourire satisfait. Je vois. Puis du coup il snap, tu vois, il revient, il fait, et du coup il y a les flics qui sont venus. Ouais, mais ils n'ont pas eu le temps de nous voir. Vous avez laissé des traces? Ben, moi, ça va, j'ai des gants, mais les autres, je pense qu'ils ont dû en laisser, ouais. Donc, j'espère pour eux qu'ils sont pas fichés. J'espère pour eux. Je t'ai dit, hein, c'est de la mauvaise graine ces trucs-là. Je te l'ai déjà dit. Le meilleur ami d'un artiste, c'est. C'est l'art. Bah non, c'est l'art qui peut vendre, même si c'est du faux. J'ai dit, on l'a couvert dans la leçon 14 la semaine dernière, et franchement, t'abuses. Du coup, si ça te dérange pas, si ça me fait pas très plaisir, est-ce que je peux rester ici là, pour me poser un peu? Ouais, tu peux rester ici, ouais. Tu vas juste pas dans la salle d'art, hein, bien entendu. T'as l'habitude. C'est interdit. Oui. Puis sinon, t'as les chambres, t'as tout, tu peux te poser. Ok. Ce sera tout. Pas Ça sera besoin. tout. Ouais. Bon, eh ben, du coup, parfait. Je te laisse dire à Sigrun que je la. Sigrune d'ailleurs, que je la ramène dans quelques secondes. Ok. Merci bien. C'est très bien, on a tous nos joueurs qui se foutent dans la merde tout seuls. C'est parfait, c'est très bien qu'ils n'entendent pas ça. Ils se mettent tout seuls dans la merde. J'aime vraiment beaucoup ce jeu de rôle. Et bonsoir, Sigrun. Bonsoir, Sigrune. Sigrune. Grune, Grune, Grune, Grune. Grune, la Sigrune! lune, voilà. Je t'ai déjà demandé d'arrêter de parler de fesses en live, s'il te plaît. De ne pas parler de la lune des gens comme ça. Je vois pas le rapport avec la Bretagne. Donc toi, t'es parti, t'es allé chez Amber. Ok. Ouais. Tu es arrivé chez elle. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je lui fais la bise. Enfin, non, peut-être pas parce que je suis couverte de sang. Alors là, actuellement, tu es devant chez elle. Ah, pardon. Oui, excuse-moi. C'est un interphone, c'est une sonnette, c'est comment? Je sais plus. Ouais, il y a un petit interphone. Bon, et je sonne dans l'interphone. C'est-à-dire que ça décroche même pas, t'as la porte qui s'ouvre un petit peu, quoi. Ok, bon, je pousse la porte. Tu pousses, hein, tu montes. Attends, je monte. Je sais où elle habite. Exactement, tu sais où elle habite, c'est pas la première fois que t'y vas. Donc j'y vais, voilà. Voilà, elle est. En fait, elle t'attend, hein. Quand tu rentres, elle est devant sa porte et elle t'attend. Elle a l'air plutôt contente de me voir ou plutôt Moyen moyen. ouais, bon. C'est moyen moyen. Elle te voit arriver, elle te fait un signe. Tu rentres, elle referme la porte derrière toi. Puis comment elle fronce les sourcils un peu, elle te regarde, elle fait bon. Tu vas me raconter ce qui s'est passé? Oui, tu sais, je t'avais envoyé un texto, enfin tu l'as lu, Oui, je t'avais dit. je l'ai lu, oui. Je m'en souviens. Voilà, bon, tu vois, je vais bien, ça va sur toi? Ouais, j'emprunterai bien ta douche après quand t'auras le temps, parce que je suis pas. Ouais, je vois ça. T'en as tué combien? Non, mais arrête tout de suite. Oh, ça va. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai tué quelqu'un? Non, c'est pas mon genre. Ok, j'en ai tué un. Un seul, avec tout le sang que t'as sur toi? Bah, moi, oui. Oui, mais alors, concrètement, si les autres tuent quelqu'un, Tu sais, j'étais avec les autres, hein, le groupe habituel, hein, les âmes, David, Dédra. Bon. On est parti chez ce mec là, Michael. Bon, tu vois bien qui c'est, Michael? Oui. Bon, voilà. On partait pour enquêter, clairement, et on est tombé sur sur trois mecs. Trois mecs. Trois mecs. Et ça va, enfin bon. Oh puis merde, ok. Ce qui s'est passé, en gros, c'est que. On voulait juste enquêter, en savoir un peu plus, prendre de l'avancement. Voilà, et. Non, Et et si je suis partiellement recouverte de sang, c'est parce que j'ai dû la recoudre. Pas du tout, les d'accord. pierres, tu te rends compte de mes talents en médecine? Elle hoche de la tête, tu sais, vraiment négativement, quoi. Elle est en mode. Écoute, ils étaient armés. Enfin, du coup, voilà, des armes après une balle. David a voulu en choper un par le cou et avec notre force, tu sais ce qui se passe, mais il a complètement étranglé. Ouais. Je me suis battue au corps à corps avec un des mecs. Je lui ai un petit peu broyé les cacahuètes, on va pas se mentir. Mais bon, je voulais qu'il parle et. Je ne l'ai pas tué tout de suite, j'ai attendu qu'il parle et il nous a donné rendez-vous. Enfin, il nous a donné voilà, Ils étaient envoyés par un mec, voilà, pour piller la maison. Et... Voilà, maintenant je sais où est ce monsieur, du coup, voilà, j'ai voulu qu'il parle. Et... Mais j'ai fini par le tuer parce que la mascarade. Du coup, oui, ok, j'ai bu son sang, et oui, ok, j'ai du sang partout. Mais bon. Bon, bah va te nettoyer. Oui, mais juste, enfin, les flics sont arrivés et bah, on s'est enfuis, tous les trois, avec des âmes et des draps. On ne sait pas vraiment où est David, il a disparu pendant qu'on fuyait. Et je suis venue directement ici. T'as pensé à l'appeler? Non, pas encore. Mais je sais pas, je vais peut-être pas le déranger. Mais moi, je te conseille de l'appeler en numéro caché. Ouais. Comme ça, si jamais il a été arrêté par les flics, au moins, ils auront pas ton numéro. Ok. Ok, je vais prendre une douche et je l'appelle. Ouais, ce serait pas mal. Ça fait un style. Ouais. Ça te va pas très bien, Autain. Ouais. Oh. Écoute, je vais prendre une douche, ça ira mieux après. Hein. Voilà. Ouais, va prendre ta douche et puis tu pourras dormir après, tranquille. Ça t'embête pas? Tu peux rester ici? Ouais, tu peux rester. Ouais. Ok. Merci. Alors, David. Non. Eh bien, malheureusement, si. T'es couché. Oui. Et d'un coup, il y a ton téléphone qui sonne. Qui se met à vibrer. Je le balance. Tu le balances? Tu regardes même pas qui c'est, tu... Ah, je le balance, mais dans mon sommeil. Je te rappelle que quand je dors... Ah non, t'es pas en train de dormir. T'es pas encore en train de dormir, t'es juste couché. Ah, voilà. Je le balance. Tu le balances quand même? J'aime pas qu'on me fasse chier pendant que je dors. Ok, très bien. Ah, que j'essaye du moins. Très bien, donc tu balances ton téléphone. Ok. Donc, Sig. Oui, oui. Tu as essayé d'appeler David. David? Oui. Il n'y a pas de réponse. Oh merde. Je laisse un message, il y a moyen. Tu peux lui laisser un message, mais au moment où tu commences à parler, oui. Au moment où tu commences à parler, il y a Amber en fait qui te prend le téléphone des mains et qui appuie sur une touche et qui raccroche. Et elle te regarde, elle fait mais t'es folle. Bah. Il répond pas. C'est-à-dire qu'il a probablement pas son téléphone sur lui. Ce qui veut probablement dire. Qu'il s'est fait arrêter. Voilà. Et si tu l'appelles justement tout de suite après qu'il ait été arrêté, ils vont probablement pouvoir le tracer à toi. T'as du bol que j'ai coupé le. Que j'ai effacé le message avant qu'il l'entende. Non, tu ferais mieux d'aller dormir, ça ira mieux demain. T'as quoi pour le petit-déj? Parce que c'est important, le petit-déj. J'ai du sang. Mm-hmm. Ah, c'est du sang de rat. C'est du sang quand même. Mm. Ok, ça ira. On dit qu'on fait ça. Bon, ouais, on dit qu'on fait prends ça. Le canapé. Hein, j'aime bien ton canapé, il est cool. Ouais, tu peux prendre le canapé, je vais aller dans ma chambre. Ok, t'as un plaid? Des oreillers, tout ça, parce que quand même... Hein. Oh, elle te lance une belle couverture. Parfait. Bonne nuit. Eh, bonne nuit. Bisous. Je vais pisser, je reviens. Alors, bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir, mesdemoiselles. Oh. Bonsoir. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a perdu Sig. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? J'ai aucune idée. Excusez-moi. J'en ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée en fait de pourquoi Sig était en train de rire. Très bien. Donc vous êtes parti, vous êtes rentré toutes chez vos sires. Mmh. Mmh. Sig, Oui? est-ce que tu dis aux autres ce qui t'est arrivé ou pas? À ce qui s'est Oui? passé. Oui? Oui? Et je te Oui? laisse leur Alors, dire. du coup, justement, enfin, on ne s'est pas retrouvés, donc c'est par quoi? C'est par téléphone. Probablement par Sur WhatsApp. message, ouais. Moi, t'as mon numéro maintenant. Bah, j'ai le numéro de tout le monde, de toute façon. Bon, j'envoie un texto groupé. On a un groupe WhatsApp, t'inquiète. Parfait, parfait, on aime. Du Ouais, mais coup, alors juste rapidement, dans le groupe WhatsApp, il y a David. n'y a pas Rizam. Et il y a pas Rissam, Mais on effectivement. fait juste un Ah, groupe WhatsApp à faire, ajoute-moi. ça fait trop. Ajoute-moi. Non, écoute, j'envoie un Après, c'est texto avec groupé le là. numéro de téléphone, donc ça va. Mais... Mais... On s'en fout, au pire, j'envoie un texto, un message, et je leur dis. Pigeon. J'ai dormi chez Amber. J'ai Cool, essayé c'est de qui? joindre. Amber, c'est ma sœur. J'ai Oui, non, mais essayé de d'accord, mais. joindre. J'ai essayé de joindre David. J'ai pas réussi à l'avoir. Voilà, je lui ai tout raconté et c'est tout. Bisous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Salut! Alors, moi aussi, j'ai tout raconté à mon sire, et puis. Je sais pas qui c'est Amber, parce que normalement, c'est pas censé le connaître, mais du coup. Ouais, du coup, franchement, j'ai super bien dormi. Puis t'inquiète pas pour David, il doit sûrement dormir comme un gros. Super, bisous! Au Moi, secours. j'écris juste bah pareil. T'as dormi chez ton sire? Tout le monde a dormi chez son sire, quoi. Ouais. Ok. Perso, j'avais un super canapé avec une belle couverture, c'était top. Attends, Puis j'avais une salle de muscu. j'ai pu prendre une douche pour le petit-déj, j'ai bu du sang de rat, c'était super bien. Ah! Ça aussi, De c'est rat? ça. Cette expérience, c'est pas ouf, hein? Ouais. On se nourrit comme on peut. Bon, bref. Dormi comme il faut. Voilà, vous êtes bien reposé, mais bah voilà, vous n'avez pas de nouvelles de David et il n'a pas répondu à votre appel. Ah Enfin, ben, on à essaye ton de le appel, rappeler. Sig. Vous essayez de le rappeler? Pas tous en Ouais, même temps, c'est sinon on ça. va être en merde. C'est l'appel du 18 juin. Donc, t'as déjà fait Pardon. cette bataille. Je sais, mais c'était en. Alors, David, Oui. du coup, c'est le lendemain. Oui. Tu te réveilles, t'es tranquille. D'un coup, Oui. t'entends. Bah, Je cherche d'où ça sonne en fait. du sol au niveau de la porte, par là où t'as balancé ton téléphone. Oh, je vais le chercher. Ouais. Bah, tu vois, c'est un numéro inconnu. J'hésite à répondre parce que habituellement je réponds pas au numéro inconnu. J'ai la ligne fixe qui est ma ligne pro que pour ça et ça passe sur mon portable habituellement. Ouais, je vais décrocher quand même, tiens. Ok. Tu décroches. Hop, hop. Voilà. Donc, Oui. Sig, bonne nouvelle. David vient de décrocher. Yes. Allô? Oui, ça va? Comment tu vas? Bah bien, je viens de me réveiller. Mais mec! Quoi? Mais on s'est inquiété, mais on s'est inquiété pour toi parce que tu répondais pas. T'étais où, putain? Dans mon lit. T'as disparu, tu. Ah, ouais, c'est un truc que je fais. Et envoyer un texto pour dire que t'étais arrivé, c'était trop demandé. Non. J'étais fatigué. C'était riche en émotions hier soir, fallait que je dorme. Oui, mais envoyer un texto, c'était quand même la moindre des choses. On s'inquiétait. Hey, on n'est pas potes à la base, on se connaît à peine. Excuse-moi de m'inquiéter pour toi. Excuse acceptée. T'as bien dormi du coup? Ce sera peut-être pas mal qu'on se revoie un de ces quatre. Pourquoi faire? Bah, pour discuter. Parler de ce qui s'est passé, mettre les choses au clair. Oh, faut retrouver l'autre qui a tué un machin, puis ça sera bon. Ouais, enfin, on a une piste quand même. Enfin, la piste pour l'instant, c'est juste un grand brin, on sait pas plus. Dans le quartier des Clodos, mais. Des grands bruns dans le quartier des Clodos, je pense que t'en trouves des dizaines. Hein. Ouais. J'appelle pas ça vraiment une piste, perso. Pour en discuter avec les autres. Si tu veux, on se retrouve où ? Je sais pas. Vraiment, on en parle aux autres. Bah alors, je te rappelle que les autres sont avec toi, alors tu as de la chance. Ah. Voilà, bonsoir, ah. Bonsoir. Bah, oui, bah, super. Bonsoir. Donc, vous avez Sig au téléphone avec David, en fait, tout simplement. Tut. Voilà, non, je viens de l'engueuler parce qu'il nous a pas envoyé de texto. Alors que c'était juste la moindre des choses. Envoie nom de lui. J'en ai pas envoyé non plus. Hein. Et il a dit quoi ? Il a dit que de base on n'était pas potes. Donc, bon. Il n'y a pas de ça. Hein. Bah, en même temps, on n'est pas vraiment pote, on est juste en putain Scooby Gang. Je suis d'accord, mais c'est. Excusez-moi de m'inquiéter pour vous. Non, mais. T'as vu son clan ? C'est pas super étonnant. Hein. Un peu dans la tête dans les nuages, hein, si je puis dire. Ouais, mais c'est limite raciste là, donc arrête. Ah ben, ça se confirme. Il était dans les nuages. Et c'est pas méchant, c'est juste qu'il est un c'est petit peu ailleurs. Sinon, on se voit où et à quelle heure ? Bah, je sais pas trop si on doit sortir, là. Bah, c'est ça, le truc. En fait, ça aurait été bien qu'on se retrouve, mais c'est archi risqué. Pas pour moi. Ouais, bah, oui, merci. Toi, tu disparais, forcément. C'est pareil. Le gars, je lui ai demandé comment il avait disparu, mais il m'a dit, ouais, c'est un truc que je fais. Ah, oui, super. Mais c'est juste un vieux pouvoir, ça, t'inquiète, hein. Mon sire, il m'en a parlé. Hey. Donc, ah. On se retrouve où et quand ? Vous en pensez quoi ? Bah, moi je pense qu'on devrait se retrouver à un endroit de safe déjà. Ce serait mieux d'attendre que les choses se calment dehors, je me dis, genre oui. Demain. Ouais. Ouais, et puis ouais. Cette nuit j'ai un truc de prévu. Non, mais là vous vous êtes déjà toutes rejointes, toutes les trois. Quoi ? Non. Je suis encore chez nous. Non, mais ouais. C'est appels. Appels téléphoniques. Ouais, voilà, c'est ça. Bon. Bon bah si vous avez pas d'idée, moi je raccroche hein. Mais oui, non mais on attend que ça se calme et puis après on voit. Ok, ouais. Au revoir. Je raccroche. Au revoir. Waouh, sympa le mec. Ouais, du coup je pense que ce qu'on devrait faire, c'est déjà se retrouver. On va laisser dormir un petit peu encore, je pense qu'il a pas récupéré. Hein. Mais du coup, se retrouver un endroit déjà qui est sécure. Ça au moins que pas un truc avec qui est blindé d'humains partout là, ça pullule, oui. C'est ouais. Bon, mais ça pullule, c'est comme les vaches, hein. Conneries. C'est ça. Au pire, on peut se retrouver chez moi. Bah, chez toi, c'est discret parce que t'es quand même vachement connu. Ouais, chez moi, sinon, parce que personne n'est jamais venu chez moi, c'est vachement cool chez moi. Écoute, pardon, chez toi. Tant que c'est dans un quartier tranquille, ça va. Bah, c'est plutôt tranquille, oui, enfin, c'est un quartier OSEF sur 20, quoi. C'est... Ouais, donc si c'est un quartier OSEF, personne ne s'attendra à nous voir là. Donc, mais personne nous cherche au final. Donc, enfin, ils nous cherchent, on cherche nous. Ouais. Certes. On se dit chez moi dans 2-3 jours ? Ouais, même demain, je pense que ça ira. Ok. Pour savoir, on est quel jour là dans le JDR ? J'en sais rien, tu m'en poses des questions. Parce que, non, pour savoir, par rapport à... Par rapport à... Bah, à l'entraînement. Ouais, non, mais ça, il y a le temps. Ok. Le temps, ça sera pas... Du coup, eh ben... Oui, mais je vais encore vous reprendre un par un. D'accord. Donc, Dedra. Oui. Donc, tu dois aller chez Sig, c'est ça ? Oui. Vous allez tout chez Sig. Comment tu t'y rends ? Bon, déjà, j'envoie un message à David, un peu aux elfes, genre en mode, ouais, on se rejoint là-bas, si tu veux bien, tu viens, si tu veux pas venir, aux elfes. Ok. Et bah, je m'y rends, je sais pas, je pense que je vais prendre genre... le bus. D'accord. Merde dans le genre. D'accord, très bien, tu prends le bus. Faut juste que je vérifie une petite chose. Voilà, t'as fiché juste ici. J'en passe Navico, toi bien. Non, très bien. Très bien. Ok. On va juste faire un jet. Parce que. Pour prendre le bus? Alors, non, pas pour prendre le bus. Non, alors effectivement, toi, tu n'as rien fait. Concrètement. Tu n'as rien fait, donc ça va. Je vais être gentil. Je vais être gentil, tu n'as rien fait. Donc tout va bien. Et puis je vais appeler David. Là. David. Oui. Donc tu reçois un message de Dédra Ouais. qui te dit ouais, on va chez Sig, tu peux nous rejoindre si tu veux, c'est à peu près genre 2-3 jours plus tard. Hein. D'accord. 2-3 jours plus tard, tu reçois un message de Sig. On va chez. Enfin de Dédra, on va chez Sig. Si tu veux venir, tu viens. Si tu veux pas, tant pis pour toi. Oh bah j'y vais. Ok. Mais en prenant mon temps, c'est limite j'arrive en retard. Ouais. T'y vas comment? En pyjama. Non mais par quel moyen de transport? À pied. À pied, très bien. T'en as pour à peu près 1h30, 2h. Hein. Ah ouais, mais moi je prends mon temps toujours. Hein, Oui. Bah même 2h30, 3h. Si vraiment tu prends ton temps, 1h30, 2h, c'est à un rythme modéré, normal, tu vois. Là, si tu es en train de traîner les pieds, c'est bien 2h30, 3h. sans traîner les pieds, mais je marche un peu lentement, quoi, Oui, sinon je suis à voilà. mon rythme. Ouais, 2h30, allez. Par contre, j'ai une question pour toi. Oui. Comment t'as dormi ces derniers temps? Assez profondément. Ouais, mais justement, assez profondément. C'était un petit peu chaud quand même. Est-ce que concrètement, t'as quand même tué un gars? Ah ouais, mais c'est pas le premier que je tue dans ma vie et dans ma non-vie. Ouais, mais justement, ça met toujours un petit. C'est toujours un petit truc hein, en toi qui t'as l'impression que ça se brise quand tu tues quelqu'un. Donc tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de conscience. Et maîtrise de soi. Alors pour le coup, ce sera va falloir l'écrire dans le chat. Donc ce sera 7. 7 des 10 avec tu vois le petit chevron et tu vas mettre Alors, écris-moi dans le chat Discord ce que tu parles de chevron. ouais, c'est le ça. Oui, voilà. Tu vois? Plus grand que. Voilà. 7 des 10 et avec 4 6 F1 s'il te plaît. On va dire en fait difficulté de 6. Et fail à 1. Quatre succès. 4 succès, donc ouais, effectivement, t'arrives à dormir plutôt profondément. Peut-être en fait qu'au final, le fait d'avoir eu une absence, bah, M'aide t'en à as rien eu à relativiser. foutre quoi. T'étais là, C'était pas genre. moi, c'était mon corps tout seul. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est une très bonne. Un très bon truc pour les serial killers. Tu vois, ils peuvent se dire ça entre eux. Ouais, mais c'est pas ma faute, c'était mon corps tout seul. Mais moi, c'est vraiment, j'ai une absence, c'est pas ma faute, c'est vraiment à eux. Je contrôle Oui, si pas. tu dis ça aux flics, ils te regarderont, ils font oui, bien sûr, c'est toi et c'est, enfin, c'est pas toi, c'est ton corps, oui, bien entendu. Au pire, les flics, je les mange, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc je vais appeler Sig, Rissam, plutôt du coup. Hop, recoucou Recoucou. Rissam. Alors, donc tu te rends chez Sig. Oui. Comment est-ce que tu te rends chez elle? En taxi. En taxi? Oui. D'accord. Maintenant, j'ai une grande question. Comment est-ce que tu as dormi ces derniers temps? Comment est-ce que j'ai dormi? Ouais. Là, ce soir, j'ai dormi dans la chambre d'amis qu'on m'a visité à Panique. Non, non, non, non, non, pas où est-ce que tu as dormi? Comment tu as dormi? Est-ce que tu dors bien? Parce que je te rappelle que tu as quand même tué un gars concrètement. Oui, bah non, je dis oui par rapport à ça, non, j'ai très mal dormi cette nuit par rapport à ça. Bah, tu vas me faire un jet de conscience et maîtrise de soi, s'il te plaît. Alors, je vais te Conscience. redire, tu ne trouveras pas dans les jets. Donc, que tu vas lancer donc 7 dés. Je 7 dés. Donc, tu fais. Attends, je vais te le marquer. slash roll et... Alors tu peux faire slash R, donc pour toi ce sera 7 des 10 plus grand que... J'ai mis quoi? J'ai mis... Ouais, donc... comme au-dessus, quoi, comme... Comme au-dessus, mais avec difficulté de 7. Je te l'ai écrit dans le chat de Discord avec des points au cas où tu es... au cas où tu es... 7, 9, 1, ok. Difficulté de 7. 5 succès. Donc effectivement, tu dors plutôt bien. Tu arrives à relativiser. C'est pas génial, mais t'es là, tu dis, il fallait que je le fasse. Okay. Dis, il fallait que je le fasse. J'avais pas le choix. J'avais, voilà, j'étais pas, c'était pas ouf, mais il y avait pas d'autre choix en fait. Il y avait pas d'autre choix que ça. Et donc du coup, tu pars chez Sig, et je vais prendre Sig une dernière fois. Voilà, bonsoir, rebonsoir, ma chère Sig. Donc t'as reçu un SMS de David. Ouais. Qui te dit oh, j'arrive. Mais il a pas l'adresse. C'est-à-dire, tu sais pas comment. Tu lui as rien dit. Tu lui as rien dit. T'as juste eu un message de lui. J'arrive. Genre, mais, d'accord. Mais il est con. Maintenant, il y a une grande question. Oula. Il y a une grande question. Comment t'as dormi ces derniers temps? Bah, très peu. Très peu. Et puis, bah, pas très bien, j'ai l'impression. Bah, disons que je réfléchis beaucoup. Bah, t'as tué un mec, quoi. Ouais. T'as tué un mec. C'était la première fois que tu tues un mec pour autre chose que pour te nourrir. C'est ça. Et du coup, ça pique. Du coup, ça pique. Ça pique un petit peu. Alors, tu vas me faire un jet de conscience et maîtrise de soi. Alors. Donc, ça te fait 8 dés. Alors, c'est pour ça, tu vois ce que j'avais écrit dans le chat Discord ? Oui. Tu peux réutiliser, en fait, la même chose en enlevant les deux points au début. Donc, à partir du slash R, tu vois. Pourquoi j'ai pas conscience ? Attends, 2 petites secondes, excuse-moi. Ah, c'est dans tes vertus, hein. Tu te souviens, t'as tes avantages. Dans tes avantages, tu as les disciplines, les historiques et les vertus. C'est dans tes vertus. Ouais. Dans tes vertus, t'as conscience à 4, maîtrise de soi à 4. Ouais. Ce qui te fait 8 dés. Ouais. Donc du coup, t'aurais juste à modifier dans la phrase que j'ai marquée sur le chat Discord. 7 des 10 par 8 des 10. Juste remplacer le 7 par un 8. Et avec une difficulté de 6. Donc tu vois, le 7F1, tu remplaces par 6F1. Ouais. Et tu me lances ça, s'il te plaît. Attends, mais je lance ça où? Excuse-moi. Hein. Alors, dans le chat de Roll20, ouais. Tu tapes la phrase, tu vois le slash R, oui, tout oui, ça qu'il y a. Bien, ouais. Voilà. Donc, toi, tu mets slash R, 8 des 10, plus grand que 6F1. Ok, attends. En fait, c'est concrètement, c'est ce que vous devriez taper s'il n'y avait pas le système pour lancer les dés automatiquement. D'accord. Juste que le système pour lancer les dés automatiquement est beaucoup plus simple pour tout le monde. C'est sûr. Et donc, c'est pas 7F1, mais 6F1. Ok. Et bah, c'est une difficulté de... Alors, attends. Non, mais je suis désolée, moi aussi. Donc, tu enlèves c'est les deux clair. Points. Alors, tu enlèves les deux points qui c'est sont avant. Et bah, c'est pas clair. Et bah, bravo. Et comme je t'ai dit, tu enlèves les deux points et c'est 8 des 10, pas 7. Attends, 8 des 10. Désolé, c'est pas clair. 8 et 6 à la place du 7. Là, je pense que c'est bon du coup. Ok. 3 succès. Yes. Donc, ouais, alors effectivement, tes nuits elles sont mouvementées. Hein. En fait, quand tu fermes les yeux, t'arrêtes pas de revoir son visage. Et puis, si je peux me permettre, il y a peut-être aussi le fait que. Enfin, Talia aussi, ça fait 20 ans. Talia aussi, ça fait 20 ans. C'est difficile. Ouais. Ça aide pas, mais tu réussis à plus en rêver la nuit en fait. Depuis le temps. Depuis le temps, t'arrives à plus en rêver la nuit. Mais lui, tu vois, ça fait que quelques jours. Ouais. Et autant le premier soir, t'étais encore sous le choc. En réalité, t'avais toute l'adrénaline du truc. T'avais toute l'adrénaline du truc. Ça faisait genre. Tu vois, t'as réussi à. Et t'as crash quoi. C'est quand tu t'es mis au lit, ton cerveau il a fait. Bye bye for now. Tu vois, il s'est éteint. T'as dormi plus de 12 heures, t'étais vraiment KO, quoi, comme tous les autres. C'est ça. Mais c'est vrai que depuis cette nuit-là, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. C'était pas traumatisé, tu te réveilles pas en hurlant la nuit, mais ça te travaille un petit peu. Voilà. Et d'un coup, eh bien, tu entends à ta porte. Et ce sont, voilà, bonsoir mesdemoiselles et messieurs. Enfin, mesdemoiselles, du coup, pour le jeu, ben, vous êtes arrivés chez Sig. Bonjour. Comment, putain, vous avez mon adresse, bande de trous du cul? Bah, c'est toi qui me l'a donné. C'est toi qui l'a donné hier. Bah, oui. Ah oui, je m'en souviens plus. Alors, pour info, j'habite 5 rue des Salades. Voilà. Non, même pas, ah, personnellement, j'aurais plus mis la rue des petits violons, mais écoute, chacun son truc. Non, mais c'est 5 rue des Salades. Donc voilà, 5 rue des Salades. Petits violons. Voilà, merci beaucoup. 5 rue des Salades, résidence des petits violons. Enfoiré. Ok. Donc Dédra, toi, tu as reçu un SMS de David. Littéralement. Ouais, ok. Putain, ce mec. Voilà. La nonchalance. Ouais. Voilà, mais il est. Je l'ai dit, d'ailleurs. Il est toujours pas arrivé. Il est en retard. Il arrivera un jour, qu'est-ce que tu veux. Bah, au pire, je lui renvoie un message, je fais bah, on est tous là. Ramène ton boule. On t'attend, bouge ton cul. Vous avez pas de réponse. Qu'est-ce qui branle encore? Bon, bah, moi, je propose qu'on passe au salon, hein. On va se boire du thé et des biscuits. Voilà. Wow, si beau. Mais on peut pas manger de la nourriture comme ça. Non. Oui, j'ai des biscuits pour faire joli. C'est pas mal. Ils sont là depuis quand? 20 ans? C'est pas mal. Voilà. Bon. J'essaie de le rappeler. Ouais, rappelle-le. Tu veux l'appeler? Bah écoute, oui. J'ai une question conne, est-ce qu'il y a des trucs beaux dans... On verra ça plus tard, Rissan, deux petites secondes. David! Oui? Tu es en route, il y a ton téléphone qui sonne. C'est Sig. Waouh! Allô? Oui! Écoute, je suis dans la résidence des petits violons, 5 rue de la Salade, t'es où? En chemin. En chemin où? Dans la rue. Quelle rue? Sur le chemin. Ok, t'es là dans combien de temps? Oh, une petite heure, je pense. Oh merde. Bah, on commence sans toi, mec, hein. Bon, écoute, tu sonneras, je t'ouvrirai, hein, d'accord? Ok. Cool. Salut. Au revoir, David. Putain. Lui, clairement, quand il arrive, je l'encolle une. D'accord, je note, c'est noté. Bon, alors. Bon. Alors, Risa me posait une question de savoir si c'était. Enfin, s'il y avait des trucs beaux chez moi. Du coup, est-ce que c'est à toi de répondre ou c'est à moi? Bah, c'est à toi de me répondre. Tout est beau. Tout est-ce, que, est-ce que t'as des œuvres d'art chez toi, Sig? Alors, j'en ai une, ouais. Ah ouais. Putain, je sais ce que tu vas dire. C'est moi? D'un grand. Oui. Non, mais je parlais ça à ta personne à toi, du coup, ça aurait été marrant aussi. Bref. Non, alors, c'est un grand peintre que j'apprécie énormément qui s'appelle Salvador Dali. Voilà, j'ai réussi à choper un Dali. Et donc, voilà, il est exposé juste au-dessus de mon canapé. C'est l'apothéose d'Homère. Et donc, voilà. Bourgeoise. Désolée, je m'étouffe, c'est petit biscuit. Ouais, bien sûr. Donc, je suis un peu fière, on va pas se mentir. Ah non, je pourrais faire l'enfoiré, mais je ne ferai rien. Rissam, oh, il va Rissam faire a une petite. Rissam, mais finalement, ça va être un faux. Moi, tout niqué. Non, Rissam pourrait avoir une petite idée, mais je ne le ferai pas. Du coup, ouais. Bah, oui, bah, Rissam, tu vas me lancer un des deux, hein. sur Plenty pour voir si tu bloques ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Tu slash roll un des deux et puis à un tu fasses et deux tu ne fasses pas. Yeah. Bah voilà. Donc vous avez Rissam qui est devant le tableau. Putain, mais quel genre de personne fait ça devant une œuvre d'art tout le temps? Bah si, Rissam, parce que bah c'est une artiste. Mais même. Surtout, tu as déjà vu ça de tes yeux aussi. Elle m'a fait pareil chez Yaroslav. Putain, avec une horloge. Tu te rends compte? C'est bon, Dali, il baisait des chèvres. Allez, hop, on passe. Du coup, ouais. Le temps qu'elle fasse, que l'autre il arrive, on fait quoi? Bah écoute, on va pas pour l'instant parler de la piste, hein, parce que... On va parler torchon, hein. Oui. Parle-moi de toi un peu. On se connaît pas si bien que ça. Tu veux vraiment savoir? T'étais quoi avant d'être un vampire? Alors, je sais, plusieurs... Parce que je veux vraiment te mettre ça. Tu te rappelles la fois où on est dans un club de striptease et j'ai dit « T'inquiète, tu me connaisses ?» Oui. C'était un peu mon moitié de la nuit, quoi. Oui. Un peu de pole dance. J'étais derrière le bar. Et puis la journée, je vendais des sextoys. Oh. Voilà. Du coup, c'est un petit peu. Mais j'ai jamais couché pour du sexe. D'accord. Petit détail. En fait, tu fais ce que tu veux, moi, ça me regarde pas. Oh, mais t'as dit que tu voulais savoir. Ouais, ok. Mais voilà. Enfin, bon. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu faisais avant? Non, mais t'as quelqu'un dans ta vie, t'es... Et du coup, toi, tu fais quoi dans la vie? Bah avant d'être un vampire, en fait, j'avais une copine. Oh. On devait se marier de base et ça s'est pas vraiment fait. On attendait. Ça faisait 7 ans qu'on était ensemble et elle est tombée gravement malade. Et donc un soir, on est rentré chez nous. Enfin, je suis rentrée chez nous. Je rentrais du boulot. Je suis libraire. Et bah, elle était pas là. Donc du coup, je suis allée dans le bar où on allait tout le temps. Et la serveuse, Amber, m'a dit qu'elle pouvait m'accompagner vers elle. Et... Elle nous a emmené à une adresse toute pourrie dans des vieux HLM. Si je me rappelle un peu, Amber, c'est bien ta fille. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Et puis, bah, disons que un peu le trou noir jusqu'à là, et voilà, c'est comme ça que je suis devenue vampire. Du coup, t'as plus jamais quand même dingue, hein, quand même, que Amber, voilà, elle bosse dans ce bar où c'est dingue, c'est incroyable. Ouais, mais bon, au final, c'est toujours là, et puis c'est marrant, on fait le Scooby Gang. Oui, c'est ça, le problème, c'est que ça fait 20 ans que j'ai pas vu ma femme. Et je sais pas ce qu'elle vient, je sais pas. Un jour, on la retrouvera. On est des vampires quand même. Il n'y avait pas. On se retrouvera. Enfin. Ouais. Mais même si. Au moins, ça sera bien de savoir ce qui lui arrivait. J'aimerais bien. Ouais. Elle a fini de phaser, l'autre. Lâche mon Dali, s'il te plaît. Arrête de baver. Oh. C'est Fabi. Putain, elle en fout partout sur le canapé. Elle est dégueulasse. C'est du sang, c'est dégueulasse, là. Putain. Oh, enfin, c'est pour laver à l'eau froide, c'est chiant. Vous êtes en train de discuter quand d'un coup, à la porte, vous entendez POM POM POM POM. Oh, c'est notre boulet. Oh putain. Et c'est le moment de la pause. Voilà. Donc, chers gens du stream, on fait une petite pause très courte de 5 petites minutes. Voilà, c'est la pause pipi-boisson et on se retrouve bien juste après. Et YouTube et les MP3, vous vous en foutez, c'est immédiatement à la suite. Mais voilà. Donc, à tout de suite, le stream. Du bruit. Je suis tellement joué par cette sortie sur scène. Jetez-moi vos petites culottes. J'en ai pas. Du bruit. Ou au string. J'en ai pas non plus. Ouh. Même pas de caleçon. Je suis tout nu. Peut-être des poils de cou. Bon allez go. Allez. Allez donc attends, roleplay. Voilà. Oui, toi pour le coup c'est. Mais c'est bien parce que les gens donc ils vont couper, ils vont regarder la VOD. Et ça va faire bon bah on fait une pause, on vous retrouve tout de suite. Oui, superbe sortie de scène. Voilà. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Enfin, moi, je le verrai pas parce que un flemme, mais voilà. Donc. Je suis en train de se faire défoncer la porte. Il n'y a absolument pas d'allusion sexuelle à ce que je viens de dire, mais la porte de Ségolène est en train de se faire défoncer, je pense, par David. Bah, effectivement, c'est-à-dire que tu vas ouvrir la porte et il y a David derrière en train de taper à peu près, ouais. Okay. Où la porte ? Attends, je mets des applaudissements de série là. Voilà, il y a David derrière la porte. Bon, bonjour David, excuse-moi, tu connais le prix de cette porte ou... Et moi, je continue à taper dans le vide sans voir qu'elle a ouvert. Alors, tu vas me faire un jet. Alors, on va juste continuer le JDR à deux, on va les laisser faire les deux. Voilà. Hein. C'est quoi cet asile de fou? Tu vas me faire un jet de perception. Tout simplement, difficulté. Alors, la question c'est est-ce que t'es parti dans ton monde ou pas? Ça a mis du temps à répondre, donc ouais. Ok, donc difficulté 8. Oh non! J'ai de perception pure, difficulté 8. Non! Et c'est critique! Il est vraiment ailleurs. Oh putain, c'est vraiment critique en plus. Oh putain. Bon, si on se casse, on laisse tout. Je pense que tu vas te prendre une patate, tu vas rien comprendre. Bah, c'est-à-dire que, ouais, en fait, si tu ouvres la porte, tu commences à faire... Non, mais tu connais le prix. Et là, d'un coup, tu te manges le poing, en fait, dans le front. Tu vois? Genre, il tape sur la porte, sauf que ça continue, il tape dans ton front. Et il va commencer pour continuer. Donc, t'as le temps de reculer, quoi. Ouais. Et il est en train de... Faut lui enchaîner. Eh putain, mais tu m'as fait mal. Eh hey. Oh mais ah bah il réagit pas. Hein. Alors moi il me semble avoir entendu. Alors après je viens d'entendre Faut lui enchâner. Je viens d'entendre Faut lui enchâner. Mais alors moi il me semble aussi tout à l'heure avant la pause. Quand vous avez raccroché le téléphone, qu'une certaine personne dont le prénom rime avec lune a dit lui je vais lui en coller une. Et il vient de te trapper. Alors moi voilà, je ne veux rien dire, je ne veux pas influencer mes joueurs. Je le vois phaser, donc tu vois d'abord je capte pas trop, donc tu sais, je lui fais un claquement de doigts, tu vois, devant le nez, genre hé, hey, ohé, tu vois. Il réagit pas. Hein. Ouais. Clairement dans la gueule, c'est ouais. Pas mal. Hein. Je m'approche de lui, tu vois. Genre, j'essaie d'avoir un eye contact, quoi. Genre, hey, tu vois. Toujours rien. Donc, je lui en colle une. Tu lui en colle une. Alors, tu vas me faire un jet de force plus mêlée. Ça va pas être. Alors, ça va pas être pour savoir si tu le touches. Parce non, que, clairement, mal. Dans tous les cas, tu le touches. Ça va être pour savoir, effectivement, Dedra vient de le dire. Est-ce que t'arrives à retenir ta force assez pour pas lui défoncer la gueule? Est-ce que David et moi, on se parle par la pensée? Non, non, non, non, non. On est connecté comme dans Aventure, tu sais, mais dans la le Warp Zone. Skype, dans un la espace. La Warp Zone du cul. Alors, force et mêlée. Ou bagarre, comme tu préfères, mais bagarre, t'as moins de dés. C'est toi qui vois. Alors. Vas-y, difficulté. Difficulté, attends, je vais regarder rapidement donc ton score de force. Okay. T'as pas mal en conscience et en maîtrise de toi, donc difficulté de 5. Shoryuken. Chassé. Oh. Ah. Oh. Oui. J'ai pas vu le jeu de dés. Est-ce qu'il s'est pris vraiment une grosse tatane? Ou il va se prendre une grosse tatane, il va se prendre une contusion. Non, mais 0, c'est... Bah 0, c'est un échec. Donc, David, tu as de la chance. Tu gardes tes dents. Mais tu perds un œil. Tu gardes tes dents. Non, non, mais parce que Sig aurait fait un échec critique, il y avait au moins une dent qui volait. Il y avait au moins une dent qui volait. Là, actuellement... Mais non, mais en fait, t'es dans ton monde, donc c'est-à-dire qu'elle te colle une claque. La claque te fait mal, mais pas tant que ça. Ce qui te fait le plus mal, c'est le moment où tu heurtes le sol de l'immeuble. Parce qu'elle t'a envoyé voler. J'ai traversé le mur. Non, t'as pas... Ben non, mais en fait, t'es devant la porte. C'est un couloir, tu vois. T'as le couloir, et elle te colle une claque, et en fait, tu voles pas non plus à 15 km, mais si tu veux, genre, il y a ta tête qui part, ton dos suit, ta jambe se lève, et puis l'autre, elle est là, genre, bon, ben, je vais suivre le mouvement, alors... Est-ce qu'elle se prend un coup de pied dans la gueule au passage avec la jambe qui s'est levée? Bah non, parce que c'est vraiment... tu vois, c'est vraiment... Tu pars sur le côté, en fait. Bon, tu vois, c'est... Tu pars sur le côté, quoi. Et donc, il y a ta tête qui tape sur le sol et ça te snap, quoi. D'un coup, t'as genre, ah putain, qu'est-ce qui vient de se passer? T'es devant chez Sig, t'as mal d'un côté du visage, t'as mal de l'autre côté du visage, tu sais pas pourquoi. Ça me rappelle cette scène dans Dragon Ball, son Goku il tape dans le dos d'un mec. C'est drôle. Sig, rentre-le à l'intérieur vite. Parce que. Ok, je le ramasse. Je l'attrape par sous le bras, je le tire. Ah bah quand tu l'attrapes, quand tu l'attrapes, il est réveillé, quoi. D'accord. Après, c'est plus à moi de... Je vite fait dans le chez moi et je ferme la porte. C'est bien comme ça. Donc je le tire chez moi et je ferme la porte. Okay. Même pas des os ou... Je te vois trop le regarder et faire ça en vrai, tu sais. Genre même pas des os, tu fais un dab et tu fais un dab et tu te casses. Ah, même pas le dab, non, pas ça. Même pas des os. Est-ce qu'il fasse encore ou... Mais non, il a snap out, il est bon en fait. Depuis qu'il est tombé, tout va bien. Ok, alors je regarde. Bonjour David, bienvenue chez moi. Culé. Ouais, c'est passé quoi? Tu viens de me mettre un coup de poing dans la tête parce que tu cognais sur la porte qui en fait était moi. En sachant que cette porte coûte assez cher. Hein, on va pas se mentir, c'est un joli bois, donc j'y tiens quand même. T'es en train de dire que tu coûtes cher? Je savais pas que tu faisais ce genre de service. Oh! Sale! Sale! C'est quoi? Reste par terre. Reste par terre, je suis même pas désolée. Reste par terre et crève en ton caca. C'est quoi? Je retourne au salon, je lui parle même pas. Ouh! Tu viens de dire que c'est... Attends, c'est pas ma faute, tu viens de dire que t'étais la porte et que la porte coûtait cher, donc... Oui, mais t'as frappé sur la porte avant, ton cul. Voilà. Non, mais écoute, moi je te laisse là, tu te relèves si tu veux, moi je retourne voir des dents. Hein. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on disait de nous, hein? On disait que va falloir faire continuer l'aventure seule, hein, parce que bon, faut pas déconner, hein. Ah oui? Avec deux abrutis, l'autre qui est en train de phaser au sol. Ouais, non, parce que tu fasses pendant 5 minutes, je veux bien, mais ça fait 1h30 là. Ouais. Ah oui, ça fait facilement 1 heure qu'elle phase. Hein. Rappelez-moi. Alors, il me semble que c'est toi, Dedra, qui était avec Rissam. Il y aura. Où ça? Où ça? Quand vous êtes allé chercher. Ouais, chez Yorosa. Ah, c'est toi, Sig? Non. Ouais, ouais. Non, c'était Rissam, Sig et moi, David. Vous êtes partis tous les quatre? Non. Ah oui, oui, Rissam, Sig et Dedra, David pour l'autre oui, groupe. Oui. Très bien. Donc, bah, Sig, tu te souviens. Yaroslav, pardon, ouais. Et les autres. Sig, ouais. Tu te souviens de ce que Yaroslav a fait quand Rissam a commencé à phaser sur son horloge? Ah merde, rappelle-le-moi. Ah, je suis désolée. Alors tu vas me faire un jet, te rappeler. Voilà, allez, c'est la même tout le temps. Ça va être un jet intelligence et allez. C'est bon, c'est foutu. On va mettre. Je vais être gentil, je vais mettre médecine parce que ça s'apparente à de la psychologie. Voilà, hein, trouver des excuses bidons pour pas que tu lances 3D. difficulté, c'était il y a quoi? C'était il y a 4 jours, il y a difficulté 3. C'est vraiment. Voilà. Il fait une critique, je rigole. Ouais. Je me rappelle, il a foutu un pain dans la tronche. Je me rappelle de mon prénom. Ah. Je me rappelle, il l'a mordu, il a sucé son sang jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Attends. Ouais. Non, mais en fait, voilà. Donc, tu te souviens, il a caché l'horloge. Oui. Et comment tu fais pour cacher un si gros tableau? Eh bah écoute, je m'approche du tableau. Si ça me gêne, genre je la décale un petit peu. J'attrape le tableau. On va pas se mentir, la potence de mer est un grand tableau. Je sais pas si vous le connaissez. Je le prends, je le mets dans ma chambre, je ferme la porte. Bah en fait, c'est-à-dire que dès le moment où tu commences à le bouger, Rissam, snap, revient à elle. Ok. Je m'en fous, je le décale dans la chambre. Je veux pas que... Mmh. Okay. Après alors, bienvenue parmi nous. Moi, t'es arrivé, David. T'as fait vite, dis donc. Ouais, on m'a tapé, j'ai pas compris pourquoi. Parce que tu m'as tapé, que putain, cette porte. Bon, tout le monde est là, ça y est, vous êtes tous, c'est bon. Bah ouais, moi je vous attends. Bon, je regarde juste, hein, je t'en fight. Bon, alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on... Moi déjà, je pense qu'on devrait aller vérifier les clodos, là. Mais tu sais combien de grands brins il doit exister dans leur quartier? Il y en a beaucoup. Ouais, mais à mon avis, c'est un mec comme ça qui cherche à foutre le bordel. C'est pas un mec au pif. Ouais, enfin, avec la description plus que vague, ça aide pas. Mais on demande, genre, dis donc, il n'y a pas un mec qui cherche à faire du grabuge et tout. Puis on utilise nos charmes comme ça. Moi, je... Alors, on t'a pas entendu, Dédra. T'as coupé, ouais. T'as complètement coupé. Après tes grands brins, oui, il y en a beaucoup parmi les vampires, dont mon sire. Ton sire est un clodo. Les vieilles accusations, il est brun. Mon Dieu, Rissam, l'autre soir, t'as dormi dans la rue. Clodo man, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Non mais en vrai, si on va là-bas et si on se fait passer un peu pour des gens comme ça qui cherchent un peu de taf, peut-être qu'on peut trouver des sources. Sur pas certaines choses, je mets des lunettes. Je vais faire comme Superman. Oui, des lunettes ou par exemple, hein, juste une idée comme ça, une fausse identité. Non mais oui. c'est drôle pour moi. Non mais oui, c'est pour ça, c'est ce que je comptais faire de toute façon, fausse identité. Voilà. Et puis aussi, partiellement, il y a quelqu'un dans le groupe qui a une info que les autres n'ont pas. Alors si je m'en refaire oui, à... Oui, mais j'essaie de m'en rappeler, là, de ce que tu veux dire par là, exactement. Que je me refais la discussion que j'ai eue, mais... Parce que jusque-là, vous avez entendu parler du coin des clodos, mais il y en a plein à Seattle, quoi. Oui, moi. Moi, j'ai peut-être une info. C'est peut-être toi qui as eu l'info alors, effectivement. Oui, c'est moi qui ai eu l'info. Oui, parce que là, pour le coup, je vois pas. Il y a mon sire qui a dit que c'était peut-être en dessous du Golden Bridge. Oh. Non, mais et il a dit qu'il me montrait où c'était. Donc, si vous voulez, on peut l'appeler. On fait une petite sortie vacances. Mais attends, mais ça, on le savait. C'est le connard que j'ai tué qui. Non. Le connard, il vous a dit que c'était sous un pont dans le coin des clodos. Mais c'est-à-dire que. Ah, c'est il y en a plein. Du coup, voilà, c'est le Golden Bridge. Et mon sire fera sûrement nous emmener. Ok. Ça, c'est pas mal. Ok, le tout, c'est de savoir comment on y va, en sachant que potentiellement recherché. Non, mais potentiellement recherché. On a Rissam qui est quand même vachement connu. J'ai un tapis volant. Non mais moi déjà je pense que moi j'envoie un message à mon sire pour lui dire qu'on aurait besoin de ses infos. Là, il nous envoie soit des coordonnées, soit il vient avec nous. Et après je pense qu'on devrait dans les rues en mode discreto, en marchant un peu vite. Il faudrait quelque chose pour que je cache mes cheveux. J'ai un superbe chapeau melon qui appartenait à mon arrière-grand-père. Nickel. En réalité, Rissam, c'est plus tout ton visage qu'il faudrait cacher. Hein. Oui, mais vu que les cheveux roux, c'est pas très. Enfin, c'est ce qu'il y a de moins courant, tout ça. Non, franchement, on te met genre un foulard. Hein. Genre, on te cache la moitié des bas du visage. Au pire, je suis comme les tortues ninja qui se camouflent. Tu mets un imperméable, tout ça. Oui, alors, je rappellerai quand même que comme tu as pris renommée à 5, c'est ce que tu as voulu. Donc autant tu es très connu dans le monde des arts et donc des artistes et des fans d'art, Autant tu as aussi probablement fait la une des tabloïds. Donc réellement, tout le monde connaît ton visage. Le visage qu'il faudrait cacher. Oui, donc on te met un foulard autour de la bouche ou un truc dans le genre. Ouais. C'est risqué, mais putain. C'est risqué, mais si on se balade dans les petites rues la nuit et puis on y va avec mon sire, il saura sûrement comment y aller doucement. Hein. Ou sinon. Putain, sinon désolé, mais on y va sans risade. Hein. Oui, et puis ou alors. Ou alors David. Sinon, est-ce qu'en tenant une personne, je peux la faire profiter de mon don d'occultation? Non. Dommage. Attends, je vois ce que j'ai. Non, mais je pense que mon sœur pourrait nous aider, que David, s'il ne passe pas, il peut nous aider à faire un peu le guet, quoi, genre LOLPD. Il pourrait, genre, faire son truc d'occultation, vérifier un peu que les rues sont safe, et puis on avance, quoi. En fait, pour vous, ça ne me dérange pas de rester avec A. Hein. Ah bah, si tu veux rester, on part. Hein. Ça peut vous faciliter ça. Moi, je dis, on lui remet le tableau devant la tronche, on s'en va, on revient. Puis de toute façon, elle aura pas repéré qu'on est parti. Hein. Ça Oui, va la mais distraire. grave, on va revenir 3 heures plus tard. Oh, vous avez fait vite. C'est ça. Non, mais t'as pas genre une fourchette un peu jolie ou c'est comme ça, si tu le mets devant, c'est bon. Ah, je suis pas non plus une grande amatrice d'art, quoi. Enfin, j'ai un super Dali parce que c'est mon peintre préféré. Non, mais une vieille fourchette Ikea avec une petite branche cassée, c'est trop de là. Ouais, vas-y, je vais péter une fourchette et dire, oh mon Dieu, c'est de l'Ikebana. Sinon, je peux venir avec vous et juste attendre devant la cité, on va dire. Enfin, si jamais il y a un souci, ben, je rejoins. Je sais pas, c'est C'est vous qui me le C'est ta dites. décision là, c'est ta décision. Et Sam, soit tu viens avec nous, soit tu viens pas. En tout cas, moi j'attends la réponse de Bécuzeau. Bah, lui il te répond, Stéry, il te répond, ouais, je peux t'y emmener quoi. On se Est-ce que retrouve. tu peux emmener mon groupe? Il y a un petit moment de blanc. C'est-à-dire, il te répond pas et il fait, ouais, pourquoi pas, Merci mon petit chou. On se voit tout à l'heure. On est à tel endroit. tu lui donnes l'adresse? Oui. Ok. Pourquoi? Juste pour savoir. Du coup, ça me laisse le temps de réfléchir. J'ai pas envie de donner l'adresse à tout le monde. Non, mais c'est mon sûr, t'inquiète. Ouais, mais je vous rappelle quand même que l'histoire des flics, là, on sait pas trop où ça en est. Hein? Que on a Rissam, t'es super connu. Que nous, on a foutu un zbeul, y a pas possible, il y a 4 jours. D'accord? Là, c'est dangereux du cul, quoi, franchement. Non, mais je lui donne pas l'adresse. Genre, je lui donne. J'ai encore Genre, je lui dis, écoute, t'attends là, et on te rejoint. Genre, c'est à 2 pâtés de maison, et puis voilà. ouais, vaut mieux. Hein. Tu lui donnes une adresse, on se retrouve à cette adresse-là, et on y va. Mais c'est mon sire, je lui fais tellement confiance. Mais ouais, t'inquiète, je fais ça. Bah, à ce moment-là, on fait ça. Du coup, la question, Ressam, tu veux répondre ou pas? J'en ferai une question MP à Venom avant parce que j'ai oublié de dire un détail. Vas-y. Arrêtez d'envoyer des chatons mignons, s'il vous plaît, sur Discord. Oh, il est beaucoup trop mignon. C'est beaucoup trop chou. Je suis en train de mourir. Oh, regarde les patounes. Il a des gros yeux, c'est trop mignon. J'ai oublié de préciser. J'adore cette race de chat, j'en veux trop. Mais oui, les sphinx prennent un coup de cher. Ok, Ouais. pas de soucis. Ils ont beaucoup de besoin de contact parce qu'ils n'ont pas de poils, alors ils sont toujours un peu. Mais comment ça s'appelle les munchkins, tu penses? Oh, les munchkins, ouais, les toutes petites pattes. Les saucisses sur pattes, là, oh mon dieu, c'est trop. On peut retourner chez moi. Quand ils sautent et tout. Attends. Ouais. Les Scottish Fold aussi avec les toutes petites oreilles. Oh non. Oh, et des putains de vampires en train de fondre devant des chats, quoi. Là, C'est-à-dire on est tous sur un stand en train de regarder des vidéos de chats. C'est ça, on attend. Attendons Chrisam. Donc, on fait ça. Donc, Voilà. On est sur un stand, intelligence. Attends. Intelligence. C'est tout. C'est tout. Juste intelligence, rien à droite. Est-ce que j'ai bonus intelligence? Non, non, t'en as pas. Non, j'en ai pas. Difficulté 8. Tout le mode 0, difficulté 8. Ok. Ok. On sait pas pourquoi, mais ok. Ben, je vous suis. Allez! Ok, alors stop. Est-ce qu'il y a moyen que t'habilles? Genre un manteau, un chapeau, une écharpe. Mais oui, mais foutez-lui un foulard autour du visage, genre qui lui cache le nez et la bouche. Ah ouais, non mais là... Et un chapeau pour ses cheveux. Elle va pas du tout être suspecte comme ça. Non mais un truc pour genre il fait froid, je sais pas quelle saison c'est. Bah il fait froid, j'ai envie de te dire que... Oui. Toi tu portes quand même un t-shirt qui t'arrive au bide. Hein, oui, ben. Ah oui, d'ailleurs, pour le coup, j'ai mis un t-shirt normal hein, par rapport à ma cicatrice, là, tant que ça part. Ouais. Ouais, mais on est des vampires, genre, on n'a pas de sang, du coup, on a ni le sang froid ni le sang chaud, on doit pas ressentir le froid et le chaud. Bah, un peu quand même. Tout petit peu. Bah, ce qu'on peut faire, c'est le maquiller, salement, quoi, genre. Genre, vraiment que ça lui change son visage. D'accord. Et puis lui mettre un truc, genre un grand chapeau qui lui cache un petit peu à moitié du visage et en même temps les cheveux. Je pense que vous mettez des lunettes à moustache. Mais grave. Undercover. Bonjour. Et je pense que c'est pas grave. Salut. Je ne suis pas une femme. Ouais, on fait ça, ouais, enfin ça me va. Vous connaissez cette personne? Je la connais pas. Je ne connais pas cette personne, elle ne s'appelle pas Rissam. Moi je dis go, on maquille comme une voiture volée et on met un grand chapeau. Okay. Parce que je vois ça. Ok, alors vous allez me faire un jet. Il y a une personne qui va faire un jet. Ça dépend ce que c'est comme jet. Parmi les trois autres, je suppose. Parmi les trois autres, mais vous allez chacun lancer avec un attribut. Et un attribut, une capacité, un bonus. Donc il y a quelqu'un qui va lancer avec astuce, quelqu'un qui va lancer avec subterfuge, et quelqu'un qui va lancer avec des choses comme ah non, vous avez pas. Ah, c'est trop bien ça. Ouais, bah en fait, ça va être un jet à deux. Donc, il y a une personne qui va lancer un jet complet avec les attributs des autres, si vous voulez. Vous allez partager vos attributs. C'est-à-dire, par exemple, la personne qui a le plus d'astuces. Moi, je pense. J'en ai trois, moi. Alors, Dédra, tu as 3. David, tu as 4. Bah, Sig, tu as 3. Et Rissam, tu as 2. Donc, je vais pas faire un jet pour moi-même. Non, non, mais attendez. Okay. Il y a une personne entre Dédra, David et Sig. Je vous laisse décider entre vous qui c'est qui va lancer. Donc, j'ai avec 4 d'intelligence et subterfuge. Donc, ce ne sera pas. Astuce, ouais. Oui, astuce, pardon. Astuce et subterfuge. Donc, celui qui a le plus entre vous, bah, ça se joue entre Dédra et Sigrun. Et Sigrun, du coup. Sig, tu as 0 en subterfuge. Dédra, tu as 2. Oui. Bah, Dédra, vas-y. Voilà. Ouais, mais j'ai que 3 en astuce. Oui, non, non, mais. Vous partagez. Alors. En gros, c'est un jet d'astuce subterfuge vanilla pour moi. Voilà, c'est ça. Sauf que, bah, du coup, comme Sig ne participe pas, c'est Sig qui va faire le jet. D'accord. En gros, Sig balance le jet avec les capacités des deux autres. Donc, du coup, ça te fait. Alors, tu te souviens comment tu as lancé ton dé tout à l'heure? Slash R, tout ça? Est-ce que tu veux que je te l'écrive dans le chat? Oui. Donc tu n'oublies pas d'enlever les points. Donc 6 des 10 avec une difficulté. Du coup, alors il y a la renommée de Rissam, donc qui est de 5, plus peut-être une base de 2, donc ça vous fait 7. Fail là 1. Donc comme ça, tu enlèves les points. Tu ne rajoutes pas les points, s'il te plaît. Oui, bah ça va, ok. Tout à l'heure, t'étais pas clair, moi je suis désolée. En même temps, il n'y a pas de Claire dans l'équipe. Hein. Lol. Et donc, 4 succès. Donc, vous arrivez à maquiller, à déguiser parfaitement Rissam. Point que même vous, vous la reconnaissez à peine. Ok. Oh, bien. Le contouring, ma chérie. PTDR, t'es qui? Où est-ce que ma chérie. Voilà. Et du coup... Ce contouring. Parfait. Est-ce que j'ai pris mes post-it? Je ne crois pas avoir mes post-it sous la main. J'ai une. On prend des post-it. Ah, je me suis brûlé. Bien fait. Voilà, bien fait. Donc. C'est punition pour avoir imité. Qu'est-ce qu'on a encore d'où là? Je suis descendu, comment je l'aime pas. Putain, meuf. Oui. Voilà. Du coup. Ben, donc, on se taille vers Berryvoy. Voilà, vous allez retrouver Berryvoy. Donc, vous connaissez un peu tous, alors vous un plus rapidement de vue qu'autre chose. Mm-hmm. C'est le sire, c'est ça. Oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est mon sire. Mon sire ou une. Ben alors, Berryvoy. C'est loin d'ici ou pas? Oh, oui. Bah, c'est à. Il y en a pour. En marchant? Bah, ouais. Il regarde, il a l'air de regarder un peu autour. Ouais, peut-être une heure, quelque chose comme ça. Ça va nous faire les bois les. Ce qui a l'air, toi qui vois que je vais mettre au sport, hein. Bon. Il te regarde avec un petit sourire. Bah oui, c'est bien que j'ai pas oublié. Bon, bah du coup on y va à pied, ça vous va les autres? Ouais, oui. Ça me va, pas le choix de toute façon. S'il si faut juste qu'on tienne la marche, quoi, s'il y en a un qui a besoin de faire une pause, ben tant pis. Et on y va. Donc vous partez tous à pied pour une petite heure de marche. Nous allons faire une bagnole. J'ai pas compris ce que tu disais, Sig. Y a pas moyen de louer une auto libre ou un truc comme ça, quoi. C'est... Peut-être, mais faut présenter une pièce d'identité. Non, alors non, allez tous nous faire foutre. Voilà. Voilà. Non, mais à pied, c'est très bien. D'autres questions? Non, bon, allons-nous chez les Clodo? Où allons-nous? Clodo, où allons-nous? Donc, vous vous rendez chez nos amis les SDF. Vous traversez en fait la ville. Et vous enfoncez en fait dans la ville. Plus ça va, plus c'est mal famé. Vraiment, plus ça va, pire c'est. Alors, j'ai juste besoin de regarder une petite chose. Il me semble que Arnon, non plus. Il y en a un qui me touche, je le fais voler. Ah non, on commence pas à se battre. Oh là là. Oh, il y en a un qui touche, je le mets une baffe. Oh là là. Alors. Il y a quelqu'un qui va recevoir un message sur Discord, je ne vous dis pas qui. Ah, désolé. Je ne vous dis pas qui. Ça marche. Le coton. Le vieux, la vieille notification de MSN. Ah, donc vous avez un petit moment, de... vous pouvez parler, hein, ne vous en faites pas. Mm-hmm. Parlez entre vous, allez-y. Pardon. Du coup, et sinon, votre caca en ce moment, il est comment? Bah écoute, on fait pas de caca en fait. Je t'avoue, je suis un peu constipé depuis 20 ans. Il va falloir consulter un moment, tu sais. Ça crée en l'ouest, non? Parce que ça doit gonfler au bout d'un moment. Parce que tu chies, toi? Non. Voilà. C'est... Si ouais, vous voulez, demain soir, on va tous voir un docteur. Moi, je trouve que c'est pas un peu une mauvaise idée d'aller voir un docteur, effectivement, c'est une pour blague. Ces problèmes de constipation. C'est quand même très grave, hein, la constipation touche à, 20 heures, à peu près une personne sur 12 000. On fait des occlusions intestinales. Moi, je connais, j'ai un docteur, si c'est docteur Alban, pas du tout. C'est une récurrence, putain. Docteur qui? Docteur qui? Je crois que t'es la seule à voir la référence en fait. C'est ça. Moi j'aurais. C'est une galette de Pia là dans les années 90. C'est une galette. Moi j'ai juste deviné. Mais bref. Non, parce qu'il y a Docteur Strangelove, il y a bah, le Docteur. Il y a Docteur Mario. Docteur Cox. Docteur Mario. Docteur Cox, Docteur Mario. Et puis d'un coup, vous entendez. Hé, hey, Laurie ! Laurie, c'est toi ? Ouais. Salut ! Comment tu c'est, vas ? C'est voilà, c'est un mec, un petit mec avec un crâne complètement rasé qui appelle certaines Laurie. Ouais. Sig. Sig qui lui répond. Ah, qu'est-ce que tu dis, Laurie ? Ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ouais. Je l'attrape par le col, le gars, c'est par l'arrière du col. Je fais, il t'embête, si tu veux, je dégage. Non, tout va bien. C'est un ami à moi, un vieil ami. Je le lâche. Bah, écoute, rien, là, je me promenais. Et toi, tu te promènes par ici avec. Ils vous regardent un peu tous, de la tête aux pieds. Surtout toi, quoi, c'est vraiment le. Alors, parce que je vous rappelle. Le mec en pyjama qui vient de le choper par le col. Je vous rappelle, donc vous avez. Vous êtes donc. Il y a Laurie, qui apparemment. Voilà, Laurie. Mm-hmm. Qui se balade avec une grande brune qui a un décolleté énorme. Je vois pas du tout. Qui est comme ça. Il y a un mec qui est juste à côté d'un gars, c'est une armoire à glace. Mm-hmm. Qui le regarde, qui fait. Y'a un problème. Je l'aime si fort. Parce que forcément, il a forcément un accent russe ultra raciste quand ça m'arrange. C'est juste un jour sur deux, comme dans Aventure. Voilà, c'est ça. Avec. C'est comme dans Gamers. Oh putain, non, pas comme ça. Il me demande de faire l'accent américain. Mais pourquoi je pourrais pas le faire pour dire? Avec juste à côté d'eux, donc quelqu'un, il dirait une meuf comme ça, mais c'est pas trop reconnaissable parce que elle est cachée de partout. Elle a un grand chapeau, elle a un putain de foulard autour du visage et un énorme imperméable, genre vous savez cette grosse doudoune. Ouais, Tortue Ninja. La grosse doudoune, oui exactement. Oui, ce sont des amis à moi et oui, son imperméable, c'est parce que je suis Batman. Elle a froid. Elle a chopé une maladie de peau et complexe, du coup, elle veut pas le montrer. Des pustules, tout ça, c'est pas fou. Oui, je suis malade. Tu l'avais récent, c'est vraiment dégueulasse. Et puis, il tourne les yeux vers David. Et vous voyez les rouages dans sa tête qui tournent dans le vide. Il est là, genre. Mec, dans sa tête, ça fait quoi ? Non, mais attendez. Quoi ? Non, mais attendez. Quoi ? Le mec, t'as un petit singe, il fait taper des cymbales dans sa tête. Bah, non, mais c'est-à-dire que même le singe. Même le singe, vous savez, dans sa tête, là, qui fait des cymbales, les cymbales, elles sont plus, en fait, côte à côte. Donc, il tape dans le vide. En fait, même le singe dans sa tête, il réfléchit. C'est ça, c'est-à-dire que même le singe. Dans sa tête, t'as un autre singe avec des sandales. Mais n'empêche, ils en font un peu trop. C'est juste un mec en pyjama avec une cape, quoi. Je veux dire, on est à Seattle, on n'est pas. Hein ? Ouais, justement. Hein. Donc il me regarde, il fait. Mais t'es sûr que tu devrais te balader ici avec eux ? Je t'emmerde, connard. T'as dit ça tout fort ? Non. Elle l'a pensé. Moi j'ai toussé très fort, genre. Ok, je regarde les autres avec un œil très noir, genre fermez-la. Non mais oui, t'en fais pas, t'inquiète pas. Oui, on peut leur faire confiance. Ouais. Bah, en tout cas, tu ferais mieux de pas rester ici trop longtemps. Hein. Ouais. Bah, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Puis tu sais que le chef, il attendait beaucoup de toi. Ouais, j'ai eu un empêchement. Bon, je vais être sympa, je vais rien dire parce que on est amis, hein. Mais tu ferais mieux de bouger rapidement et de pas rester. Reste pas une étrangère, quoi. Ouais, et pas un mot, chef. Tu m'as pas vu, ok. Ouais, ok. Est-ce que je peux me pencher sur vers Sigrid Brune et murmurer un truc pour que l'autre il n'entende pas? Ça demandera un jet d'astuce. Ouais, non, laisse tomber, je vais foirer tous mes jets, moi. Non. Parce que tu peux faire un jet d'astuce et furtivité, hein. C'est toi qui vois. J'imagine le chèque critique. Ah, le mec, là, il est quand même bizarre. En train de gueuler dans l'oreille. C'est pas que un vampire, lol. Vu que vous cherchez la merde, pour le lol, je vais le faire. Non. Difficulté combien? Le mec a pas l'air très. Il est à moitié en train de phaser. Donc... De toute manière, il a phasé sur toi là, donc. Ouais, il a phasé sur toi, donc justement, ça va être un petit peu plus compliqué. Non. T'aurais dû fermer ta gueule. Surtout qu'il y a aussi un singe qui te regarde, rappelle-toi. Il y a un autre singe à l'intérieur. Beaucoup de monde te regarde. Mais il est complètement. Il est complètement phasé ailleurs, quoi. Même les cymbales te regardent. Même les rouages. Bon, la difficulté, sinon. Difficulté de 6. Ok. 6. 4 succès, c'est bon. Oh oui. Oui, donc effectivement, il t'entend pas. Si tu veux, s'il pose trop de problèmes, on peut le manger aussi. Moi, je comprends. Putain, mais le mec. Extrême. Là, en fait, je fais un grand sourire ultra gêné. Il a rien entendu, hein. Clairement, il a rien entendu. Ouais, enfin, je fais quand même un grand sourire ultra gêné et je lui dis aussi discrètement, je dis non, non, non, clairement, tu restes là, tu bouges pas. Dommage. Pas bouger, Lucien, pas bouger. tu meurs pas, non, c'est pas bien. Doucement, doucement, les amis, s'il vous plaît. Voilà. Non, non, mais bah, je me retourne vers le chauve, je dis non, mais t'inquiète pas, on va pas passer longtemps. Il n'y a pas de nom. C'est vrai qu'il n'y a pas de nom, le chauve. Là, je sais pas. Donc. Mais c'était son nom, le chauve. Jean-François le chauve. Comment il s'appelle? Tim Seed. Comment il s'appelle, le chauve? Ouais. Gérardo. Gérard, alors, non, mais c'est-à-dire que j'utilise un générateur de noms. Voilà. Qui m'a proposé des trucs du genre tranquilo et autres. Et j'étais là, genre putain, mais trouve un vrai nom, bordel. Le mec qui s'appelle Tranquilo Gérardo. Troisième du nom. Non, mais. Ouais, écoute Gérardo, t'inquiète pas, on. Okay. Ouais. Bah, j'ai rien vu en tout cas. Bah, un mot au chef, d'accord. J'ai rien vu. Je serais toi, je partirais vite. Pourquoi? Parce que je vais pas rien avoir vu dans 5 minutes. C'est des menaces? Ma proposition marche toujours. Gérardo, hein, il va pas être tranquille dans 5 minutes. Ah, GG. Ce sont des menaces, mec? Des menaces, non, mais juste dans 5 minutes, je vais recommencer à tout voir. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde autour? Non, il n'y a pas forcément énormément de monde. Si tu tentes quelque chose, je te défonce ta race. C'est à peu près ça. Laisse-le partir. Ok. Je veux rien dire là, il est en train de vous dire de vous casser. Je serais vous, je me casserais. Bah oui, on se casse. Bah, on se casse. Voilà. On se casse, j'aime pas les moi, je les suis en traînant un peu des pieds. Bah ouais. Je dis, ok. Ok, bah tu t'as rien vu, mais tu. Par contre, tu restes calme, tu nous parles pas. Voilà, pas de menace, rien. Reste zen, ça, quand même. Il te regarde, il te fait un clin d'œil, et puis il commence à tourner la tête de l'autre côté. Bah, je regarde de l'autre côté, y'a quoi? Y'a rien? Mais on se casse. Y'a rien, il te voit pas. Il te dit, il te voit pas, donc tu pars. Au revoir. Premier degré girl. En fait, c'est la personne, tu lui regardes là-bas et regarde le. Bon, On se tire. Gérardo, au revoir. Mais. Bon, bah, je pousse Sigrun et avance. Bouge ton fion. On se tire. Allez, on se casse. Bon, moi j'y vais en traînant un peu des pieds parce que j'avais faim. Bon, Mary Boy, est-ce qu'on est arrivé? Est-ce que c'est ici? Ah, il y a encore 10 minutes, un quart d'heure. C'est parti. Est-ce que je peux me mettre en mode disparition avec mon portable sur silencieux et faire le guet de loin un peu, enfin de manière à ce que moi, s'il y a des soucis, on me voit pas arriver? Il y a 10 minutes, un quart d'heure, tu peux encore attendre un peu, tu vois. Oui, oui. Attendre d'être vraiment en vue du pont, mais après, oui, tu peux le faire, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Je pense que, mais il faut quand même que je les mette au courant de ce que je compte faire, parce que s'ils me voient disparaître d'un seul coup, ils vont encore paniquer et se demander où je suis. Bah, à ce moment-là, tu peux le faire. Donc, ouais, bah, je les préviens. Arriver vers le pont, je vais disparaître et mettre mon portable en silencieux. Je vous enverrai des SMS ou pour vous tenir au courant un peu de ce que je fais de temps en temps. Et c'est essaye de pas phaser. Hein. J'essayerai. C'est surtout pour vous surveiller s'il y a le moindre souci que je puisse prendre les personnes par surprise. Ok, ça marche. Même si, là je regarde l'armoire à glace, même si je pense qu'avec lui, les soucis ne devraient pas y en avoir beaucoup. T'inquiète, il sait s'en servir. Il sait servir de ses gros bras. Il sait s'en servir aussi. De quoi il sait, servir. Ses gros bras, ses gros bras. J'imagine Alex Louis Armstrong, là. C'est du muscle. Du coup, on se tire. On se tire, ouais. Vous êtes déjà parti, hein. Okay, bon, alors, je dis à tout le monde, surtout, ne vous en occupez pas. Bah, t'inquiète pas qu'on va s'en occuper, et plus tard, on est occupé, là. Bah, c'est un connard lambda, on s'en fout. Bitch, bitch, bitch mode. Je vais te bitcher là-dessus après. Ok. Donc vous arrivez à peu près à 5 minutes devant le pont. Tout d'un coup, plus de David. Bon, d'un côté, il vous avait prévenu, hein. Et pareil, Berryvoy, il s'arrête à peu près 5 minutes avant. Il fait bon, c'est juste là, je vous laisse continuer. T'as raison, chouchou, faut pas tu te mettre dans les ennuis pour nous. Par contre, si dans 2 heures t'as pas de nouvelles de moi. Je reste dans le coin et puis je viens de sortir de la merde, quoi. Oui, j'allais crever. Et si, Berryvoy, en tout cas, c'est gentil. Ouais, de rien, ouais. Fais attention quand même. T'en fais pas, tu me connais. Justement. Tout à l'heure. Et là-dessus, il tourne les talons. Comment ça repartit ? Bon, hop, c'est bon, on y va. Go go go, on va essayer de pas se faire niquer les gueules. Ouais. Donc. Ça, faut vraiment pas rester longtemps. Mais toi, t'as des mauvais bails avec les. Ouh. Je regarde pas pour le moment. Oui, t'inquiète, ça ne regarde pas. Allez, du coup, on va poser des questions ou est-ce qu'on cherche directement pour un grand brin? J'envoie un message en mode, faudrait peut-être y aller de manière un peu plus discrète. Ouais, on va on va rester un peu au milieu des gens et puis on va écouter un petit peu peut-être. Ce que j'aimerais, c'est faire un truc de perception, voir s'il n'y a pas un truc qui couille. Un truc qui couille. Oui, j'avais fait pareil, moi. Bah, pourquoi ne pas tous le faire? Bon, on va tous le faire. Hein. Avec le specs, ouais. Alors effectivement, vous allez tous le faire, pas tous avec le specs, puisque tout le monde n'a pas le specs. Avec David et moi, je crois. Oui. Oui. Mais surtout, moi, j'ai une grande question. La réponse est oui. Non, la réponse, elle n'est pas deux, non. Rissam. Oui. Tu as toujours de très beaux gants. Qui sont très, très classe. Non, pour le coup, je les ai pas eu le temps de le préciser. Parce que je pense que ça tirait ce genre de gants ici. Bah justement, c'est-à-dire que comme t'en as pas parlé avant, tu vas me refaire un jet d'intelligence comme tu as fait tout à l'heure, s'il te plaît. Pour voir si tu as pensé à enlever tes gants ou pas. Pour le mode 0, difficulté du coup. Difficulté, tout à l'heure la difficulté elle était de 8. Pareil du coup. Ah. Oh. Oh. J'en ai qu'un seul. Non, non, non, t'as les deux. T'as tes deux très beaux gants. En quoi en. En soie, en. En soie du cul des verres. Ouais, c'est un truc classe comme ça, hein, que la plupart des gens ils connaissent même pas. Hein. Mmh. Et si la plupart des gens connaissent pas, tu pourrais juste leur dire que non, c'est juste du vieux. On s'en préserve là-dessus. Donc vous arrivez dans le repère des SDF, comment vous la jouez? Maja va faire un, comme on a dit, truc de perception. Oui, vous voulez faire un jet de perception, très bien. Bah, oui, chacun son tour, on va faire donc toujours dans l'ordre alphabétique, histoire que ce soit facile. Mmh. Donc perception intuition pour tout le monde, ou perception vigilance pour ceux qui veulent, c'est-à-dire que intuition, alors je vais vous expliquer mes choix, ou même survie pour certains, j'ai pareil sur les pour ceux qui veulent. Donc perception, intuition, ce sera pour savoir est-ce qu'il y a des choses qui semblent bizarres. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me semble un peu bizarre? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne m'inspirent pas confiance? Mm-hmm. D'accord. Perception vigilance, ce sera est-ce que dans ce groupe, il y a quelqu'un qui pourrait représenter une menace pour moi? Mmh. Perception survie, ce sera à peu près la même chose. C'est-à-dire est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut représenter une menace, mais un peu plus... comment? Occulte. Un peu plus occulte. Question, est-ce que je peux faire perception, investigation. Pour moi, c'est le côté vraiment enquête qui m'intéresse et voir si j'entends des rumeurs, surtout. T'es loin. Il est loin, mais il a son ospex. Il a son niveau d'ospex, donc tu pourras entendre, mais tu auras une plus grande difficulté parce que t'es pas là et surtout c'est loin. Il y a beaucoup de monde. Tu vois ce que je veux dire? Même si c'est en pleine nuit, il est à peu près 2h du mat, je pense. Vous êtes pas reparti trop tard. Non, et même il est minuit. Mmh. Il est minuit, donc il y a encore, voilà, il y a encore pas mal de monde qui est debout. J'en dorme pas forcément. Sinon, même vous allez rien trouver. Ce qui n'est pas forcément le but. C'est sûr. Voilà. Je peux faire manger. Bah vas-y, Dédra, donc tu vas nous faire un jet de perception et survie. Perception et survie, très bien. Pool mode rien du coup, et difficulté? Pool mode de rien, alors je regarde rapidement. Tu as présence et puissance, donc effectivement non. Il n'y a pas de pool mode. Et difficulté, ce sera 6, s'il te plaît. Très très joli. David, à toi. Donc David, perception, investigation. T'as pas de pool mode parce que ton ospex s'occupe déjà de la chose. Et toi, ce serait une difficulté de 7. Oh. Mmh. Un succès, très bien. Rissam. Non, je vais faire perception, intuition en utilisant l'ospex. Perception, voilà. Intuition en utilisant l'ospex. Très bien. Donc, t'es proche. Ce sera plus facile. Ce sera difficulté de 5. Pour le mode, je mets 1 du coup. Non. Non. Ouais. Difficulté 5. Bon. Succès. Et Sig. Donc, perception, oui. Il restait quoi, tu m'as dit? Alors, t'as vigilance, intuition ou survie? Vigilance, je vais faire. Vigilance, très bien. Difficulté. Tu peux même... Alors, je vais... Tu peux même rajouter en pool mode 2. Et je n'expliquerai pas ce choix. Ah, parce qu'on ne connaît pas ça, ça fiche. Voilà. Okay. Difficulté, du coup? Et difficulté 5. Oh putain. Mais j'ai tellement chaud. Très bien, donc 2 succès, chef. Toi aussi. La chance est avec nous. C'est ça, j'ai jamais fait de 2 succès pour l'instant. Alors, il faut laissez-moi hein, donc 3 petites secondes réfléchir parce que du coup c'est pas facile. Vous avez tous pris des choses différentes et des on approches pas différentes. On a pas, on a pas tous les mêmes goûts, franchement. Bah non, du coup on peut pas prendre la même chose. Du coup, alors je vais remonter très rapidement. Je vais remonter très rapidement comme ceci. Je vous prends à part. Je vous prends à part. Je vais commencer par David. Ouh, grand fou. Donc toi, tu es à peu près 5 minutes de marche de là. Ce qui n'est pas très grand, tu vois... Ah ouais, je suis vraiment resté vraiment à l'écart, Oui, voilà, t'es resté à l'écart, tu vois, vraiment, Le but du truc, c'était quand même d'intervenir vite en drop pépin, donc je voulais pas être non plus si loin que ça, parce que 5 minutes de marche, c'est vraiment long. Bah, en fait, pour le moment, tu vois, t'es en train de te rapprocher, quoi. T'es encore un peu en train de te rapprocher, mais comme il y avait du monde, si tu veux, t'as pas pu trop... Il y avait du monde, t'avais peur d'être, de sortir de ton truc. Donc du coup tu vas pouvoir te commencer à te rapprocher, mais donc t'entends tout le bruit de cette ville en réalité. Cette ville dans la ville. Il y a des gens, forcément t'entends des choses pas très plaisantes, hein. T'entends des mecs, y a, en fait t'es en train de un peu de tourner la tête d'essayer d'écouter, t'entends un grand tu te dis ok, donc toi on sait ce que tu fais. Il se mouche bien entendu, même si c'était pas trop le son de quelque chose qui sort du nez plus de quelque chose qui rentre. Il renifle parce qu'il a la morve au nez. Oh, c'est bon. voilà exactement hein. il a la morve au nez. T'y entends forcément des gens en train de vendre. Forcément. Manteau, ça arrive à tout le monde. Oh, les DVD gravés. Voilà, les DVD gravés, bien évidemment. T'entends des gens qui discutent de choses et autres. Tu croirais même entendre par une voiture un peu plus loin, tu sais, genre les cuirs, tu sais, qui frottent un petit peu, un espèce de bruit de frottement, quelque chose comme ça, avec l'impression que la voiture... Il a du mal à tenir sur son siège. Il a eu beaucoup de mal à tenir sur son siège, mais très rapidement. Il bouge très rapidement, donc tu comprends pas trop. Non, le cuir, c'est glissant en même temps. C'est inconfortable dans les voitures, je trouve. C'est ça, on est d'accord. T'entends donc les boulets. Qui s'appellent, donc qui ont apparemment hein, décidé de s'appeler le Scooby Gang. T'étais là, t'étais pas trop là quand la décision a été prise. Maintenant, quel membre es-tu? Bah, c'est pas à toi de le décider, malheureusement. Bon, moi, je pense que je suis Scooby. Oh non, Samy plutôt. Non, je me sens proche de Scooby pourtant. Ouais, mais Samy étant un junkie, voilà. Donc. Je me drogue pas, enfoiré. Non, mais t'en es pas loin. Donc ouais, t'entends un peu tout ça. Et puis t'entends la voix d'un mec qui est en train de parler d'un casse, en fait. Pas un casse de banque, pas un casse d'entreprise ou d'entrepôt ou de choses comme ça. Mais il est en train de décrire, et j'ai la flemme de le faire en roleplay. Il est en train de décrire. Il donne une adresse. Non, pas la maison où vous étiez, justement. Ah. Il parle d'une autre baraque. Et tu l'entends dire. Ouais, non, mais franchement, j'ai vu des trucs pas mal à l'intérieur. Il y a l'air d'y avoir plein de bijoux. Il y a l'air d'y avoir plein de trucs. Moi, je pense que si vous pouviez y aller, il y a moyen de sortir de ce trou. Est-ce que je vois à quoi ressemble le mec de loin? Non. T'es encore un peu trop loin pour le voir. T'es encore un peu trop loin pour le voir, mais le fait de l'entendre, t'es comme une chauve-souris en fait, tu vois. C'est-à-dire que t'arrives à donner à peu près un endroit d'où il est. Non, bah je vais le renvoyer par SMS à peu près. À peu près un endroit d'où il est, qui est vraiment enfoncé sous le truc. Parce que le Golden Bridge, c'est un très très grand pont, tu vois, et c'est vraiment le truc, c'est massif, quoi. D'ici, tu le vois, c'est quand je te dis, c'est une ville sous la ville, C'est pas une blague, c'est une ville sous la ville, quoi. Donc voilà. Et je vais ramener. Je regarde ça très rapidement. Je vais ramener. Ah putain, tous les autres, ils ont fait deux. Eh ben, je vais ramener tout le reste. Hein. Je vais ramener tout le reste des gens. Voilà, préviens-les que je les ramène tous. Voilà. On va prendre deux petites secondes. C'est bien de ne rien avoir prévu. Mais voilà, alors c'est marrant parce que vous, en tant que viewer, vous allez le savoir, je n'ai rien prévu. C'était prévu. Il y a des grandes idées, mais il n'y a pas de. Comment de grandes lignes qui sont là. Voilà, donc je vais ramener les autres et je vais me chier dessus. Voici, bonsoir. Bonsoir. Et tu seras encore tout seul. Donc en fait, je voulais vous prendre chacun un à un. Et en fait, oui. La flemme, puisque vous êtes tous les trois. Vous ensemble. Êtes tous les trois ensemble. Oui. Donc. À la chaîne. Ouais. Et à la queue leu leu. À la chaîne, à la queue leu leu. Non, mais voilà, donc. Vous arrivez, j'ai fait exprès de ne pas vous le décrire avant, je vais le décrire comme je viens de le décrire à David. Vous arrivez dans ce qui est véritablement en fait une ville dans la ville. Genre un bidonville quoi, un taudis. Bah, c'est-à-dire que vous voyez vraiment les dessous de pont, c'est généralement, voilà, c'est pas forcément très grand. Là vous imaginez le Golden Bridge, c'est un monstre, c'est un pont monstrueux. Oh, Est-ce que c'est comme les... Comme les tu sais, les petits villages de voleurs qu'on voit dans les jeux vidéo. Où il y a plein de petites maisons et puis ils sont tous là... Ah non, il n'y a pas de petites maisons. Non, c'est genre... Moi, j'imagine genre les barils en feu, les caddies, les trucs. Voilà, c'est ça. Imaginez les barils en feu. Pas une ville. Les tentes. Ouais, c'est ça. Les cartons, les bordels. Les... Voilà, il y a des gens qui dorment sur des cartons. Il y en a d'autres qui se sont construits des petits abris en carton. Plus pour le vent que pour la pluie, parce que bah, vu qu'ils sont sous un pont, voilà. Il y a vraiment plein de tentes, mais quand je dis plein de tentes, c'est plein de tentes. C'est beaucoup de tatis. C'est. Parce qu'en fait. Bah, oui, quasiment comme un festival, sauf que j'allais dire. C'est-à-dire que j'allais dire moins bien agencé, mais c'est-à-dire que pour ceux qui sont déjà allés en festival. C'est la merde. Voilà, c'est la grosse merde au niveau des tentes. Donc vous imaginez. C'est bien pendant les deux premières heures. Après, c'est bon. Concrètement, moins bien agencé parce qu'il n'y a personne qui s'est laissé de place devant les tentes pour pouvoir sortir, en fait. Ah oui. C'est-à-dire que, voilà, il faut. Et c'est les petites tentes quechua. Hein, vous voyez vraiment les trucs. Ouais, c'est la deux secondes, quoi. Voilà. Oui, c'est le truc, tu la prends, tu la balances et se déplie. Oui, oui. Un mec devant et derrière qui te sert, en fait. Voilà. Ouf. Je ne dirai rien. Il y a pas mal de monde. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a du monde qui a l'air d'être dans les tentes, dans les trucs comme ça. Il y a un peu de lumière dedans, donc des lumières qui vacillent. Mm-hmm. Comprenez, hein, c'est pas de l'électricité, clairement pas. Il y a pas mal de. Il y a des mecs qui sont donc devant les grands barils en feu, hein, forcément. Forcément. Ils sont en train de se réchauffer, ils sont en train de discuter. Il y a... Avec leurs mitaines et leurs chapeaux tout miteux. Puis ils ont même pas assez pour des mitaines et des chapeaux tout miteux en réalité. Oh non, ils ont des gros manteaux bien dégueulasses qui ouais, serrent contre eux. Comme les gros clichés, voilà. Eux, comme dans Happy. Est-ce que c'est un petit peu le héros de Happy? Mais en plus clodo. En plus clodo, voilà, exactement. Bon, ok. Il y a quelques mecs, alors vous regardez, hein, vous voyez très rapidement qu'il y a des groupements. De gens, les gens sont quasiment regroupés en groupes. Il y en a un peu là-bas, ils sont tous allongés. Il y en a encore un qui est debout. Vous le voyez, qui se bouche une narine, qui se penche sur sa main, et qui d'un coup rejette sa tête en arrière. Et, voilà. Ah, c'est du caviar. Voilà, il mange du caviar. Voilà, il a dû cracher un petit molar. Voilà. Alors moi tout à l'heure, j'ai entendu, il a un rhume, il renifle. Voilà, c'est chacun son interprétation hein, de ce que fait cette personne. Dieu. J'en veux, je vais lui acheter de la coke. Non mais arrête, va-t'en, va loin de ça. Et alors, c'est à peu près tout. Vous avez pas l'impression concrètement vos jets de alors, vos jets de survie. Moi. Le jet de survie, il n'y a pas vraiment l'air d'y avoir de gens dangereux. C'est-à-dire que la plupart en fait sont quasiment, enfin sont très minces. La plupart sont très minces. Il y en a d'autres qui au contraire sont très gros, mais entre guillemets pas dans le bon sens. C'est pas des armoires à glace, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup qui ont un bide, mais genre le bide à bière, tu vois. Le bide, c'est 3 litres de bière. 36 de bière. Voilà. C'est, tu penses que le mec, tu branches, tu en fait, tu fais un trou dans son estomac, ça fait ton autre bière, quoi. T'es là, grand. Bière pression. Pression, il y en aurait au début. C'est plutôt de la 8-6. Hein. comme la pose des journaux. Tu peux lâcher à son mazout. Ouais, y a pas l'air d'y avoir de gens particulièrement dangereux. Y a un groupe de mecs, par contre, vraiment au fond, qui ont l'air plus armés. Voilà, eux, ils ont des sortes de doudounes qui referment un peu plus sur eux. En se tenant plus les côtés. Donc, effectivement, il est possible qu'il y ait des armes en dessous. Ouais. Pareil pour le jet d'instinct. Mmh. Instinct, tu te sens pas forcément en méga danger. T'es pas à l'aise. Ouais. T'es pas à l'aise, mais tu vois, il y a pas de danger imminent. Il y a pas de danger imminent. Voilà, on va dire ça. Hop là. Voilà, non, tu as compris. Je vais me mettre en sourde de petites secondes pour le stream uniquement. Donc voilà, donc le stream, vous qui écoutez, il n'y a pas en fait de gens que s'y connaît. Parce que ce que vous n'avez pas eu tout à l'heure, je vais vous le raconter en stream tout de suite. Comme ça, vous pouvez être au courant, c'est vrai que ça semblait un peu bizarre. Sig a une fausse identité du nom de Laurie Johnson. Et elle a traîné dans la mafia, d'où le mec qu'elle a vu tout à l'heure. Il n'y a pas de personne qu'elle connaisse, du moins pas du monde du crime. Revenons à nos joueurs. Bénis. Et donc, le jet de vigilance. Tu regardes un petit peu autour tout ça. Effectivement, les gens sont séparés donc en groupes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un groupe de mecs. Quand même l'air un peu plus éloigné que les autres. Ils ont l'air. Ils sont comment physiquement? Ils sont comment physiquement? Il y a. Moche, déjà. C'est ça, ça sera tout. J'allais dire. Il y a un petit brun plutôt gros qui, lui. Alors, c'est justement ça qui vous tape dans l'œil immédiatement. Aïe! Ouais, ça fait mal, hein. Donc tu prends une blessure de niveau 1. Voilà, de contusion. Non, pardon. Non, mais il y a ce mec, en fait, ce qui vous fait bizarre, c'est qu'il est pas, en fait, réellement habillé comme un clodo, justement. Lui, il est en t-shirt et en jean. Alors lui, il faut qu'on le... Il est en t-shirt et en jean, c'est un petit, voilà, un petit blond... T-shirt, jean, t-shirt mais bah, bien repassé quoi, le jean pareil, et il est penché vers les autres. Les quatre autres ont l'air de l'écouter. Il y a trois hommes et une femme qui eux par contre voilà, ils ont les cheveux. Alors il y en a un qui est au top. Rissam, tu le vois, il est au top de la mode. Clairement, c'est une personne extrêmement artistique. Puisque tu vois un énorme point de comment de merde comment on dit, enfin en gros il est chauve sur tout le dessus du crâne. Mais tout le reste c'est des cheveux en bataille. Okay. C'est-à-dire que tu regardes ça et t'es là genre à la limite genre faute de goût. C'est un faux moine le mec. C'est un faux moine, voilà, exactement. c'est 8 finesse dans ce pouchou, quoi. Ah non, non, non, quand je parle de cheveux en bataille, c'est les cheveux en bataille. C'est comme si le mec, il n'était pas allé chez le coiffeur depuis 2 ans. Ah oui, mais oui. Et bien, tu sais, genre bien dégueulasse, avec bah, limite des dreads. Mais tu sais, genre pas les dreads que tu fais volontairement. Les dreads qui... Tu dors pendant 6 ans sans te laver les cheveux. Voilà, c'est ça. Ok, je vois. Et entraînant dans la crasse. Il y en a un autre qui a l'air plus jeune. Ce qui est quand même vachement triste, il a l'air d'avoir ouais, milieu de vingtaine. Quasiment votre âge au final. Hein. Votre âge quand vous étiez encore vivant. J'ai 43 ans actuellement. Dans le monde des humains, tu as 43 ans. Ouais. Dans le monde des vampires, tu as toujours 23 ans. Et tu auras toujours 23 ans jusqu'à ta mort. Ça, c'est beau quand même. Ça c'est beau quand même. Donc oui, il a l'air plus jeune. Il a une barbe pas trop fourni, il a pas l'air d'être là depuis longtemps, mais enfin, il est quand même crade. L'autre mec, ça a l'air d'être un peu plus une baraque. Alors, pas du niveau de Berryvoy. Hey. Mais vous êtes là, genre, oui, il fait deux bons mètres, hein, le gars. Quand il écoute l'autre, en fait, c'est-à-dire qu'au début, vous dites, il a pas l'air si grand. Il a pas l'air si grand. Sauf qu'en fait... Vous vous rendez compte qu'il est vraiment grand au moment où il se relève, parce que vous remarquez que pour écouter le petit gars parler, bah il était à moitié agenouillé. Mmh. Voilà, et il se relève, et là tu fais « Oh putain !» Effectivement, il fait 3 bonnes bêtes de plus que lui, quoi. Vous êtes là genre « Ah !» Très bien. Et la nana, bah c'est... Oui, c'est une... C'est un fruit. Mais... Oh putain! Oh putain! Arrête, c'était beau. J'ai déjà entendu, c'est bien, moi je. Oh merde! Oh non! Oh merde! C'est un oui du jeu. Ça va, Venom? Tu vas pas continuer? Ah, je sais pas, hein! Oh, c'est une bugounette. Ça va, on t'attend. Voilà, donc la meuf. Ouais, elle est plutôt de taille de corpulence moyenne. Vous sauriez pas dire si elle est blonde ou brune, par contre. Le caca des cheveux. Le caca des cheveux partout. Hein. Et enfin, vraiment, en fait, quand vous rentrez là-dedans, c'est limite si vous vous sentez pas triste. Bah, normal. Ça, c'est... Enfin, c'est... Ouais, c'est triste, quoi. Vous êtes mêlé à tout. Enfin, ouais, c'est horrible ce qui arrive à ces gens. Mmh. Et vous le voyez, vous êtes. C'est horrible, là, le pauvre. Non. Voilà. Et à ce moment-là, vous recevez un message de. Un message de. Comment de David. Oui. Qui vous dit ouais, j'entends un truc près du. Comment Près du pilier là-bas. Et bah, c'est le groupe avec le petit blond, quoi. Okay. Moi, je dis, il faut qu'on se rapproche un peu doucement. Ouais, doucement. Doucement ? Ouais. Moi, genre un petit peu, genre en mode oh là là, nous on est là, bah oui, on est là, oh c'est. Ouais, j'allais dire en mode on visite, mais bon, il n'y a pas grand chose à visiter. Waouh, un baril en feu. Ouais, saut tout à au même siècle, quoi. Ah, c'est tellement artistique. Hein. Par contre, fais gaffe, Rissam, parce que avec tes gants. Ça prend feu. Non, mais tu as fait de te faire opérer. Oui, je les enlève. D'accord. Fous-les dans une poche, vite fait, personne ne te voit. J'ai mis 6. Hein. Mais carrément, même. Alors, déjà, c'est ça. Ok, très bien. Ah. Ouais. Donc en fait, donc tu ranges tes gants dans ta poche. Mm-hmm. Tu ranges tes gants dans ta poche. Et il y a un mec qui s'approche de vous, en fait. Et, excusez-moi, mademoiselle. Oui. Excusez-moi, je suis désolé de vous demander ça, je m'appelle... Je m'appelle Jean et je suis là depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous auriez pas une petite pièce, quelque chose à manger, n'importe quoi? Mais vous savez, monsieur, c'est pas qu'on veut pas vous donner, c'est que vous voyez, vous êtes quand même beaucoup et tout sous le pont. Et je veux dire, même nous, si on a un peu d'argent, on n'aura pas de quoi satisfaire tout le monde et vous donner qu'à vous ou qu'à un autre, ça serait vraiment injuste. Et vous savez, j'ai faim, je peux plus. J'en peux plus d'être ici. Je sais bien, j'imagine bien, ça a pas l'air d'être super confort non plus. Enfin, si vous saviez. Il est en train de s'approcher de vous, en fait. Et il trébuche, il se raccroche à toi, en fait. Rissam. Okay, non, Rissam. Alors, meuf, tes poches. Tes poches. Pickpocket. J'ai toujours les mains dans les poches, non? Je sais pas, c'est à toi de me le dire. C'est pas moi qui décide pour toi. Bah, vu que j'étais en train de les ranger, je suppose que oui, en fait. Ah non, non, t'étais pas en train de les ranger. Ça fait genre peut-être 30 secondes que tu les as rangés. Hein. Ah. C'est, t'as eu le temps de les ranger, vous étiez en train de marcher, et le mec il est arrivé devant vous. Bah, du coup, non, j'ai. Du coup, non. Non, bah, il se raccroche à toi, mais il s'éclate quand même par terre. C'est du. Il a les mains, mais vraiment. On dirait des griffes, quoi. C'est clairement, il est arthrosé à mort. C'est pas un jeune. C'est pas un jeune. Le mec, il a les mains complètement griffues. Il s'éclate au sol. Vous êtes là, genre oh shit, il est encore vivant. Je peux proposer un truc. Oui. Vous me dites. Je propose qu'on s'éloigne et je lâche un billet par terre. Oh, tellement de respect. Mais quoi, au moins, ils ramassent le billet et nous, on part discrètement. Tu sais, genre, je fais pas attention, je suis là de tomber un billet par terre et oh, bah zut alors. Ouais, le dites à personne. Hein. Voilà. Vous en pensez quoi? Il est mort. De toute façon, c'est moi qui le... Non, mais là, si que vous parle, en fait, elle l'a pas fait encore. Elle vous demande ça vous va. Bah, j'ai dit oui. Ok, voilà. Bon, on fait ça. J'ai dit oui, il faut qu'on fasse ça vraiment discret, quoi. Genre, pof, le petit billet qui tombe. Oh là là, je vais pas devant lui, tu vois, mais genre, je mets mes mains dans les poches, puis je les ressors, et puis, oh bah zut, un billet est tombé, tu vois. Ouais. Oui, on s'éloigne. Par contre, ils savent, désolé, mais tu risques de plus avoir de gants. Non, mais voilà, donc tu lâches le billet par terre, tu le poses même pas, tu le lâches. Je mets mes mains dans les poches, tu vois, puis je les ressors avec mon billet, et puis. Tu sais, genre, je le tiens dans la main, puis je le lâche discrètement, quoi. C'est pas genre, oh, regardez, j'ai un billet, je vous le lâche. Tu vois, c'est vraiment genre, je le mets dans la poche, je la ressors discrètement, et puis je lâche le billet contre ma main, et... Tu sais, enfin, je laisse pendre ma main, et voilà, je lâche le billet. T'as le temps de regarder, parce que ça se passe très rapidement, il y a le billet qui tombe, tu vois le mec qui directement pose sa main par-dessus. Tu vois, sans le rattraper, il pose sa main par-dessus, il continue de rester au sol, et tu l'entends juste chuchoter, merci. Il bouge pas, il commence à un peu ramener sa main vers lui, tu vois, comme s'il voulait vraiment cacher le fait que vous lui avez donné quelque chose. Je le regarde discrètement, j'essaie de lui lancer juste un clin d'œil et puis. Merci. C'est ça. Et puis vous partez. Je vérifie mes poches, moi, du coup. tu vérifies tes poches comme ça. Mais juste tes mains dedans. Là où, en tombant, il aurait. Ouais, tu as tellement pris tes gants. Tu mets tes mains dans tes poches, quoi, tu regardes. Ouais, c'est ça. Donc j'ai mis mes gants. Bah, c'est-à-dire que... Non, tes gants, ils sont toujours là, quoi. Okay. Non, c'est un mec honnête, si beau. Ouais. Tes gants, ils sont toujours là. Parfait. Ouais, du coup, on se dirait chauve à cours de personne. Et David, il fait quoi, David, il fait quoi, lui? Il reste en observateur plus loin. Ouais. Oui, mais il a son audition boostée. Il a son audition boostée, et vous savez qu'il se rapproche. Il est à distance, en fait, si vous avez un problème d'arriver là dans les quelques secondes qui suivent. Okay. Voilà. Bon, du coup, on dirige vers le groupe et voilà. Mm-hmm. Est-ce qu'on y arrive? Vous dirigez vers le groupe, bah il vous voit arriver, en fait, hein, de loin. C'est-à-dire de loin. Il faut vraiment qu'on prenne une attitude genre OSEF, tu vois, genre on vient là juste parce qu'on sait pas trop où aller ou un truc dans le genre. Mm. Pas qu'on arrive en mode salut, alors qu'est-ce que ça fait ici les bitches? Ouais. Pardon. C'est ça. Excusez-moi. Ça pue du cul. Ah, ça pue. Ça... J'aime pas son rire, mais j'aime pas son rire. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, mon rire, c'était vraiment parce que ce qu'a dit Dédra, ça m'a fait rire. C'est, j'ai eu l'image des 4 SDF regroupés devant un petit mec en train de parler à voix très très basse. Au point que même à 5 mètres d'eau, vous entendez rien. Et là, d'un coup, la meuf qui arrive, il fait alors comment ça va les bitches? Qu'est-ce qu'on fait ici? On est pas les clones, wouh! Si je t'ai roulé une pelle. Voilà, donc. Donc voilà, c'est très. C'est, voilà, ça fait beaucoup rire. Mais donc, vous vous dirigez vers le groupe. Vous dirigez vers le groupe. Et en fait, quand vous arrivez voilà, à quelques mètres d'eux, il y a d'un coup, genre, 4 regards qui se lèvent vers vous. Les 4 personnes qui lèvent la tête vers vous. Genre, ils vous regardent, mais vraiment, vous sentez, genre, malgré toute la détresse, en fait. Sur leur apparence, tout simplement, malgré tout ce qu'ils représentent, entre guillemets, j'aime pas dire ça comme ça, mais voilà. Vous voyez dans leurs yeux, genre, il y a un feu qui brûle. Ils sont pas là pour déconner. Ouais. Ils sont pas là pour déconner et vous avez intérêt à faire attention. Ouais. Mmh. Ok. Et le petit blond, il lève la tête vers eux, il voit leur regard et il se retourne vers vous. Ouais, c'est un mec d'allure normale. Pas ni très beau, ni très moche. C'est pas un faratouille. C'est un mec lambda en fait. Elle m'a dit qu'il fait chaud là. Quoi? Putain. Oh putain, je viens de comprendre. Ok, Oui, donc. Donc, ouais, vas-y. Du coup, il nous adresse la parole ou il nous regarde quand on arrive vers eux? Bah, il vous regarde un peu tous. Genre, qu'est-ce que. Et il y a un espèce de qu'est-ce que vous foutez là, mais implicite. C'est-à-dire, il vous le demande pas. Mais vous sentez que vous n'êtes pas les bienvenus. Et ce que je vais faire, alors c'est que je vais ramener David puisqu'il va pouvoir entendre tout ceci. Mmh. Je vais lui demander de couper son micro pour ne pas intervenir. Voilà, donc mon cher David, tu es de retour parmi nous. Ce que je vais te demander, voilà, ce que je vais te demander, donc tes amis se sont rapprochés du groupe dont je t'ai parlé. Ouais. Toi, tu les entends juste, donc je vais te demander de couper ton micro. Puisque tu n'as pas de. Alors, à moins que tu leur envoies des messages. Ah, mais à ce moment-là, ça risque justement, d'être. À ce moment-là. Je vais juste envoyer le message par rapport à ce que moi j'entends. Tu l'as. Oui, tu l'as peut-être déjà fait. Ou alors tu le fais est-ce à ce moment-là. Est-ce que du coup mes amis l'ont reçu? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir. Une... Non, pas encore. D'accord. Le message qui met 3 heures à arriver. C'est sous les ponts, hein. Encore. Pas de raison. Ah, tu l'as envoyé à qui? À tout le monde? Tu l'as envoyé sur la conversation? 3. Ouais, ok. Okay. Tu sais, tu peux envoyer un SMS à plusieurs destinataires. Donc ouais. Technologie? Bah, finalement, ouais, Dédra et Sig, vous sentez votre portable qui vivent dans votre poche. Là, je me tourne et je regarde. Genre, je me tourne dos à eux. Tu te tournes dos à eux? D'accord, donc tu veux faire encore plus suspect que ce que vous avez. Non, mais je me tourne pas dos à eux, non, c'est vrai que c'est un peu suspect. Mais tu sais, genre, de trois quarts un petit peu, tu sais, genre, je peux toujours les voir, ils peuvent toujours me voir, mais tu sais, genre, je suis mon téléphone, quoi. Ouais, mais alors imagine, t'es avec tes potes, je vous mets dans la situation pour que vous ayez une petite idée, en fait, de à quoi ça ressemble. Clairement pas de sortie. T'es avec tes potes, vous êtes en train de parler, il y a un groupe de meufs qui se rapprochent de vous. Mais ça va, je le sors pas, oh. Voilà, c'est, enfin. Vous pouvez le sortir si vous voulez. Moi, ça me dérange pas, mais vraiment, genre, je vous dis. C'est pour ça que je voulais me de tourner. Eux se tourner. Ouais, mais justement, tu vois un groupe de gens qui arrivent vers toi, et puis d'un coup, il y a une meuf qui se tourne. T'es là, genre, quoi? Qu'est-ce que tu fais? Sortir le portable en soi, c'est pas suspect, mais c'est le fait qu'elle se tourne pour le sortir qui est suspect. Non, c'est suspect, parce qu'on est dans un putain de truc de clodo, si on sort un téléphone, tout ça. Ça, je voulais pour le coup, des draps à pas tort. Je suis un selfie. Non, mais ouais, voilà, selfie sous les ponts. C'est de le lapin pitch en fait. fait des séparations. Du coup, moi, je cherche à me rapprocher quand même de plus en plus. Mais tu t'es rapproché, hein, t'es quasiment à l'entrée du truc, hein, ce dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, je vais te demander maintenant de couper ton micro, s'il te plaît. Bite. Voilà. Du coup, bah, il continue à vous regarder. Il y a le grand qui commence à un peu rouler des épaules. Si tu veux que je roule. Ah, je suis désolé, t'as pas entendu, t'as complètement coupé en fait. Tant pis, c'est, mais du coup, faut qu'on arrive et qu'on monte pas de blanche, quoi, tout en restant sous nos gardes au cas où s'ils essaient de nous envoyer paître, mais. Je suis plutôt d'accord. Non, mais je vais pas tout faire. Faut qu'au moins, faut qu'on leur reste la parole, quoi. Faut pas qu'on reste comme ça. Ah oui, là, ça va faire quasiment une minute que vous êtes devant eux sans parler, en fait. Bonjour. Non, mais ça met pause quand on fait des discussions, c'est chiant, quoi. Ah, non, mais j'ai mis pause, t'inquiète pas. Parce que sinon, ça faisait pas qu'une minute. Donc oui, vous jugez un peu, genre, de la tête aux pieds, regarde, bonjour. Bonjour. On peut vous aider, peut-être. Bonjour. Je vais vraiment dire bonsoir, mais j'ai pas dit bonsoir. Bah, écoutez, oui et non, c'est... On se retrouve un peu là par hasard, quoi. Là par hasard, vous voulez dire derrière ce pilier par hasard, parce que vous savez, ici il y a plein d'endroits où aller, et je pense pas qu'ici ce soit le meilleur. Vous étiez juste le groupe qui se démarquait le plus du reste, alors comme nous aussi on se démarque un petit peu du reste, on pensait qu'on pouvait avoir quelque chose. Ah oui, c'est sûr. Hein. Juste rester avec vous, quoi. Vous êtes là depuis combien de temps? On vient à peine d'arriver. Ouais, je vois ça, je vous ai jamais vu ici. Hein. Ouais, c'est la première fois qu'on vient. Oui, on est tout nouveau. Et on n'espère pas rester là longtemps. Et j'espère pour vous. Si ça vous dérange pas, on est un petit peu occupé. Occupé avec quoi, si je peux me permettre? Sans vous leur mêler vos affaires, évidemment. Alors, excusez-moi, je regarde. Donc, si tu vas me lancer un D4. Un D4, 4D10, s'il te plaît. On a dit on faisait dans l'ordre. Attends, comment on faisait déjà dans le. Ah oui, c'est ça. Bah, on fait dans le désordre du coup. Oui, je peux faire dans l'ordre inverse, effectivement. Bah, alors attendez, parce que je vais regarder, parce que il est possible que. Ah non, t'en as plus. T'en as effectivement plus. Donc, Dédra, Sig, vous allez me lancer 4D10. Je suis trompé, désolé. c'est pas grave. Bah oui, non, juste 4D10 avec une difficulté de 7. En fait, moi j'essaye de faire ça avec le dice roller directement. Moi aussi. Non, mais vous embêtez pas, vous tapez. Enfin, le dice roller, je vous avoue, je l'ai jamais utilisé, donc je peux pas vous aider pour le coup. Je sais pas c'est quoi. T'as difficulté 7. Attends, je crois que je vais faire un truc, si mes souvenirs sont bons, il me semble que c'est ça. Attends, je fais un test. Hein. Alors en fait, vous mettez roll 4D10 plus 0. Target number, vous mettez plus grand que 7. 0. Attends. D'accord. Ok, je me suis planté. Voilà, et vous cliquez sur roll, et normalement ça va vous lancer. Oui, c'est ça, ok. Donc roll voilà. 4D10 et machin 7, c'est ça. Ouais. Alors, sachant qu'il n'y a pas le F1, donc du coup ça fait pas de fail. Ah non, c'est pas plus 7, c'est target number à 7. T'as optionnel plus rien. Je suis gentil que. Mais c'est plus que 7. Ouais. C'est. La vie là, ok. Voilà, mais sachant que ça c'est un moyen de le faire en automatique. Non, vous pouvez aussi le taper en. Donc très bien, donc on a un succès du côté de Sig, 0 du côté de Dédra. Et toi, Rissam, tu vas me faire le même jet, mais avec 7 dés, s'il te plaît. Ok. 7 des 10. Plus grand. Difficulté 7. 7F1. Je vais réécrire ça, serait bien. Le Ok. Bye, bye, Mr. Mike. Donc, ouais, des draps, toi, t'es... Bah, tranquille, en fait. Enfin, ils ont... Tu vois, ils avaient une discussion louche. Mais c'est-à-dire que, concrètement, ils ont pas l'air, tu vois, genre, plus méchants que ça, quoi. Tu sens que c'est des gens qui sont là, Effectivement, ils ont pas l'air d'être bien intentionnés. Mais c'est tout. Sig, Rissam, vous, en fait, ce qui vous choque, c'est le mec en... le petit blond. C'est pas son attitude, c'est pas le fait qu'il soit habillé, parce que bon, bah, clairement, vous avez bien une petite idée de pourquoi il est là. Il n'est pas là pour leur donner des bonbons. Il pourrait. Malheureusement, en fait, le seul souci, c'est sa main. Qu'est-ce qu'elle a ? Pendant une fraction de seconde, vous avez l'impression qu'elle change. Putain. Je vais vous demander un jet de maîtrise de soi, toutes les deux, s'il vous plaît. Maîtrise de soi, j'ai deux, du coup, ça tu as deux, donc 2 des 10, difficulté 4. Difficulté. Ouais. 7 aussi. Et Sig, en maîtrise de soi, tu as 4 difficultés. J'attends 6. Oui, j'attends en premier, s'il te plaît. Attends, du coup, je serai avec le dice roller. MDR. Très bien. Attends, 2 des 10. Non, toi, non, Chris, Sig, ouais. Toi, c'est 4 des 10. Pardon, oh, putain, oui. Et difficulté de 6. 2-6. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, mais avec 6, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, c'est marqué un succès, mais c'est 0, hein, en réalité, puisqu'il y a un 1. Ah oui. Eh oui. Donc, vous voyez sa main qui change immédiatement. Il y a vos visages qui commencent à blêmir. Parce que vous êtes là, genre, putain, c'est lui, quoi. C'est lui. Mais sauf qu'en fait, il vous a vu. Et vous le voyez, mais d'un coup, comme une flèche. Pssiou ! Le mec, il part en courant. Je cours après. Je le cours après. Vous partez toutes les trois en courant. David, voilà, justement, c'est ce que j'allais te demander. Toi, t'as entendu le début de la course. Et j'avais dit au vite fait par écrit, père, entre temps j'ai pris l'arme que j'avais piquée sur le mec que j'ai tué il y a quelques jours. Ok d'accord, très bien. J'avais conservé l'arme, j'avais dit Oui. Et du coup je la sors. Ouf. Et tu vas passer dans les... putain de merde, saloperie. Oui, voilà. Non, mais c'est Discord. C'est... est-ce que tu vas passer devant tout le monde avec un pistolet? Comme ça. Pour l'instant, on me voit pas. Pour le moment. Si tu commences à courir, si. Hein. Si tu commences à courir, on te voit direct. Hein. Ah, je suis pas de bruit pourtant. Donc, ah oui, mais non, courir te fait sortir directement. Ce que je trouve normal. Tu peux regarder, c'est dans les règles. D'accord, bon bah j'essaye de le planquer un peu dans la veste de pyjama en cours, quoi, D'accord. Hop là, j'ai juste mal au ventre, je me tiens le ventre pendant que je cours, c'est normal, j'ai un point de côté. Dans les replis de la cape, tu sais, j'ai la main derrière le dos avec la cape. Je cache un minimum en courant. Et je l'ai toujours en main quand même. Ah, il court vite, l'enfoiré. Il court vite, ou du moins c'est ce que vous avez l'impression. C'est ce que vous avez l'impression. Donc vous allez tous me faire un petit jet de vigueur. Pour le coup. Vigueur avec... Alors là, ça va être le moment où il va falloir argumenter. Ok. Parce que, voilà, vous allez apprendre pour celles et ceux qui ne jouent que très peu au jeu de rôle... que bah, des fois dans le jeu de rôle, le MJ vous dit des choses et que vous n'êtes pas d'accord. Moi je vous dirais avec athlétisme. C'est-à-dire que vous pouvez partir avec athlétisme, parce que vous lui courez après. Vous pouvez aussi me proposer d'autres choses. Moi, celle que je proposerais le plus, ce serait survie, pour partir plus en mode courir en essayant d'esquiver les choses qu'il pourrait y avoir dans, sur votre chemin. Parce que forcément, il passe au milieu des tentes, il passe au milieu des choses comme ça. Moi, il y en a deux qui peuvent me paraître cohérentes aussi. Enfin, une pour moi et un autre pour les autres. C'est subterfuge pour les autres. Parce qu'elles peuvent essayer de le contourner, de faire un truc. C'est ce que je pensais de base. Pour lui tendre un petit piège. Et moi, je pensais à furtivité. Parce que le mec, techniquement, j'étais pas avec les autres. Donc, il peut ne pas me voir arriver. Effectivement. Donc, je peux venir d'un angle mort et d'un seul coup. Surprise, motherfucker! C'est vénère d'un coup. Moi je vais utiliser la survie hein, parce que ouais, c'est. Moi, j'ai eu des mauvaises expériences avec les palissades. J'ai un peu rien en survie là. En plus. Voilà. Et donc en vigueur, ou peut-être même pour ceux qui veulent dextérité. Si jamais vous pensez plus vraiment en parcours, quoi. Ou là, on passe en mode parcours. Ah ouais, moi, je veux trop passer en mode parcours. Je prends dextérité parce qu'en plus, j'ai 2 en célérité. Voilà. Du coup, j'ai rien en célérité. Ça fait 2 dés en plus, si je me rappelle bien. Voilà. Donc, du coup, on fait dans l'ordre. On va faire effectivement dans l'ordre. Ah, donc, il me faut vos réponses. Donc, Rissam, Dedra, vous passez en mode parcours. Dextérité oui, subterfuge. Parce que moi, ça fait un petit moment que je. Enfin, du coup, je me suis entraîné un petit peu chez Berry Boy pendant environ 10 minutes et j'ai envie que ça paye. Du coup, je pars en mode parcours. Ben, moi, pareil. Je suis, oui, je oui, suis, oui, je non, mais j'avais compris. David, tu pars en mode fufu. Ouais, j'essaye de me planquer un peu. T'essayes de te planquer un peu, donc tu passes sur les côtés plus. C'est ça. Tu passes donc, plus sur les côtés, très bien. Soit vigueur, furtivité, soit si t'autorises, astuce, furtivité, en essayant de le brain. Et là, c'est peut-être un peu trop en demander, j'avoue. C'est pas... Alors, du coup, si tu veux faire ça, tu feras 2 jets. D'accord. Tu feras un jet d'astuce, furtivité, pour essayer de le brain. Pour voir un peu quel chemin tu pourrais prendre pour lui couper la route. Ouais. Par contre, tu me feras un jet vigueur athlétisme pour le rattraper. Ouais, non, donc ça va être vigueur vigueur furtive. Ça serait bien. Vigueur athlétisme avec l'athlétisme à 0, je sens moins. Voilà. Et Sig. Dextérité survie, pareil. Dextérité survie, donc parcours. Donc vous êtes 3 à partir en parcours pendant que David y part de son côté. Il vous a toujours même pas rejoint hein, en réalité. Donc non, effectivement, le mec il part en courant. Il part en courant et ça vous. Ça, il part vers les tentes en fait. C'est-à-dire qu'il croise des gens, il balance des tonneaux remplis de flammes, machin, il les balance sur son chemin pour vous couper la route. Il vous lance des trucs. Il y a même un moment en fait, il chope. C'est horrible parce qu'il a pas l'air. Enfin voilà, il fait quoi? Il fait 1m50 à peu près. Il a pas l'air extrêmement. Vous voyez? C'est pas quelqu'un de très athlétique. Mais il court vite. Et il y a un moment, il chope un mec et vous l'envoie dessus. Un gars qui est couché par terre. Qui, bon, par contre, quand il le jette, le mec ne réagit pas. Donc vous pensez que soit il est mort, soit il est défoncé. Est-ce que c'est le mec qui sniffait de la coke? C'est le mec à qui j'ai balancé le billet? Non, c'est pas le mec à qui t'a balancé le billet. Mais le mec a l'air défoncé KO sur le sol. Mais donc, vous allez me faire vos jets. Donc, David, tu vas partir en premier. Tu vas me le lancer en premier. Et après, on fera Dedra, Rissam, Sig. C'est beau. Il y aurait Fufu, difficulté. Alors, Fufu, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, ça attire beaucoup d'attention. Parce que lui aussi attire l'attention à courir. Lui aussi attire l'attention à courir. Et du coup, tu peux passer dans la foule et te cacher. Donc, difficulté 4. 2 succès, putain, j'ai réussi à foirer. 2 succès, c'est très bien. Hein. Ah oui, mais vu que j'ai 7 dés de lancer, sur une difficulté 4, 2 succès, c'est pas beaucoup. Non, t'en as que 6. 3 et 3. Ah oui, 6, pardon. Et c'est plus grand. Ouais, même. Du coup, des draps, s'il te plaît. Difficulté. Difficulté. Il est en train de balancer des barils en feu, des gens, tout ce qui lui tombe sous la main. Ça va être une difficulté pour tout le monde à 5. Parce que j'ai des gens un peu classiques. Non, il jette pas des gens en feu. 4 succès, allez, très bien. Allez, allez, whoop whoop. La palissade, elle m'a marqué. Moi, je reste pas sur mes traumatismes. Eh. Non, n'est pas cette moment de l'histoire, s'il vous plaît. Rissam, s'il te plaît. Donc, pool mode 2, difficulté, du coup, c'est soit ça. Soit la poule. Pool mode 2. Ouais. Lol. J'ai fait pire que toi, David. Pool mode pour moi 0. Bah, pool mode pour toi 0, t'as pas de choses qui augmentent ta. Voilà. Et difficulté 5. Allez. C'est pas de choses qui augmentent ta. Oh t'es vu du moins, on a fait du caca. C'est un le game. Je nique le game, les lancers sont parfaits. Donc. Mais là, tu vas comme une couille avec ton eau, quoi. Alors, vous voyez Sig qui part, mais alors comme une flèche. Vous vous dites quoi? C'est quoi cette meuf? Et littéralement, genre le mec il balance un baril. Mais alors. Dessus? Non, dessous. Autour, dessous, partout. Dessous. C'est-à-dire qu'elle mange le baril. Elle glisse quoi. C'est-à-dire que, non, en fait, le tonneau il est en train de tomber. C'est-à-dire qu'elle est, elle est quasiment sur ses talons. Hein, il court quasiment à la même vitesse. Le mec il se retourne pour balancer un tonneau. Tu vois? Enfin, pour le faire tomber. Elle passe en dessous, mais vraiment, genre, les flammes lui lèchent les cheveux, quoi. C'est impressionnant, vous avez jamais vu ça? Elle balance le mec, et alors là, vraiment, enfin, je te l'autorise parce que t'as fait 6 réussites sur 6 dés. Il te balance le mec à la gueule. Yes. Le gars, tu le rattrapes. tu le fais tourner, tu le reposes. Mais vraiment, genre, allongé en lui tenant la tête, et tu repars en courant. Oh! Bah là, ça, franchement. On dirait un film indien. Mais c'est quasiment ça, c'est quasiment. Si vous voyez les Bollywood, c'est complètement ça. La meuf, elle prend le truc de la voiture, elle le repose, elle fait y'a quoi? Mais c'est ça, quoi. En marche et en vol, quoi. Dédra, toi, t'es sur ses talons. Pareil, t'es à quoi? T'es à peut-être un mètre ou deux derrière. Des flammes sur les pieds. Le tonneau en flamme, mais alors littéralement, oh. C'est tu fais, tu vois, genre le saut. En passant sur le côté, c'est limite ton dos roule sur le tonneau, tu vois. Ah ouais, comme sur les voitures, j'en m'en dis. Comme sur les voitures en moins lion, mais sauf que tu vois, genre, c'est pas après tu ratterris sur le machin, c'est vraiment tu prends la courbe du tonneau. Tu vois, voilà. Ton dos il prend la courbe du tonneau, tu ratterris sur tes jambes, tu recommences à courir. J'ai un très bon ostéopathe. le mec, tu passes en sautant par-dessus, parce que bah, il est allongé sur le sol. Il s'est pas. Ah non, mais il s'est pas réveillé, hein. Il s'est pas réveillé, le gars. C'est-à-dire qu'il est allongé, sur le sol, il a les bras en croix, la tête sur le côté, parce que Sig l'a posé, tu vois. Mais c'est tout. Le mec, il bouge pas. On t'apprend le sprint de ma vie, mais. Ouais. Tu passes, donc tu sautes au-dessus, tu vois, t'atterris genre juste derrière Sig. Tu fais un grand, mais vraiment, genre le boom, quoi. Genre, tu t'envoles, tu réatterris. Salut. Et tu continues à courir. Oui, toi Rissam, c'est un peu. Moi, je rentre parce que j'ai un seul succès alors que j'ai 2-7. T'as 2-7 et un 10, mais t'as 2-1. Oui, c'est ça, oui, ça s'annule, oui. Voilà. Donc, bref. Donc, ouais, toi, tu. Bah, c'est un peu plus lent, quoi. C'est, tu vois, les autres qui prennent un peu de la distance sur toi, bah, le tonneau, ouais, tu sautes flash marche par-dessus, quoi. C'est. T'es quand même agile, hein. Tu sautes, tu poses ton pied dessus, tu réatterris. Le mec, t'es à pas loin de lui marcher dessus, mais tu le vois au dernier moment, tu l'enjambes. Ce qui te fait perdre un peu de temps, vous passez entre les tentes, machin. Alors vous, Rissam, Dédra, c'est mais vraiment les tentes, vous faites des bombes par-dessus, quoi. C'est impressionnant. Le mec, il vous envoie des tentes vides à la gueule, mais c'est en plein bon. Je les replie, je les repose. Je pense que Chris, elle fait ça en fait. Genre, enfin, Sig, elle fait ça. Genre, c'est, elle prend les tentes, elle les replie. C'est ça. Elle continue à courir. Ah non, c'est encore plus impressionnant parce que elle est, donc, elle est en plein saut au moment où le mec lui envoie genre 2-3 tentes à la gueule, vous voyez les tentes arriver, et non, et vous la voyez en fait tourner sur elle-même. En plein saut, elle tourne sur elle-même, les tentes qui passent, mais dans son dos, en continuant leur course sans même la toucher, quoi. Oh là là, c'est Bayonetta. C'est, vous êtes là, genre, mais what the fuck? Toi, Dédra, les tentes, bah tu passes par-dessus, t'atterris là où elles étaient avant, quoi. C'est genre, ouf, rien à foutre. Il fait une tente ici, je l'ai pas vu. Et toi, David, bah en fait, tu te frayes un chemin à travers la foule, quoi. Tu te frayes un chemin à travers la foule, t'écartes les gens et tu le vois, t'arrives. T'es pas trop à sa hauteur, mais t'es à la hauteur de Dédra et Sig, et t'es en train de le rattraper, quoi. Et donc ça continue un moment. Ça continue, enfin, ça dure peut-être 30 secondes, une minute. C'est pas la course-poursuite de votre vie. Même si, clairement, pour vous, ça en a l'air, parce que c'est la première fois que ça vous arrive. Moi, non, techniquement. Je suis un ancien flic. Hein. Oui, toi, t'es un ancien flic. Ouais, alors, ça va. Hein. Et d'ailleurs, en tant qu'ancien flic, t'as jamais vu un tacle comme ça. T'as Sig, mais alors qui bondit. Et en fait, au moment où elle bondit, tu vois, c'est très bizarre parce que le mec, il était en train de rentrer dans une... Vous savez, ces fameuses... Ça va être très cliché aussi, mais les grandes bouches d'égout. Vous savez, les gros ronds bien dégueulasses. Ouais. Voilà, le mec, il est rentré là-dedans. Il y a Sig qui se jette à l'intérieur et littéralement, au bout, elle le chope par les épaules et elle le tacle. Elle l'emmène au sol, quoi. Elle le fout au sol. T'as jamais vu ça. Touche. T'as jamais vu ça. Et ils atterrissent sur le sol et ils glissent pendant un moment avec toute la... Comment ? La vitesse de la course, toute la célérité, ça... Pouf, tu vois le... Chut, comme le volet sur son bouclier. Voilà. Et donc, vous rattrapez ce mec, dans les égouts. Alors, je rentre dans l'égout, là, je sors le flingue parce qu'on est un peu plus discret, je pointe sur le gars, je regarde si... Bah, en fait, le mec, si tu veux, genre, il a quand même réussi à se débattre, il est en train de reculer, quoi. Ah ouais, le gars, il est en train de reculer. Sur lui, donc je pense que le gars, ça le calme un peu, quoi. Non, mais s'il a couru aussi vite, ça veut dire que c'est forcément pas un humain. Et clairement, jusqu'à la moitié, en fait, vous voyez que jusqu'à son t-shirt, il a un t-shirt, mais ses bras, c'est plus des bras humains, en fait. Ses bras, ils sont plus humains. Non. Alors... Voilà. C'est Venom. Oui, et ben écoutez, je vous emmerde. Je dis juste à Sig, la seule raison pour laquelle j'applaudis pas, c'est parce que j'ai le gun dans les mains. Est-ce que je peux me mettre derrière lui, le gars là. Derrière le gars là, il est un peu plus loin. Si c'est-à-dire qu'en fait, il est un peu plus loin, il est face à vous. C'est vrai. Et il est face à vous, il est en train de vous regarder en reculant. Mais du coup, des bras plus humains. Ah oui, bah c'est... Bah... Nosferatu, t'en as vu, tu reconnais. Voilà, tu reconnais les bras des Nosferatu. C'est, tu sais, ces espèces de bras... Les vampires dégueulasses, tout décharnés... Voilà, c'est ça. Le pas beau, là, tu sais. Sale merde. Tu pues la merde. J'espère que tu vas rester avec des goûts. Oh, vous continuez de reculer, hein, clairement. Enfin... Lui, il est en train de reculer. Ah non, il n'y a pas de mur, c'est un grand tunnel. J'avance, moi. C'est un grand tunnel. D'arrêter de bouger et j'arme le flingue. Ouais, vise son cœur, par contre. C'est vraiment le truc qui va le faire chier. Est-ce que t'es sûr de vouloir faire ça, David? Je lui dis juste d'arrêter de bouger, d'armer, c'est tout. Et j'arme, c'est tout. Je tire pas. D'accord. Alors, je vais te demander un jet de perception, s'il te plaît. Je mets mon bras derrière mon dos. Perception vanilla. Perception vanilla. S'il te plaît. Difficulté de... Ouais, mais là, ça n'a pas à voir avec le spex. C'est difficulté de 5. Deux succès sur 3. Donc, tu réalises en fait que là où vous êtes dans le tunnel, tous les humains qui sont à l'extérieur... Ah bah, c'est-à-dire qu'il y a toute la population... du bidonville, quoi. Qui... Dans le tunnel, du coup. Bah, ouais, ils sont pas dans le tunnel, mais c'est-à-dire que de l'extérieur du tunnel, ils peuvent encore vous voir. Ouais, oui. Donc est-ce que t'es sûr, est-ce que t'es sûr de vouloir dire à ce gars qui a des bras de vampire de pas bouger? Oui, sachant qu'il est en train d'essayer de se barrer, lui. Bah, je le suis plutôt. Ils essayent de le tacler à nouveau pour vraiment l'immobiliser, ce coup-ci. Ok. Bah, pour essayer de le tacler, ça va être un jet de... Bagarre. Ouais, de bagarre avec... C'est qu'il y a bagarre. Ça va être... Ouais, je te dis bagarre pour être gentil, parce que ce serait plus mêlé, mais bagarre, ça rentre en compte. Si tu veux en même temps plus lui faire, tu vois, une clé de bras, quelque chose comme ça. Moi, j'aimerais bien lui péter les jambes. avec... Ça dépend, est-ce que tu lui... Enfin, comment tu vois la chose? Moi, enfin, tu chopes un mec, tu te bats contre lui, en fait. Tu lui dis pas direct. Ah non, mais... Oui, d'accord, mais comment est-ce que tu vois la chose d'un point de vue roleplay? Comment est-ce que tu vois ton action? Ah, je lui donne un gros coup de poing dans la gueule. Et puis en sachant qu'il est plus par... Enfin, il est un peu plus loin que toi, quoi. C'est-à-dire que t'es pas à 3 cm de lui. Quand même, D'accord, donc tu cours, tu lui sautes dessus, tu lui rentres dedans, tu... Et je cogne. Dès que je le rattrape, je cogne, en fait, pour le foutre à terre et l'immobiliser une fois à terre. Ok, bah ça va être vigueur et bagarre, alors, s'il te plaît. Avec une difficulté... oui, avec une difficulté... Bon, moi, je voyais force, mais pour le coup, ça change pas, ça reste pareil. Ouais, mais pour le coup, c'est plus vigueur, comme tu cours, oui. Tu vois. Difficulté, alors ça va être face à lui pour sa dextérité bagarre. 6 7 7 6 et demi 0, merci. Merci, 6 n'aurait rien changé en fait. 6 n'aurait rien changé. Donc ouais, donc tu vas pour le tu vas pour lui tu lui, faire, tu lui rentres dedans et le mec, tu vois, il te balance un peu plus loin, quoi. Tu sens qu'il a de la force, l'enfoiré. Bah, je lui saute dessus, moi, alors. Tu lui sautes dessus ? Ouais. Moi, je suis... Alors, attendez, s'il vous plaît, chacun un à la fois. D'accord ? Donc, en fait, je vais lui sauter dessus. Je vais essayer vraiment de le mettre au sol, donc j'essaie de viser un peu le haut du torse pour qu'il bascule et qu'il tombe. Ok, donc là, effectivement, ce sera dextérité et mêlée pour essayer, tu vois, de l'entraîner avec toi. Dextérité pour bien le choper et mêlée pour... pour savoir où appuyer et où frapper. Alors, difficulté ? De 6 encore. 7 encore, pardon. Merde. Bon, c'est pas grave. Succès. De toute façon, ça change rien que ce soit 6 ou 7. Okay. Parce que tu as 3 succès. Donc, effectivement, dans un. Tu sautes, tu prends un peu la courbe du tunnel, justement, et tu le tacles. Alors, j'ai dit difficulté. Hein, donc, du coup, 7. Parce que du coup, lui, il va faire des jets en opposition, en fait. Oui, bien sûr. Ça va être. Ça qui est bien, c'est que les jets en opposition, on peut les. Comment ? Bah, c'est littéralement, c'est-à-dire que toi, t'as lancé 6 dés avec une difficulté de 7. Lui, il lance à 7 dés avec une difficulté de 6. Mmh. Et c'est à celui qui a le plus de succès. Donc voilà, tu réussis à le tacler, mais il te repousse. Il te repousse un petit peu. Rissam, tu voulais faire quelque chose? Oui, en fait, je voulais courir en mettant un peu sur le côté de Sig. Mm-hmm. Mais Sig vient de sauter, hein. Ouais. Est-ce que je suis tombé ou pas? On va juste repousser. Il t'a repoussé, t'es retombé, mais tu t'es relevé, quoi. C'est pas non plus, il t'a pas mis à terre, quoi. Donc du coup j'ai vu ça, donc à la... ouais, du coup bah, je vais m'y mettre, j'essaie de l'immobiliser en le prenant par derrière, tu vois, genre Goku avec Raditz. Ouais, ok, je vois. Donc, tu vas essayer de le prendre par derrière, comment? Lui courant dessus, lui rentrant dedans ou... Bah en fait je comptais me servir de Steve pour me faufiler furtivement, on va dire. Enfin, vu qu'il se concentrait sur elle. Sérieux de moi, quand même. Ok, ben ce sera un jet du coup d'astuce furtivité. Mm-hmm. Donc pour t'approcher de lui sans te faire remarquer, hein, déjà. C'est ça. Ce sera ton. Furtivité, je trouve pas. Dans un petit tunnel. Pas de mode zéro. Bah, il fait très sombre. Vous arrivez quand même à voir, parce que bah, vous n'êtes pas aveugle non plus, hein, je vous rappelle, vous êtes des vampires. Et difficulté, ce sera, étant donné que lui il a ça, ce sera pour lui un jet de perception avec vigilance, difficulté de 8. Ah oui, si je pars, je pourrais quand même faire un truc après. Ah bah, oh, moi, ouais, c'est me crois que là non. Oh non, risable. Bah, j'ai pas rien. T'avais quand même le jouet. Voilà, et des draps. Est-ce qu'on est proche de l'entrée du tunnel ou pas? Vous êtes éloigné, vous avez pris une coudée en fait. Vous ouais, êtes... Donc ça va, ils nous voient pas les autres cons. Ils vous voient plus. Ok, cool. Mais il y a toujours Rissam sur le mec, j'imagine. Ah bah, c'est-à-dire qu'en fait, elle a commencé à s'approcher. Elle a essayé de s'approcher furtivement. Avec les gros ploc des bottes dans les flaques d'eau, quoi. Est-ce que je peux... Parce que tout le monde y va, et moi, si j'y vais pas, je vais rien faire. Parce que j'ai rien d'autre à faire, en fait. Enfin, je vois pas d'autres choses à faire qui soient intelligentes. Est-ce que je peux me jeter sur lui et lui péter les jambes? Tu peux essayer, ce serait un jet... Donc, vigueur et force, et avec la force, j'ai... Vigueur et force. Parce que ces deux attributs, tu peux y aller avec force et mêlée. Oui, force et... Ouais. Sachant que, n'oublie pas, tu as 2 en puissance. Oui. Donc ça te fait un mode pool de 2, donc tu lances 6 dés au lieu de 4. Donc force et mêlée, je cherche mêlée. Où tu mêlée? Je te cherche. Mêlée est assez bas dans la liste. Hein. Parce que n'oubliez pas, il met d'abord les talents, ensuite les compétences, ensuite les connaissances. Difficulté? Du coup, ça va être comme David et Sig, difficulté de 7. 7, non? Ouais. Non! Au secours! Au secours! Ok, donc, alors lui va faire. MDR. Non, parce que franchement, je suis désolé les gars, mais là, vous y êtes tous allés comme ça, un par un, moi, je peux pas faire autre chose. Hein. Je vais retenter un truc après. Oui, mais vous inquiétez pas, alors là c'est à lui d'agir, pour le coup. Donc il va te repousser toi des draps. Et ce sera donc 6. Difficulté de 6. Oh, quelle enculade. Donc effectivement, tu vas pour lui faucher les jambes, le mec il te chope. Il te chope et il t'envoie en fait dans le plafond. Il t'envoie au plafond, quoi, ce genre. Boum! Tu vas taper le plafond. Et ouais, tu vas prendre une contusion, quand même. Tu vas prendre une contusion. Pour le coup. 5 succès, ouais. Là, il tape. Je comprends pas le truc des contusions. Tu cliques, tu mets une croix, on s'en fout. Je sais pas à quoi ça correspond, mais on met une croix, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. C'est pour nous. Du coup, vu que j'ai pas agi physiquement, je vais tenter qu'un truc... On va refaire un tour de table puisque pour le coup tu t'es approché, donc tu as agi physiquement. Ok, ça marche. Donc on va commencer par les personnes qui sont les plus proches de lui, sachant que donc David, Sig, vous êtes derrière lui. Mm. Enfin, du coup derrière lui, vous êtes plus loin que lui dans le tunnel. Mm-hmm. Debout. Dédra, t'es allongé à côté de lui. Oh, mais on est trop con, on aurait juste dû courir derrière lui et puis oh là là, quel est grand con. Oui. Dédra, t'es allongé pour le coup derrière lui, puisqu'il t'a un petit peu sonné, il va falloir que tu te relèves. Ding dong. Et Rissam, bah toi, t'as essayé de t'approcher discrètement, mais c'est-à-dire que bah plop quoi. donc, je vais commencer par David. Bah, moi, j'ai retenté ce que j'ai tenté tout à l'heure. Oh là là. Tu retentes de le frapper? Ouais. Ok, donc tu me refais exactement le même jet. Donc, Toujours difficulté 7. Un succès. Avec un putain de 1 qui fait chier. Hein, voilà. Si je fais n'importe quoi, ça va pas le faire. Oh putain. C'est quoi ce Nosferatu de l'enfer? C'est ça, putain, c'est le boss final en fait. Mais oui, parce que les Nosferatu, ils ont pas besoin de mettre en charisme, du coup ils ont tout le reste. Non, c'est pas en charisme, c'est en apparence. Ouais, c'est ça. C'est en apparence. Donc ouais, donc t'essayes de le frapper, il te part en fait. Genre tous tes coups, poum, poum, poum. Si tu t'as un petit peu du mal à comprendre là, pour le coup. Un petit peu du mal à comprendre. Le mec, c'est Neo contre Smith, tu sais, il se met de côté, il y a le bras qui bouge tout seul. Mais c'est quasiment ça, quoi. Tu trouves ça assez ouf. Sig, s'il te plaît. Ok, moi je vais me jeter sur ses jambes pour essayer de... Voilà, comment dire. Je me jette sur ses jambes vraiment pour le faire basculer encore. Au lieu de viser le haut, je vais viser les jambes pour qu'il tombe. D'accord. Donc ça va être dextérité mêlée, encore une fois. Difficulté 7 cette fois-ci, oui. Tu vas te prendre un temps de l'espace. Oh putain, j'ai un 1. Il est cheaté, me sert. Ça veut rien dire parce que... Parce qu'il peut faire 0, il peut faire moins 1. Voilà. C'est bien qu'il faut. Voilà. Donc il est en train de parer David. Tu penses à lui attaquer les jambes et littéralement genre le mec il te repousse avec son pied quoi. T'as genre what the fuck frère. Dedra, t'es juste à côté de lui. Coucou. T'es juste à côté de lui. T'as tes deux potes qui sont en train d'essayer de le boxer, de lui frapper les jambes. Donc du coup. Est-ce que quand t'es un vampire, t'as quand même mal aux couilles? Oui, probablement. Je peux juste tendre ma main et genre lui prendre les couilles le plus fort que je peux. Alors tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Alors laisse-moi regarder rapidement. Laisse-moi prendre force. Oui. Non, mais classique. Oui. Donc ce sera force avec de la mêlée. Why not? Donc mode pool de 2, et n'oublie pas, alors je vais commencer à vraiment parler de vos pouvoirs, mais on va avoir la discussion qu'on a eue la semaine dernière suite à ça. N'oubliez pas de lire les descriptions de vos pouvoirs. Par exemple, puissance, si tu utilises 2 points de sang, ça te fait 2 succès automatiques en plus de ce que tu auras. Voilà. Donc je vais utiliser tes 2 points de sang. Vous avez vos réserves de sang, n'hésitez pas à utiliser vos pouvoirs, parce que vos pouvoirs sont tous très intéressants. Du coup, ça reste que je reste la même pool mode. Donc tu restes le même pool mode, mais moi je rajouterai à la fin 2 succès en plus. Difficulté, je mets 7 pareil. Difficulté, justement non, parce qu'il est occupé avec Dedra, avec David et Sig. C'est-à-dire les deux ils sont sur son corps, donc là il commence à être un peu plus violent, il est distrait quoi. Donc difficulté de 6 pour le coup. Roll up bitches. Donc 5 succès. Ce à quoi lui va lancer. S'il vous plaît, laissez-moi lui broyer les couilles. Il a fait 6. En fait, ça va être compliqué parce qu'il lance quasiment la même chose que toi. Et pas avec puissance pareil. J'ai 5 succès. Que voilà, tu as 5 succès, donc tu lui attrapes les couilles. Oh oui, laisse-moi lui arracher. Et le mec, genre, il se. Tu vois, genre, il y a un moment où. Voilà. Rissam, toi, du coup. Bah, du coup, j'ai profité de ça pour faire enfin. Tire l'une de mes dagues et... Ah, on t'a pas entendu, en fait. Ça a coupé. Bonjour. Bonjour. Donc, du coup, je vais vous faire comme tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, je vais sortir l'une de mes dagues pour la coller à sa... Non, il s'en fout. À sa gorge, ouais. Tu veux t'approcher furtivement? Furtivement, oui et non, on va dire. Parce que là, il a un peu l'esprit ailleurs, vu... C'est-à-dire que c'est soit oui, soit non, hein. Est-ce que c'est ça quelque chose, vu que là... Bon, oui. Oui, tu vas furtivement? Bah ouais, du coup. Ok, bah astuce et subterfuge encore, s'il te plaît. Furtivité. Pour voir si tu es... furtivité, oui. Subterfuge, furtivité, pour le coup, ça ne change pas grand-chose en réalité. T'as le même score. Mais effectivement, c'est bien de me corriger. Vous avez bien raison de le faire. Non, furtivité, c'est pas pour ça. Donc difficulté... Difficulté, c'est-à-dire que là, le mec, il était en train de se battre contre David avec ses poings. Il a repoussé Sig avec une de ses jambes. Ça a créé une ouverture pour que Dedra par derrière chope ses couilles. C'est-à-dire qu'en fait, Dedra, elle est même pas debout. Je sais pas si vous voyez le truc, genre, elle vient, elle s'est mangée. Elle s'est mangée le plafond. Elle a fait un vol, mais pas possible. Genre, le plafond, ça fait boum, vous l'avez vu se déformer sous l'impact. Elle est retombée au sol comme une pierre. Le mec a repoussé Sig, ça a créé quoi? Une ouverture de 3 cm dans sa garde. Il y a une main qui s'est levée, qui a fait. Et pour le coup, littéralement, elle le tient par les couilles. Oh oui. Dis-moi plus. Voilà, c'était la blague du soir du MJ. Donc. Difficulté, du coup. Donc, difficulté de 5, en fait. Parce que pour le coup. Il est plus 3. Mais sérieusement, quand j'arrive à rater ça. Non, mais non. Oh non. C'est quoi ces jets de merde là? Alors, je suis désolé. Non. Quand j'arrive à rater ça, je me taille le bras. Glisses, tu glisses, tu tombes toute seule, tu t'éclates le front par terre. Elle glisse, tu tombes dessus, je te défonce. J'ai glissé sur une flaque d'eau, c'est ça? Non, c'était pas une flaque d'eau. Par contre, effectivement, c'était des draps. C'était des draps. Tu t'es mangé des draps. T'es tombé en avant et t'as collé un coup de poignard à Sig. Non. Donc Sig, bah, je suis désolé. Tu te manges une blessure légère. Oui. Du coup, je peux pas. C'est les points de sang que j'enlève. Non. En bas de la feuille, tu as un truc santé. Tu as contusion, légère, moyenne, grave, handicap, infirmité, invalidité. Tu es à légère. Donc c'est-à-dire qu'à tous tes prochains jets de dés, tu auras moins 1. Donc attends, là j'ai juste mis un petit moins, c'est ça? Je préfère les croix pour qu'on les voit bien. Les croix. Après, voilà. Croix comme ça. J'ai plus de poignard. Dans le bras. C'est pas genre, elle t'a pas poignardé, elle t'a pas planté le poignard dans le bras, mais elle t'a tailladé le bras, quoi. Ça veut dire qu'elle aura moins 1 à tous ses jets après, non? Exactement, ouais. Sauf si elle se soigne en utilisant des réserves de sang. Je te déteste. C'est pas ma faute. Et après, on soigne mes échecs à moi. Hein. Ok. C'est à lui. Oui. C'est-à-dire que lui, il est toujours en train de boxer avec toi. Hein. Concrètement, il bouge toujours ses bras, beaucoup moins vite, mais quand même, il les bouge, il te bloque. Il bouge, je le défonce. Et donc, il va attaquer. Il va t'attaquer toi, Dedra, en fait. C'est-à-dire qu'il va essayer de te botter le visage. Le visage. Ouais, ça me semble. Parce que t'es derrière lui par terre, tu tiens ses couilles, donc en fait t'as le visage qui est relevé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi je veux un dessin de la scène quand même. De Sig qui se fait poignarder par Issam et de Dedra qui tient les mecs. Derrière lui. Pendant qu'il me boxe à la Matrix. Ça va être ça l'image. Bah en fait, si tu veux, genre il t'a envoyé en l'air. D'accord? Oui. Il t'a envoyé en l'air. Ouf. David a commencé à lui mettre des coups de poing, donc le mec a avancé, tu vois, en se protégeant. Donc tu t'es retrouvé derrière lui, tu vois, pas loin, à quelques centimètres. Okay. Parce qu'en fait, toi, t'as pas bougé de l'endroit où t'étais avant. Là où lui a avancé. Donc ça va être 1, 2, 3, 5, 7 même. Difficulté de 7 pour lui. Parce que d'une, il ne te voit pas, et de deux, tu le tiens par les couilles. Et je tiens fort en plus. Et tu tiens fort en plus. Donc il a une difficulté de 7. Il fait un succès. Ouais. Alors tu vas me faire un jet de dextérité. Dextérité et j'allais dire bagarre, mais pour le coup mêlée. Je suis pas méchant. Bagarre et mêlée pour en fait pas te prendre son coup de pied. S'il te plaît. Ouais. Okay. Bagarre et mêlée du coup? Non, dextérité et mêlée. Okay. Donc ça te fait 5, 5 dés. Et difficulté de 5. Ce qui devrait t'arranger. Voilà. C'est-à-dire que tu bouges. tu bouges ta tête, tu vois le pied qui passe, mais genre fou. Genre il passe à quelques centimètres de ta tête, t'es là genre. En fait, j'imagine le mec courir avec des draps qui restent attachés à ses cou- Ah, mais oui. Ah, il pourrait, hein. Il pourrait, clairement, il pourrait. Et elle pourrait aussi. Et elle pourrait aussi, en tenant ses couilles, genre boing, boing, boing, boing. Alors, le boing, boing, c'est déjà d'une par rapport aux aspérités dans le tunnel, et par rapport à tes seins aussi qui te feraient rebondir. Bah oui. Alors, on regarde un très rapidement sur le dessin. Non, pas de sein. Non, c'est pas de sein, c'est des pecs. Des gros pecs. Des gros pecs bien secs. Du coup, David. Oui, c'est moi. T'étais en train de le boxer, il t'apparaît. Du coup, est-ce que je peux utiliser mon aliénation pour le... Ton aliénation, oui, tu peux. Alors, il faut... en train de péter un câble entre les douleurs et... Il doit flipper un peu, je voudrais, comme j'avais fait avec l'autre, à genoux par la peur. Alors, il est pas en train de flipper, hein. Il a juste très peur pour ses couilles, je pense. T'as une meuf qui essaye de lui arracher les couilles, je pense qu'il flippe un peu pour ses couilles, quand même. Il en a pas tellement besoin, en vrai. Même, ça fait mal. Si t'as arraché, je pense que même si t'en as pas besoin, ça doit faire mal. Mais en RP, je peux dire que oui, ça doit faire mal. Du coup... Ah, je suis désolé, je suis en train de réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de couilles dans cette idée ? Parce qu'on a tous une paire de couilles au fond de nous. Ah, je veux pas vous aider, mais il est quasiment 1h du mat. Moi, j'ai du catch qui commence dans 10 minutes, donc j'ai envie que ça aille vite. Dédra, tu vas me faire tout d'abord... On va accélérer un petit peu le combat, hein, vous m'excusez. Mais tout d'abord, on va faciliter le jet de David avec ton pouvoir de présence. Et oui, tu as ça. Ah ouais, c'est pas forcément super utile là dans ce cas-là. Ouais, si t'avais deux, effectivement, ça... Ouais, parce que là, c'est que pour les humains, je crois, en plus. Non, là, c'est pas que pour les humains, mais tu vas juste... En fait, il va vouloir être encore plus proche de toi et être très réceptif à ton point de vue. Je vois pas en quoi ça pourrait aider oui, vas-y, rage pour les coups, je suis d'accord. À avoir... Donc, ouais, malheureusement, pour le coup... Bah oui, donc bah, David, tu vas me faire ton jet, donc présence, ça va être charisme plus empathie. David. Charisme. Difficulté. Difficulté, alors c'est censé être égal au niveau d'humanité / voix de la cible. Donc ça va être une difficulté de 2. Voilà. Ça vous donne une petite idée de qui est ce mec. On parie que avec mes G, je peux quand même louper ça. Ah oui, complètement. Un succès. Un succès quand même. Merci le 1. Donc effectivement, le mec il commence à un peu se chier dessus. Très salement se chier dessus même. Mais il y a des draps en dessous, c'est glace. Il commence à très très salement se chier dessus. Je suis pas en dessous, je suis juste à côté. Ah, t'es derrière. Hein. T'es derrière, il y a ton bras en dessous de son cul. Littéralement. Oh non. Mais je vous rappelle que c'est un vampire, il n'a pas de déjection. Donc, oui, c'était. Je me prends juste un maximum de sang sur la tronche. C'était façon de parler. Sig. Donc tu vois le mec qui commence à paniquer. Je vais essayer de l'immobiliser, mais... Tu vas essayer de l'immobiliser, toi aussi ? Ouais, essayer d'attraper, tu sais, par les bras, sur une clé de bras ou un truc, pour le plaquer contre une paroi, contre un mur. Effectivement. Donc, ce sera un jet... Alors, je regarde rapidement ce que tu as. Faut juste que je vérifie quelque chose, parce que j'ai un doute sur ce pouvoir. Mais il me semble que tu peux même faire autre chose. Ouais, non, ça c'est pas très intéressant. Tu peux utiliser ton pouvoir d'animalisme. Bah oui. Ton pouvoir d'animalisme. Je vais regarder rapidement au niveau 2. Ah ouais, non, animalisme au niveau 2, c'est appel. Tu peux appeler des animaux. On va se retrouver avec des rats qui vont nous bouffer le cul. Tu peux appeler des animaux pour qu'ils t'aident, je pense. Est-ce que les STF sont des animaux? Techniquement, biologiquement, oui. Est-ce que les quoi? Non, biologiquement... Non, mais ouais. En fait, j'ai pas entendu. Est-ce que les animaux? Biologiquement, oui. Ah, c'est-à-dire que j'ai toujours pas entendu, en vrai. Enfin, il faut que vous parliez. Les STF sont des animaux, elle a dit. Mais biologiquement, oui. Maintenant, non. Biologiquement, oui. Je parle vraiment d'animaux, animaux. Voilà, je pense que ma réponse était très... voilà. Donc, ce sera un jet de force avec mêlée. Et tu auras un mode pool de... Bah, de deux, en fait. Parce que... Il y a Dedra qui le tient par les couilles. Ouais. Et il a peur. Pardon, ma blessure, du coup, ça m'enlève un... Oui, tu mets moins 1, donc du coup ce sera un mode pool de 1. Très, très exactement, merci de me le faire remarquer. Tu auras un mode pool de 1, donc tu lances quand même 6 dés, sachant qu'il est tenu par les couilles, qu'il est en train de commencer à paniquer. Je vais te remettre à une difficulté de 6, parce qu'il n'est pas en train de paniquer, genre il se met pas à terre, il commence à s'agiter dans tous les sens justement. Donc ça va être un peu plus compliqué de le choper. Très bien. Très très bien. Par contre, lui... Il va pas clairement pas avoir le même G. Il va lancer 4D avec une difficulté de 6. Je chante un bug. Ah, ça va pas. Un petit, j'ai... Oh sa mère la. Pardon. Du coup. Ouais, mais en effet. Oh, tu coupes énormément, Rissam. Ouais, ouais, j'ai mon internet qui bug là. Ça me saoule. Sans raison. Ouais. Donc en fait, ouais, il te repousse complètement. Il te repousse complètement. T'arrives pas à... Dès que tu t'approches, t'as ses bras qui t'envoient dans tous les sens. Donc tu fais demi-tour. Rissam ? Oui ? Bah du coup, qu'est-ce que tu fais ? Il vient de repousser, c'est-à-dire il y a toujours des draps qui le tient par les couilles. Je dirais même par le fil des couilles, là, pour le coup. Sa panique commence à te faire lâcher prise. Y a Sid qui vient de se faire repousser par le mec justement dans sa grande panique et David était en train de lui parler. David était en train de lui parler et tu penses que c'est ça qui a déclenché la crise. Du coup j'ai essayé de refaire ce que je voulais faire mais doucement. Je pense que je peux tenter doucement pour le coup. Voilà. Ça change rien à ton jet, c'est toujours le même jet. Ok. Donc c'est toujours. Laisse-moi regarder. Ouais, c'est toujours la même chose. Avec une difficulté, bah, pour le coup, encore une fois, de. Ah, c'est de... Toi, tu vas être à 5 parce que c'est de la discrétion. Ok. T'essayes pas de le. Tu vas jouer sur sa panique pour qu'il te remarque pas. Même 4 en réalité. Tu peux même mettre une difficulté de 4. Encore une dernière fois, allez. Non, c'est bon. Voilà. 4 succès. Donc tu es planqué, tu es en train de t'approcher discrètement de lui. Bah, concrètement, t'étais plus très loin parce que t'as dérapé sur des draps. T'es carrément pris des draps. Mais effectivement, voilà, tu réussis à te glisser dans son dos. Du coup, lui, dans sa panique. Bah, il va te filer un grand coup de griffe, David. Parce que ouais. t'es en train de lui parler et lui il est en panique. Non, à David. Ah. Oui, non, je m'appelle, c'est moi. Tu n'as pas changé, tu n'es pas moi. Oui, il est en panique. Il est en panique, donc il va te foutre un coup de griffe, en fait. D'accord. Il va te foutre un coup de griffe, donc ça va être un jet à 6 des 10 avec une difficulté. Alors toi, ce sera un jet... T'as aucune. Si tu peux faire un jet. Alors tu peux faire un jet dextérité bagarre ou force bagarre. C'est toi qui vois. Force bagarre plutôt. Force bagarre, donc ce serait une difficulté de 6, de 7 même, parce qu'il est retenu. Et en état de berserk. Qui fait un succès. Et moi, difficulté 7, tu m'as dit, c'est ça? Non, toi t'auras une difficulté de 6. C'est lui qui a une difficulté de 7. D'accord. 4 succès. Voilà, bah, il te fout un coup de griffe, tu bloques sa griffe. T'as même, je t'autorise à faire un contre-jet, donc exactement le même, une contre-attaque en fait, pour justement force. Bloquer son bras. Force bagarre, j'aurais dit mêlée pour le coup. Après ça dépend, soit tu peux utiliser bagarre pour lui coller, tu vois, un pain dans le bide, par exemple. Un coup de tête. Ou un coup de tête, ou n'importe quoi. Je cherche à le sonner, moi, perso. Ouais, ouais. Dans la tête, mais je cherche à le sonner, en tout cas, je vise la tête. Voilà, je soit tu vas utiliser ta mêlée pour le bloquer. Je sonne pas trop, j'ai pas envie de prendre sa tête dans la mienne. Bagarre, ok, eh bien, vas-y. Donc, difficulté 6, toujours. Difficulté, non, de 5. Parce qu'il te frappe et il sort de son état de panique, en fait. Je suis encore bouffé derrière de sa tête dans mon front. Et donc lui avant a jeté 6 des 10. Avec une difficulté, encore une fois, de 7 pour lui. Non, de 6 en réalité. Difficulté de 6 puisqu'il est sorti de sa frénésie de peur. Égalité. Ouais. Bah pour le coup, on va dire que tu réussis. Tu réussis, donc tu lui mets un violent coup de boule. Et le gars, il a son... Donc tu lui pètes le nez. Tu lui exploses, enfin le nez. C'est-à-dire que par contre, c'est plus le petit blond que vous aviez connu. Hein. Oui. Voilà, là c'est un vrai monstre moche, dégoulinant, gluant. Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes. Voilà, il est vraiment... Son... Ah bah toi, t'entends le nez qui explose. Hein. T'entends l'os crunch. Et même vous, hein, vous tous, hein, vous l'entendez tous. Hein. Ça résonne, et puis vous êtes à côté. Et toi, David, tu l'entends de très très près, tu vois. Et le gars, il a la tête qui part en arrière, il se... Il a un nez, on dirait Waluigi. Voilà. Du coup, bah, Sig. Donc il est au sol, là, ça y est. Ah, il est pas au sol, il a juste la tête qui est partie en arrière. Mais il y a une ouverture. Je le tiens, surtout. Là, tu le tiens pas encore. Ah. T'es derrière lui, tu le tiens pas encore. Ok. J'ai envie de lui mettre un putain de coup de pied, genre un gros chassé dans le ventre. Eh ben, j'ai de force bagarre, s'il te plaît. Et tu n'as pas de truc de force, donc ce sera juste force bagarre. Et du coup, pour moins 1. Et donc oui, effectivement, pull mode moins 1. Et difficulté de 4 parce que là il est sonné en fait. Yes. Très très joli. Il va lancer des dés lui aussi, mais ça commence à être compliqué hein, pour lui. Voilà, 2 succès. Donc tu lui as mis un chassé dans le bide, c'est ça? Coup de pied dans le bide. C'est ça. Non mais un putain de coup de pied retourné sur moi. Dans la tête? Non, dans le bide, d'accord. Bah effectivement, il a la tête qui part en arrière. Donc tu sais, genre avec le corps qui suit un peu, tu vois, qui se bombe. Le torse qui se bombe. Tu lui envoies un retourné. Mais vraiment, genre le méga retourné dans le bide. Et là, la tête qui était partie en arrière, elle se repenche en avant. Tu vois, genre le mec, il fait foum foum dans les deux sens. Dédra. Il a très très mal. C'est-à-dire qu'il vient, il s'est mangé un coup de boule de David. Qui lui a pété le nez. Il vient de se manger un coup de pied de Sig dans le bide qui vient de le pencher en avant. C'est même pas genre le petit coup de pied, tu tapes dans un ballon, c'est genre le truc, je l'ai bien chassé, mais bien quoi. Le retourné, hein, le retourné du pied qui lui a ouvert le bide quoi. S'il aurait été humain, il y avait les intestins qui volaient à travers la colonne vertébrale. Oh. Voilà. Du coup, qu'est-ce que toi tu fais? Bah, je vois pas ce que je peux faire avant qu'il meure en fait. Parce que là, il y a un moment, il va me claquer dans les pattes. Hein, je veux dire, là. Si vous continuez à le frapper comme ça, effectivement, il va vous claquer dans les pattes. Je peux, genre, lui. Y a moyen que je lui prenne. Tu sais, genre, je bloque mon bras autour du cou et que je lui demande s'il a quelque chose à dire. Complètement. C'est ce que je pense qu'il fait. Complètement, ce sera un jet donc de force mêlée avec ton plus 2. Du coup, ouais. De puissance. Si tu veux, encore une fois, te mettre 2 succès en plus. peut être quelque chose d'intéressant. Je veux le bloquer, je veux qu'il me dise tout. Ok, donc hop, je te mets les deux succès. Difficulté à 3. Parce que là, le mec, il est penché, tu le tiens par les couilles. Donc en fait, tu te relèves littéralement en t'agrippant à ses testicules. Et tu vas passer ton bras autour de sa gorge, tu vois, en clé de bras, ouais, tu sais, genre. Voilà. Bah, truc de catch, quoi. Hein, ouais, concrètement, voilà. Concrètement, la prise d'étranglement. Casse les couilles. Et tout en continuant de. Oh. Alors là, il lui fait une écharpe avec ses. En fait, je ramène les couilles, je lui attache autour du cou. Elle l'étrangle avec, tu sais. Moi, je veux qu'il me dise tout. Là. Moi, je veux qu'il me raconte sa vie, comment il se passait avec sa mère quand il était petit. Du coup, j'ai servi la fin. Il m'appelle maman. Donc, j'ai servi à rien. Pardon, maman. Voilà, donc c'est-à-dire que là, le mec, il est. Tu le tiens. Tu le tiens, t'as son bras autour. Enfin, t'as ton bras autour de sa gorge. Ta main toujours accrochée à ses testicules. Ce qui te fait. C'est très bizarre parce que t'es penché bizarrement. Et en fait, il y a Rissam qui arrive derrière. Et tu lui. Alors, c'est très bizarre parce que du coup, Dedra et Rissam, vous êtes collés. En fait, tu te colles à Dedra, mais vraiment, genre, collé à elle. Et tu prends ses bras et tu les ramènes en arrière. Tu lui bloques les bras en arrière. Donc le mec, en fait, là, il peut plus bouger, quoi. Il a les deux bras complètement bloqués par toi, le bras de Dedra autour de la gorge et l'autre bras de Dedra qui lui tient les testicules. Donc là, je tiens jure, s'il bouge, je lui arrache tout. Sa tête et ses couilles. Ses couilles d'abord. Alors par contre, va falloir faire attention à ne pas l'étouffer. Même si concrètement, il a pas besoin d'air, mais... Ouais. Ouais, mais si je lui brise la nuque, il est mort, en tout cas. Hein, donc... Oui, mais alors il s'en remettra. Je vous rappelle que c'est un vampire. Moi, je dis qu'on le transporter, lui briser la nuque, ça serait bien, mais le transporter tout le long jusqu'au manoir sans se faire opérer alors qu'on est venu à pied, ça risque d'être compliqué. Non, mais après, il y a le cire de draps. Oui, mais quand même. C'est d'un mois à glace, quoi. Le mec, il va pas juste faire disparaître un corps. On peut peut-être lui demander de l'aide, hein. Donc le mec il commence à gueuler, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? On veut juste savoir pourquoi tu bosses, mec. On veut savoir qui tu es, qui t'es. Vas-y, raconte-nous. Alors ça va être un jet de... vous allez avoir plusieurs choix. Donc soit vous allez pouvoir lui faire un jet de charisme avec... Oui. Peut-être subterfuge si vous voulez lui mentir, intimidation si vous voulez l'intimider. Intimidation, moi, j'ai 3 points d'intimidation. Je vais vous dire, hein. je vous dis de quoi. Donc vous pouvez faire un jet donc de charisme avec intimidation pour l'intimider, expression pour vraiment parler avec lui sans être trop violent, empathie ça peut être utile si vous voulez. Compatir à sa douleur, je sais pas. Il est moche, donc on sait jamais. Justement, je ne compatis pas avec ces conneries. Et vous pouvez aussi utiliser un jet de manipulation et subterfuge pour oui, lui moi, mentir. Ça, pour lui mentir. Manipulation, c'est. En plus, j'ai la présence, oui. Manipulation. Est-ce que vu que c'est un interrogatoire, l'investigation peut rentrer? Là, ok. L'investigation peut rentrer, effectivement. L'investigation peut rentrer avec charisme. Can I do my G? Bah moi avec charisme investigation, si je pose des questions. Alors ce que je vous propose, il y a quoi? Il y a charisme 2 investigation. Non, pardon. Charisme 3 investigation 3, donc on a 6 ici. 6, donc je vais me noter ça pour pas l'oublier. Juste qu'on fasse. Vous allez faire un jet groupé en fait. Plus que chacun un jet. Donc, David, 6. Les autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je veux faire manipulation et subterfuge. Et en plus, j'ai présence, donc je peux le ramener à mon idée. Ouais, si tu réussis. Donc, oui. Et du coup, en manipulation, j'ai 4. En subterfuge, j'ai 2. Et du coup, j'ai 1 en plus avec la présence. Ok. Donc, ça te ferait 6. La présence, ce serait un jet, en fait, à part encore. Ok. Donc, je note 6. Rissam. Voilà, moi je vais faire charisme et subterfuge. Donc 1 en charisme et 3 en subterfuge. Donc 4, très bien. Et Sig. Et alors moi j'ai intimidation. Mm-hmm. Et charisme, intimidation, c'est possible ? Charisme, intimidation, c'est possible. Je vais faire ça. J'ai 2 points de charisme et 3 d'intimidation. Donc 5. Ça vous donnerait une base de 5. Je vais pas être un petit bâtard. On va prendre. Ouais, on va prendre les scores en fait au-dessus de 5 rapporteront 1 point en plus. Donc là, vous avez actuellement plus de points. Mm-hmm. Donc pour vous allez lancer, il y a un de vous 4 qui va lancer. Je vous laisse choisir qui. David. J'y vais. Bah, je pense à David ou. Ouais. Bah... Ouais. Moi, David. David ? Du coup, charisme et investigation. Charisme et investigation, et dans ton mode pool, tu mets 2. Et difficulté. Je suis en train de chercher investigation. Difficulté, lui, par contre, ce sera intelligence et. Pool mode 2. Intelligence et survie. Difficulté de 5. Donc t'as 8 dés et difficulté de 5. 5 succès. 5 succès. J'ai dit 5. Je vais quand même lui faire faire un jet, voir s'il craque sous votre pression. Mais ça m'étonnerait avec une difficulté de 8. Qu'il arrive à faire autant de succès que vous. Voilà, 2 succès. Donc voilà. Donc au début, il va vous résister un petit peu, et puis après, il va craquer comme une petite salope. En même temps, je lui tire les couilles et tout, donc normalement... Voilà, donc eh ben, à vous de jouer. Bah, c'est David qui a fait le jet, donc David et Martin. Non, vas-y. Alors, c'est David a fait le jet, mais c'est tous les quatre, en fait. C'est votre effort commun, donc on va le faire en roleplay. Non, okay. J'ai rien entendu. Bon, parce qu'on va parler en même temps, donc il va falloir... Je fais quoi je... Parce que je sais pas si Rissam c'est sa connexion ou... Ce qu'on peut faire... vous allez avoir... deux questions chacun. Mm-hmm. Deux questions chacun et il vous répondra tranquillement. Ok. Moi je commence. Ouais. Ok. Alors je m'approche de lui, vu qu'il est plus petit que moi, je... Ah non, il est pas plus petit que toi. Bah. Il est à terre. Oui. Ah non, il est debout. Il est debout. Non, tu m'as dit qu'il était 1m50. Oui, dans sa forme humaine. Je suis con, bah oui. Okay. Comment il peut être encore debout ? Bah tu le tiens par la gorge et comment Irisam lui tient les bras. Donc en fait vous le tenez debout si tu veux, mais le mec il a juste les jambes qui le tiennent debout quoi. C'est limite vous. Qu'il tenait debout. Ok, je me mets devant lui. Mm-hmm. Et je regarde droit dans les yeux. Et je lui demande qui il est. Je lui regarde, je fais... Alors, tu vas parler maintenant. Tu vas nous dire tout de suite. Tu es qui ? C'est quoi ton nom ? C'est quoi ton nom ? Non. Ah. Et une question gassée. Alors, il faut que je lui trouve un nom. George Michael. Oui, ça pourrait être George Michael, hein, effectivement. Mais non, on va choper un nom australien. Australien, voilà, parce que j'ai Davis. Décidé. Davis. Lambda moche. Moche lambda. Brody. Brody quoi. Voilà. Adrien Brody. Non, pas Adrien Brody, non. Je l'appelle Brodinet, moi, c'est vrai. Ah, tu peux l'appeler Brodinet si tu veux. Hein. Ok. Tu l'appelles, voilà. Tu t'appelles comme tu veux. Qui te regarde, il fait « Je m'appelle Brody ». Et toi, t'es qui ? Je suis Mister T. Je pense que t'as pas forcément besoin de le savoir. Voilà. Maintenant, je vais te poser juste une dernière question. Tu bosses pour qui ? Est-ce que t'as quelqu'un au-dessus de toi ? Il y a un moment de flottement, il essaye de tourner la tête pour regarder des draps. Mais je peux t'assurer que là, la tête non, mais... Je le regarde dans les yeux, je fais regarde-moi. Non mais attends, attends, attends. Écoutez-moi. Quelqu'un au-dessus de toi, il y a des draps au-dessus de lui. Une heure à le tataner. David a compris la blague en fait. Non mais tout le monde a compris la blague, ça va là. Ah, quoi ? C'est-à-dire tu lui as demandé, tu lui as demandé est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi. Il a tourné la tête vers Dédra. Dédra est au-dessus de lui, voilà. Ah, oui, pardon. Okay. Voilà, donc il essaye de tourner la tête vers Dédra avec un petit sourire mesquin en fait, comme si justement il allait faire la blague. Il tourne un peu la tête, il sent la prise qui se resserre. Ok, ok, ok. Non mais je bosse pour. Je suis pas certain de pouvoir vous le dire. Réponds, culé. Réponds vite. Bah, regardez bien, regardez-moi bien, quoi. Bah, t'es moche, c'est tout. Il te regarde. Mais c'est pas le Nosferatu qu'on a vu. Non, c'est pas lui. Bah, pff, après, tu te poses un peu la question. Tu te poses un peu la question parce que, bah, ils se ressemblent un peu tous, quoi. Oh non. C'est aussi raciste, mais en même temps, j'en ai tellement rien à foutre. Ok. Mais non, donc il dit juste regarde-moi bien. Tu penses que je pourrais bosser pour qui? À part les Nosferatu. Si j'y drogue pas. Ah, mais Nosferatu, hein, ça. Ah ouais. Au suivant. Donc c'est effectivement, à la personne suivante. Je voulais, moi, j'ai demandé, c'est toi qui a, c'était Mickaël, le mec dont on a fouillé la baraque, hein, on a trouvé les trois pécores. Attends, c'était quoi ta question? C'était toi, Mickaël? Non. Non, je te demande à toi, le MJ, de me confirmer le nom. Le mec chez qui on a trouvé les trois pécores. Oui, c'est Mickaël. Mickaël, ouais. Du coup, je demande, c'est toi qui a envoyé des hommes fouiller la baraque de Mickaël? Bah ouais. Ah, fouiller. Ils étaient juste censés y foutre le feu, les cons, quoi. Ils sont pas revenus. Du coup, j'allais en envoyer d'autres. Pourquoi? Pourquoi tu les as envoyés? Bah, pour que les gens se demandent pas où est Mickaël. Trop tard, mon kid. Il va falloir être un peu plus détaillant dans ta réponse. Quelqu'un d'autre? Moi. Oui. Et si tu me disais où il est le vrai Mickaël, pour le coup? Le vrai Mickaël? Ah, oh, on l'a foutu dans une cave. Avec deux, trois mecs qui... Bah oui, comprenez-moi. On n'allait pas le kidnapper et le laisser tranquille. Oh, vous avez pris pour des bleus, peut-être? Vous avez la peau bleue. Vu la couleur de ta peau dégueulasse, ou quoi? Alors c'est plus la peau ouais, gris blanc transparent, hein, en réalité. Rodinet, tu es un vrai salopard. Et elle se trouve où, cette cave? Exactement. Il te donne une adresse. Il te donne une adresse, mais. Ah, il te regarde pas parce qu'il peut pas te regarder. Oui. Mais. Il dit mais je serai vous, j'irai pas. Ah, vous avez cru que ça allait être facile, peut-être, de le récupérer? T'inquiète pas. Ok, alors mec, maintenant, hein, à quel point ça va être dangereux? Combien il y a de mecs là-bas et à quoi on va s'attendre? Il répond. Ah, il y a beaucoup de monde, mais alors combien, je saurais pas te dire. Il y a des équipes qui tournent. Ça peut être 7, comme 3. Ok, alors j'ai une question qui en fera 2, hein. Je suis désolé, hein. Mais ça serait quel tour pour que ça soit un peu moins ou... J'ai rien entendu. T'as complètement... Ce sera, je veux dire... Du coup, j'ai perdu ma question. Je veux dire, qu'est-ce que vous comptez en faire? Ah bah, on allait le garder. Pour, du coup, prendre son apparence. Pour faire échouer les négociations. Et puis le tuer, quoi. Ok, bah, par contre, j'ai juste une dernière question comme ça. Je suis désolée, ça fait plusieurs questions, hein. Mais pourquoi t'es aussi moche? Il vous regarde. Et Putain, c'est le plus laid que j'ai vu, quoi. Ah, attends. Si, il faut que je retrouve un petit truc, hein. Excusez-moi, j'en ai pour deux petites secondes. Ah non, c'est pas là. Excusez-moi, c'est un poil compliqué. un poil compliqué parce que y a, j'ai beaucoup beaucoup de choses, je l'ai pas marqué ici. Parce que j'ai un carnet hein, de tout ce que j'ai fait. Non, je n'ai pas noté là. Excusez-moi. Parce que j'avais pas. Bon, on s'en fout. Donc il te regarde pas. Et il a pas intérêt à me regarder. Il a pas intérêt à te regarder, mais il fait. Vous voulez vraiment savoir pour qui je bosse hein. Bah oui, connard. Vraiment savoir pour qui je bosse. Et en fait, le truc c'est que Sig il te regarde avec un grand sourire. Un grand sourire. Est-ce que je peux m'approcher de lui et l'attraper juste par la mâchoire, le regarder droit dans les yeux? Bah en fait, c'est-à-dire que tu vas faire ça, tu vois. Ouais. T'étais pas collé à lui, donc il te faut quelques secondes pour t'approcher de lui et pour l'attraper. Mmh. Et en fait, le temps que tu t'approches et que tu l'attrapes, il change d'apparence. Il se transforme en une jolie jeune fille, plutôt brune. Non. Et qui te regarde et qui fait salut. Et sur ce, on arrête la séance d'aujourd'hui. Non. Mais c'était pas bon. On a galéré quand même. Putain. Merde. Alors, je vais... Je vais quand même vous récompenser un petit peu. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait toutes les dernières fois. Vous avez quand même battu un vampire. Vous avez battu 3 mecs random et un vampire. Ce qui n'est pas rien. Je vais pas quitter le... T'es plutôt gentil. On a fait du parcours comme des dieux. Vous avez fait du parcours comme des dieux, effectivement. Surtout moi. Surtout toi. C'est ce que j'allais dire. Vous allez prendre... Vous n'êtes pas arrivé à la fin du scénario, mais vous vous rapprochez. Puisque concrètement, vous avez trouvé en fait le mec qui s'était donc déguisé en Michael pendant la soirée. Qui vous... On a trouvé pour qui il bossait. Voilà, vous avez trouvé pour qui il bossait. Vous avez trouvé une... Comment ? Vous avez... Voilà, vous avez trouvé quand même pas mal de choses, donc vous allez prendre... Il faut que je regarde mon livre, parce qu'en fait, j'ai pas envie de vous donner trop d'expérience, dans le sens où j'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui me dise « Ah bah moi, je vais prendre 14 points là !» Ce serait pas super cool, mais je veux pas non plus vous en donner trop peu. Donc, du coup, je cherche le parfait... Parfait. C'est un petit peu ça. Alors, ce serait sympa que je retrouve. Excuse-moi. Désolé pour ton bras. T'inquiète, je te jure qu'on bras à côté, c'est rien. Ouais, vous gagnez 3 points. Vous gagnez 3 points d'XP. Ça peut ne pas paraître beaucoup, mais c'est beaucoup. Donc, vous prenez 3 points d'XP. Oui. Et on verra à la pas au scénario là, mais quand vous aurez un moment de... Enfin, peut-être au prochain scénario, ou avant le prochain scénario, puisqu'on va considérer... qu'est-ce que vous en faites du... Qu'est-ce que vous en faites du Nosferatu, là ? Bah là, pour l'instant, on va continuer de l'interroger, parce que je sais pas si on a toutes nos réponses exactement. J'ai 14 000 questions à lui poser. Vous aviez 2 questions par personne, il a répondu à vos 2 questions, il vous répondra plus. Ben, je pense qu'on fait mieux d'appeler... Avec un peu de douleur, moyen, peut-être. Je pense que Dedra pourrait appeler son sien. Ouais. Après, vous pourrez faire comme vous voulez. Mais voilà, au prochain donc downtime... Et on peut trouver un moyen de le ramener à Christopher aussi. Hein. Faut juste réfléchir à ça. Voilà, au prochain downtime que vous aurez, donc au prochain moment où vous aurez rien à faire, je vous autoriserai à monter vos persos en utilisant vos points d'expérience. Sachant que l'utilisation des points d'expérience, c'est exactement la même que celle des points bonus, normalement, de la création de perso. Il me semble que c'est ça, faudrait que je revérifie. Je peux peut-être même vérifier ça tout de suite en réalité. Parce que j'ai pas envie de vous dire, ah bah en fait, 3 points, bah ça vous fait rien. Ça me semble quand même très très très très bas. 124. Non, hein, 124, on est bien d'accord, c'est la page. Ah oui, non. Ah, avec 3, vous êtes. Ah, c'est un peu bas quand même. Hein. Ça, effectivement, il faudrait que je vous fasse un truc du coup en expérience. Ah, les capacités, c'est quoi? Ouais, c'est ça, les capacités. Ça fait un peu. Ça fait très très peu en réalité. Je vous donne 10 points d'expérience, plutôt. Okay. Ça change. Ouais, ouais, ouais. Non, parce que vraiment, vraiment, 3. 3, c'est un point dans une capacité que vous avez pas, quoi. Mmh. Voilà, donc c'est pas non plus giga ouf. Je vous enverrai. Faudra expliquer quand même pour la dépense des points, parce que ça remonte la fois où on avait. Mais je vous l'enverrai en image. Mmh. Je vous enverrai une image de ça que vous garderez avec votre PDF des pouvoirs. Bon, coup, bah sur ce. Points, voilà, expérience. Alors vous avez un truc expérience hein, au niveau des jets de dés. Vous mettez 10 dedans et c'est très bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et de même. Même pour les gens qui actuellement me détestent. Oui. Si tu avais en face de moi, je t'en aurais collé une, je crois. Voilà. Et puis, ouais. On se retrouve donc dimanche prochain à 21h. Ouais. Pour la prochaine partie de Vampire. Et on se retrouvera aussi donc mercredi là hein, pour les gens qui suivent le live pour la VOD avec toujours le lien MP3 à télécharger dans la description de la vidéo. Et les jolis dessins. Voilà, et les jolis dessins de Sig sur le stream, mais aussi en miniature maintenant. Parce que du coup, moi, je m'appelle Crystal, voilà, enchantée, c'est mon nom. Bonjour tout le monde, voilà. Ce coming out de nom. Voilà, ce coming out de nom. Moi, c'est Crystal, comme du cristal, sauf que ça s'écrit pas pareil. Mais comme Pokémon Crystal, Ender. Voilà, allez, du coup, des bisous. Non, mais la référence à John Café, merci. C'est exactement ça. Merci. Putain, t'as la réponse. Voilà, donc des bisous à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.